Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Anime Minute EX. Un peu de nouveauté, donc on est toujours l'un chez soi et chez l'autre, donc on sera toujours à distance. Le retour de deux invités et non plus d'un seul, donc ça fait très plaisir. Et également, cette fois-ci, on va parler jeux vidéo. On l'avait toujours pas fait depuis le début du podcast, donc ça fait plaisir. Et on accueille enfin la première femme sur le podcast, donc ça pareil, c'est un grand honneur. Et donc, bienvenue Caro, chez nous, player de son pseudo. Comment vas-tu ? Eh ben, merci de m'accueillir déjà, et moi ça va, hein, chez moi aussi. Ouais, bah, c'est avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui peut-être ne te connaîtraient pas ? Ouais. Alors, moi, du coup, je blogue et je stream depuis pas mal d'années maintenant. Ça doit faire depuis 2014 pour le stream et 2011 pour le blogging, je dirais. Donc, ouais. Ça fait un paquet de temps. C'était principalement du jeu vidéo, un peu de coup de cœur, coup de sang aussi parfois, mais plus un aspect émotionnel, pas de l'analyse pure et simple. Pour ce qui est du stream comme du blogging, j'ai eu des moments de présence comme des moments d'absence assez réguliers au fur et à mesure, puisque je déménageais un peu dans plein de pays différents et différentes. Et dernièrement, j'essaie de reprendre un peu le streaming et le blogging, mais bon, bah voilà, comme on le sait, c'est toujours compliqué avec la vie à côté, mais toujours avec le sourire. Ah bah oui, on est tous les quatre dans le même cas ici sur les moments de flottement, donc on pourra pas te juger là-dessus, ouais. Ça c'est clair et net. On connaît ça par ici. Ah ouais, alors là, incroyable. Ensuite, notre deuxième invité, et non pas des moindres, un ami de longue date maintenant, hein, à Yannick et à moi. Donc, Jacob Blade 701 de son pseudo, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très très bien. J'espère que ça va aussi pour vous et surtout la santé. Oh bah, on fait aller, okay, hein. On fait aller. Est-ce que tu peux te présenter pour nos très chers auditeurs ? Bah, en quelques mots, je suis vidéaste donc depuis juillet 2009. Ouais, précis. Donc, wow. ouais, je précise, ouais. Et du coup, parce que c'est durant ce mois-ci, voilà, que j'ai envoyé mes premières vidéos de jeux vidéo. Je pars essentiellement sur ce média-là depuis tout ce temps, donc. Et je fais également quelques streams depuis quelques années également. Donc, en gros, voilà, une petite présentation assez. Eh ben, nickel. Voilà, nickel. Alors, évidemment, mon très cher co-host, hein, il est toujours là, toujours dans l'ombre, hein, comme on dit. Mon très cher Yannick Ham, comment ça va, Yannick ? Ouais. Bah, moi, ça va très bien, et toi ? Bon, bah, écoute, on fait aller. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui n'auraient pas écouté les premiers épisodes de ce podcast ? Bah, évidemment, donc moi, Yannick, Indie, vous pouvez me retrouver un peu sur tout, entre guillemets, surtout sur les réseaux sociaux et sur Twitch maintenant. T'es un peu connecté, quoi. De quoi ? T'es un peu connecté, t'es un peu 2.0. Ouais, je suis un peu connecté, je capte tout un peu. Oh là là, le jeu capte, il est vraiment violent celui-là. Il y a bien réussi, hein, non. Ouais, j'ai fait un peu de tout, j'ai fait de l'écriture, j'ai fait de la rédaction d'articles, de tests et tout maintenant. Maintenant, je fais beaucoup de vidéos du coup avec Twitch, puis voilà quoi, grosso modo. Je joue c'est déjà de pas jeux, mal. Beaucoup trop de jeux. Incroyable. C'est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. C'est déjà pas mal. Incroyable. Voilà. Donc, on est tous là aujourd'hui pour parler de Resident Evil, donc le jeu vidéo. On va peut-être faire des divagations sur d'autres médiums. On n'est pas fermé à ça, on verra. Mais avant tout ça, vous avez l'habitude, comme à l'accoutumée, on va parler un peu de nos coups de cœur ou coups de gueule du moment, nos recommandations, pop culture, au sens large du terme. Donc j'ai demandé un peu à chacun de préparer un petit peu, si chacun a fait ses devoirs. Donc, j'ai demandé, tiens, Caro, si tu veux bien commencer, qu'est-ce que tu as à nous donner sous la dent en ce moment pour nous occuper ? Alors, j'ai deux coups de cœur, du coup, un animé et un manga. Ouais. Au niveau animé, je pense que je vais sortir un peu des sentiers battus. Ah, mais il n'y a pas de souci. Mais ce que j'ai à présenter, c'est vraiment un sujet élargi qui moi me plaît beaucoup et quand je suis tombée dessus j'ai crush directement. C'est un animé qui, je vais donner le nom français parce que ce soit le nom japonais ou le nom anglais, il y a pas de problème. Il est à rallonge. Donc en français ils l'ont traduit, je la vois déjà en haut de l'affiche. Et en fait c'est un shoujo assez yuri, donc pour ceux qui savent le yuri c'est tout ce qui traite des relations lesbiennes. C'est ça. Et c'est l'histoire en fait d'une jeune femme qui découvre un groupe d'idoles et qui tombe littéralement amoureuse et fan de la moins populaire des idoles en fait du groupe. D'accord. Et donc elle va passer d'une nana qui bosse et puis qui fait une japonaise qui fait sa vie normale à tout d'un coup une japonaise qui enchaîne tous les petits boulots possibles pour dépenser tout son argent pour soutenir son idol en fait, donc acheter les CD, des photos avec elle, etc. Et en fait, c'est, pour moi, c'est la première œuvre que je vois qui traite des idoles, où on voit vraiment le côté fan, et où le côté fan n'est pas que d'un point de vue masculin. Oui, ça c'est rare, parce qu'il y a eu 2-3 animes, ça c'est, traite des gags manga souvent, qui traitent des fanatismes dans l'anime, enfin dans les idoles. C'est ça. Il y en a eu un en 2016, qui était une série de 12x5, j'ai plus le nom du tout par contre. Et ouais, mais c'est vrai, c'était juste un groupe de fans masculins qui vénéraient et qui suivaient en fait les différents groupes d'idoles, en fait, même dans les centres commerciaux à Akiba par exemple. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est toujours les otaku masculins qui sont fans. Alors, elle déroge pas à la règle, hein. Elle la vénère à un niveau intersidéral. Mais c'est une femme, puis elle est un peu plus vieille aussi. Elle est dans la vie active, donc on sort du côté high school, etc. Ok. Et donc, t'as cette relation. Et je sais pas si c'est parce que c'est une femme, mais du coup, je le vois un peu moins malsain, même si quand même, tu te dis, elle est ravagée. Et c'est vachement intéressant comme point de vue, surtout qu'au final, au fur et à mesure, tu te rends compte que l'idol, elle a peut-être eu un coup de cœur aussi. Voilà, j'en dis pas plus. Ok, parce que c'est intéressant. Donc, est-ce que tu peux rappeler le nom, s'il te plaît ? Donc, en français, c'est, je la vois déjà en haut de l'affiche. D'accord. Et c'est sur Wakanim. Il y a 12 épisodes de dispo. Donc c'est de cette saison, c'est ça. Ouais, c'est tout récent. Okay. C'est sorti. Et donc le dernier épisode en donc mars. Il est en hiatus, je suppose, là, avec le confinement. Si je dis pas de bêtises, il doit être en pause depuis. Je pense, ouais. Je suis pas à jour sur les épisodes. Il doit en manquer deux, donc. D'accord. Le dernier est sorti le 26 mars. Je sais pas trop. Ok, donc oui, il est bien en hiatus, depuis comme quasiment tout en ce moment. Donc sur Wakanim, c'est tout en haut de l'affiche, c'est ça. Je la vois en haut de l'affiche. Excuse-moi. Je la vois déjà. Et donc, n'hésitez pas, c'est très bien. Et donc, ta deuxième recommandation ? Ma deuxième recommandation, c'est un seinen. C'est un manga chez Kana qui s'appelle Time Shadows. Ouais. Et c'est en 5 tomes pour l'instant, toujours en train de sortir. Et du coup, en hiatus également. Et c'est juste l'histoire d'un mec, Shinpei, qui se retrouve à retourner sur son île d'enfance, son île natale, pour l'enterrement de sa meilleure amie. Et sur la route pour aller à l'enterrement, donc ils sont très jeunes, hein, c'est l'équivalent, je dirais, du niveau universitaire, démarre un gros huis clos, en fait, assez sombre, avec un principe de boucle temporelle, parce qu'il va à l'enterrement de sa copine, mais en fait, sur la route, il va lui arriver des bricoles très bizarres, et il va décéder, et il va revivre sa journée. Ok, c'est le jour de la marmotte. Ok. C'est ça. Et donc il s'inscrit dans une boucle temporelle qui commence pas toujours au même endroit, tout n'est pas réversible, et il y a une très forte raison en fait qui se base sur, alors j'ai eu du mal à trouver des infos à ce sujet là mais a priori au Japon il y a une légende qui dit que si tu croises ton sosie tu vas mourir en fait dans oui, les jours c'est qui ça. Arrivent. C'est ça. Et du coup ça se base sur cette histoire là qui est appelée dans le manga la maladie des ombres. Donc c'est très très intéressant, c'est très bien dessiné, moi il y a des doubles pages qui m'ont fait rêver, en plus on est dans le côté insulaire, on sent limite les gouttes d'eau salée sur la peau des protagonistes alors qu'ils sont en train de vivre des choses horribles, c'est assez gore sur certaines scènes. Ah nice. Ouais, franchement très sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, moi j'avais en fait, lu le... Excuse-moi Yannick, ouais, j'avais lu le... Ah. On va pas y arriver, vas-y t'inquiète. Non vas-y du coup. Okay. Ouais, j'avais lu moi du coup le tome 1 en essai non corrigé il y a un petit moment, et c'est vrai que j'avais pas mal accroché, même si le tome 1 prend un peu son temps, ça pose bien les bases, mais du coup c'est vrai qu'on voit pas trop où ça va je trouve, mais du coup ouais, tu m'as pas mal donné envie de m'y remettre pour essayer de rattraper tout ça. Ça le rend sympa. J'ai dévoré les 5 tomes, quoi. J'ai réussi à choper la suite juste avant la fin du confinement. Ouais, parfait. Et je crois que le 5 est sorti au début du confinement. Je sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai réussi à récupérer parce que je pouvais pas rester là-dessus, en fait. J'ai trouvé incroyable qu'ils arrivent à traiter de à la fois la légende des ombres, la boucle temporelle, plus le huis clos, etc. Et que tout ça fasse un ensemble assez, assez sympa, quoi. Ok. Tu voulais dire quoi, Yannick, du coup ? Ouais. Moi, j'allais dire une connerie, j'allais dire c'est un peu erré. Qui rencontre la traversée du temps, quoi. Bah, sachant qu'il y a déjà une boucle temporelle dans Erased en plus. Bah oui, c'est pour ça. C'est vrai que du coup, ouais, bien, bravo. Mais ok, et donc c'est chez Kana et c'est Time Shadows, c'est ça. C'est chez Kana, Time Shadows. Ouais. Parfait. 5 tomes pour l'instant. Parfait. Je note, moi, quand même, pour une lecture prochaine. Est-ce que tu as d'autres choses à conseiller comme ça, ou est-ce que tu as fini? C'est tout pour moi. J'avais envie de rester sur des coups de cœur. Donc, et bah, t'as voilà. Bien raison. On est rarement négatif hein, sur les conseils, à part moi dans le tout premier podcast. Évidemment. C'est lui qui va disputer. C'est, ouais, c'est, non, mais c'est fatigant d'avoir trop de coups de cœur, donc il faut choisir. Je comprends. Jack, on va passer à toi. Oui. Ouais, ça marche. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté ? Eh ben, du coup, je parlerai de deux choses. Ouais. Le premier, un coup de cœur, et le deuxième, juste quelque chose qui me plaît, à dire, sans que ce soit pour autant un coup de cœur. Bon, la première, c'est donc Assassin's Creed Odyssey. Ah, donc, ok. Le jeu vidéo. Mmh. Voilà, après avoir passé plus de 180 heures dessus, bah du coup le jeu il est complètement terminé, platiné, tout ça propre, et bah c'est une expérience qui était vraiment très enrichissante pour deux raisons. Déjà, la première, la Grèce antique, d'accord, déjà, qui est donc le sujet qui est au cœur du jeu. Et la deuxième, c'est le lien effectivement avec la fiction, donc c'est-à-dire tout le côté donc assassin versus templier. Même si évidemment dans celui-ci, et c'est ce qui le rend particulièrement intéressant, on n'en parle pas encore vraiment. En fait, c'est vraiment les prémices de ce que pourra être fictivement parlant les futurs Assassin's Creed. Je parle vraiment en termes de chronologie et pas en termes de sortie de jeu, bien évidemment. Et du coup voilà, ça permettait de voir un petit peu comment tout ça aurait pu en arriver là où on en est aujourd'hui d'un point de vue fictif, en fait, enfin d'un point de vue chronologique, je veux dire, voilà. Ok, donc un jeu que je recommande vraiment. Si d'une part vous vous intéressez à tout ce qui est Grèce de l'Antiquité, bah déjà ça va vous intéresser puisqu'il y a énormément de choses qui reviennent en lien par rapport à cette période de notre histoire. Des noms connus, Héraclès, Pythagore, Hermès, enfin énormément de noms, Socrate, Hippocrate, voilà, tous ces noms qu'on connaît tous aujourd'hui, que ce soit de près ou de loin, voilà, qui reviennent, des personnages qui sont justement utilisés de manière fictive pour rentrer dans l'histoire même d'Assassin's Creed, mais pour faire également un lien avec notre propre histoire, en fait. Donc voilà, ça j'ai trouvé vraiment super intéressant. Sur ce point, Ubisoft pour moi a toujours plus ou moins réussi à faire cela, en fait. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, évidemment, on pourra toujours demander à un véritable historien de savoir si effectivement ce qui est raconté dans les jeux, est-ce que c'est plutôt bien fait par rapport à la réalité. Mais bon, globalement ça reste intéressant, l'environnement reste toujours magnifique, quelque chose qu'ils ont aussi toujours su maîtriser avec des cartes de plus en plus grandes à chaque Assassin's Creed sorti. Donc en tout cas, c'est pour l'instant le coup de cœur jeu vidéo que j'ai pour cette année 2020. Et la deuxième chose, c'est une série, donc c'est la série Vikings, donc qui était sortie déjà en 2013. Donc j'ai décidé de la reprendre, et c'est pas anecdotique étant donné que c'est surtout par rapport à la sortie du prochain Assassin's Creed. Je m'en doutais. On reste toujours dans le même univers jeux vidéo. Voilà, c'est une série à laquelle j'avais commencé. J'avais regardé tout simplement le premier épisode de la première saison et j'avais laissé en fait en plan pendant plusieurs mois, et l'arrivée du nouvel Assassin's Creed Valhalla du coup m'a donné envie de m'intéresser un petit peu plus à à toute la mythologie nordique, bien que ici ce soit évidemment une fiction avec bien évidemment donc quelques libertés qui est prise, Je me dis que ça peut être pas mal pour se préparer un petit peu à l'arrivée de ce nouveau jeu vidéo pour la fin de l'année. Donc Vikings, pour l'instant, j'ai que quelques épisodes de la saison 1. Je dirais simplement que pour le moment, en tout cas, c'est très bien écrit. Les acteurs sont vraiment très bons. Tout est bien fait. Voilà. Donc je reste très, très flou, on va dire, très, très vague sur ce point-là, parce que je n'ai pas assez regardé pour donner des avis beaucoup plus constructifs et être plus pointilleux. Mais en tout cas, je la recommande vraiment. Allez sur Netflix ou Amazon Prime Video, c'est vous qui voyez, voilà, en fonction de vos abonnements. Voilà. Ok. Pour rebondir un peu dessus, ouais, moi, je suis à jour dans Viking. Et ouais, moi, c'est une série que je trouve vraiment bien. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup accroché. Tu vois, je trouve ça. Alors, on a souvent le parallèle Viking Game of Thrones. Évidemment, ouais. Je suis pas forcément d'accord. Après, moi, je fais des gens qui n'ont pas du tout accroché à Game of Thrones, sans aucun jugement de valeur sur la série, hein, ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, y a ce côté Viking, un peu plus, en fait, terre à terre et historique qui joue, je trouve, moi, dans l'univers, et qui est vraiment assez prenant dans la retranscription. Après, comme tu dis pour Assassin's Creed, je pense qu'un historien se tirerait les cheveux et se couperait les veines en regardant, hein, clairement. Ah bah oui, ouais, bah, y en a, c'est sûr, mais c'est certain. Mais, surtout s'ils prennent pas assez de recul. C'est ça. Mais clairement, en termes de bon divertissement et série palpitante, on peut le dire, je sais pas, elle marche bien, ça joue bien, et il y a des... C'est bien réalisé en plus. Enfin, moi, ça m'a bien parlé, alors que c'est pas trop mon genre de série à la base, quoi. Mais le truc, c'est que je trouve que la différence entre Vikings et Game of Thrones, c'est que Vikings, je trouve que c'est moins grand public. Alors, ouais, ça paraît étrange dit comme ça, parce que, comme tu le dis, à un moment donné, c'est beaucoup plus terre à terre en fait que Game of Thrones. Game of Thrones, ça a vraiment ce côté. Épique en fait, ouais, dans la manière de présenter les choses, que Viking est beaucoup plus effectivement, je reprends une fois de plus le terme, donc terre à terre, ce qui fait qu'on peut être impliqué d'une manière totalement différente par rapport, je trouve, à Game of Thrones, notamment à travers les personnages en fait, les personnages qui n'ont évidemment pas du tout le même vécu, qui ne sont pas du tout dans le même univers, d'où le fait que je comprends quand tu dis c'est bizarre de comparer les deux vraiment sur la forme en fait, parce qu'effectivement ils ont rien à voir en fait, les univers sont complètement différents. Ah oui, hein, c'est... Après pour le coup Game of Thrones c'est de la fantasy, donc c'est... Oui voilà, bah, c'est ça, alors que quelque part la limite entre les deux est quand même très très petite, on est bien d'accord, parce que d'un côté on parle de mythologie nordique globalement évidemment, oui, et puis de l'autre côté on parle, voilà, comme dit Caro, du côté fantaisiste, donc c'est vrai que le fossé entre les deux n'est pas si éloigné que ça. Et pourtant, dans le fond, cette fois, ils sont clairement différents dans la narration, dans la manière dont c'est raconté. En tout cas, pour les quelques épisodes que j'ai vus, c'est tout de suite le premier ressenti que j'ai. Après, je verrai en fonction de tous les épisodes que je vais regarder après. Toi, alors du coup, tu dis que tu es à jour, mais là, c'est la saison 6, alors du coup, qui est dispo, je crois. C'est ça, ouais. Du coup, moi, pareil, je m'amuse pas à demander à mon tonton des USA à m'envoyer des cassettes toutes les semaines. je me fournis que via les plateformes de VOD qu'on a chez nous. Ouais. Et du coup, là, c'est la saison 6, la dernière qui a été mise sur, pareil, Prime ou Netflix, je sais jamais, pour être franc. Je me suis maté tout ça. Et ouais, ce qui est bien, c'est que ça reste cohérent jusqu'au bout. Il y a évidemment des moments de mou en 6 saisons, c'est pas étonnant, on peut pas. Non plus reprocher des choses, hein. Mais si vous aimez tout ce qui est un peu, voilà, grande bataille, un peu bourru, et une très bonne écriture de perso, je trouve, franchement, n'hésitez pas. Puis bien sûr, si vous aimez les Vikings, bah c'est dans le nom, hein, vous pouvez y aller clairement, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça en fait, ouais. C'est ça. Donc voilà, en tout cas pour les deux choses, quoi. Ouais, et je voulais revenir un petit peu sur Assassin's Creed. Alors toi, je sais que t'es grand fan. Je sais pas si toi, Caro, t'as fait les deux derniers, qui sont entre guillemets assez similaires dans leur approche, je trouve. Non, les deux derniers, j'ai Origins, mais j'ai pas encore fait. J'ai un peu rage-quit sur le début, en fait. Ok. Alors, moi, je comprends. On a eu un débat il y a pas longtemps. J'adore la licence, hein, en soi. Ouais. Je l'adore de tout mon cœur, mais je me suis un peu éloignée quand on a commencé à faire des mondes un peu trop ouverts et que j'avais du mal à. J'étais beaucoup moins empathique en fait envers mes personnages principaux. Ok. Et chacun, je vais vous demander deux mots sur le trailer de Valhalla. Ça vous dit quoi, Yannick? Deux mots sur le trailer. Deux mots sur le trailer. Ouais, fais-moi rêver. CGI et Encore un groupe pas du tout raccord avec le trailer. Jack, deux mots sur le trailer. Bah, je dirais... Allez, deux mots. Vraiment deux mots. Hein. Ouais, deux mots. Mythologique. Ouais. Voilà, facile. Ouais, facile. Je le reconnais. Et le deuxième, je dirais impressionnant. Ok. Et toi, Caro, deux mots sur le trailer. Je vais m'attirer des flammes. Mais le premier, ça sera propre. Parce que je trouve que les trailers d'Assassin's Creed sont toujours... très propre. Ça, je suis d'accord. Il y a deux licences pour moi qui me subjuguent à chaque trailer, c'est World of Warcraft et Assassin's Creed. Ouais. Je trouve qu'ils gèrent très bien leurs trailers, mais effectivement, assez, ils sont très épiques. Et le deuxième, c'est déçu. Ok. D'accord. Ok. Ok, ok. Parce que comme on donne le choix entre deux persos de sexe différent, j'aurais aimé que pour une fois le trailer soit avec un personnage. Je suis assez d'accord. C'est facile de mettre toujours le féminin en secondaire. Voilà, c'est lui le secondaire et pas l'inverse, quoi. Ce qui est très dommage. On dit c'est disponible, mais voilà. Moi, j'ai envie de regarder un trailer où je vois la nana et je me dis waouh, je veux être elle, tu vois. Bah, genre... au moins qu'elle soit présente autant que l'homme, enfin qu'on les voit, parce que là, c'est vraiment juste dire en fait, l'homme il peut être une femme. Bravo, enfin, ok. Pourquoi pas. Bah, il y a plein de gens qui le savaient pas, du coup. J'ai vu plein de commentaires. Ah oui, non, qui mais disaient, ça m'étonne pas. Encore un perso masculin. Bon, après, ils sont pas assez renseignés, mais, ouais, mais c'est vrai que ça prête à confusion. Si à chaque fois tu fais ce choix là quoi. Donc moi j'étais déçu pour ça. C'était un peu dommage. Je peux comprendre. Alors moi si je devais donner deux mots, je dirais ouais, après je vais redire facile hein, mais CGI hein. Après vous prenez bien ou pas, c'est mais voilà, c'est CGI. Et ce sera un seul mot mais pas Assassin's Creed, voilà. je m'étalerai pas plus là-dessus parce que c'est pas le débat du jour. Je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, donc après voilà, on juge pas un jeu avant qu'il soit sorti, c'est trop facile. C'est vrai. Donc on verra en fin année. J'espère me tromper, j'espère que j'aimerai le jeu, c'est tout ce que je demande. Comme hein, ça, c'est... tu pourras faire un podcast combien j'ai pas aimé Assassin's Creed Valhalla. <Voilà. rire> Ah, ça va être problématique, on va. Non, on mais alors là, si on fait ça. C'est le jour où on fait un podcast sur Assassin's Creed, ça va être très compliqué pour ma part. Hein. Sans... proposé sur la liste en plus, tu l'as esquivé. Bah, alors, en plus, j'ai failli le prendre parce que je sais qu'aussi, en plus, Jack adore la licence en plus. Mais alors, moi, je suis assez salé sur la licence, donc si c'est pour déverser. Du sel pendant 3 heures. voilà. Je le ferai en prenant un gros recul et en serrant les dents, je pense, un jour. Okay. Ça sera avec plaisir. on va passer à toi, du coup, Yannick, sur tes petites recommandations. Pas de soucis. Moi, du coup, la première, ça va être Persona 5. C'est maintenant que j'ai fini. Il a osé. Il a osé. Oui, j'ai osé. Bien sûr que j'ai osé. Mais ouais, non, Persona 5. Mais après, je suis encore au début. Hein. Ah bah oui. Non, lui, le normal, du coup. Alors okay. Ouais, je fais le normal, en fait, sous les conseils de Ninja. Oups. Je fais le normal, en fait, au début, pour avoir les routes du normal. Et le Royal, je le ferai beaucoup plus tard, je pense. Histoire que ça se décante un peu aussi. Et ouais, j'en suis un peu au début. Je trouve ça même très beaucoup, bien. Même beaucoup. Oh, ça va, j'ai dit à ton début, il va durer longtemps. Bah, Ninja, à chaque fois, il avait un peu mon ressenti. Et à un moment, je lui ai dit ah, mais c'est un peu linéaire en fait. Et là, il a commencé à suer à grosses gouttes. Il va pas aimer. Ouais, je comprends. Et en vrai, non, ça va, je kiffe pour le moment. J'arrive bien à m'attacher au perso et tout. Et j'arrive vraiment à me mettre à fond dedans. Après, bon, c'est vrai, je fais pas des longues sessions parce qu'à un moment. J'en ai eu un peu marre de jouer qu'à la console et je délaissais trop de jeux à côté, donc j'en avais un. J'ai dû faire un choix cornélien et ça a été compliqué, mais pour le moment, non, ça va. Je suis plutôt en kiff. J'aime beaucoup l'aspect de capturer ces personas et tout. Ce qui est marrant, parce que par exemple, dans Kingdom Hearts Dream Drop Distance, je détestais ça, de devoir capturer des. Bah, des c'est Pokémon. Pas du tout la même approche. C'est que mais là, oui. du coup, dans Persona 5, on est revenu aux méthodes des Shin Megami Tensei, qu'on n'avait plus depuis Persona 2, du coup. Et en fait, c'est parce que c'est une méthode qui est pas en mode faut que je lui baisse ses points de vie ou faut que je fasse telle manip chiante. C'est que tout est cohérent, en fait, par rapport au gameplay et à comment se veut le jeu, en fait. Et comme déjà dans les Shin Megami Tensei à l'époque. Oui, bah voilà, tout à fait. Et du coup, ça, je trouve ça ultra plaisant. Et après, qu'est-ce que je pourrais recommander d'autre ? Alors attends, je vais rebondir sur Persona 5, du coup. Ah. Parce que, alors, moi, j'ai failli le mettre dans Merco, du coup, Master Royal, parce que du coup, moi, je suis en plein dans Royal, là, depuis la sortie. J'en suis... j'ai fait les deux gros tiers du jeu. Donc, j'ai quasiment fini à peu près le classique, Et donc ouais, j'en suis en gros bientôt à ma centaine d'heures de jeu là, donc depuis la sortie. Donc moi, Persona, c'est une de mes licences de cœur. Hein. Il y aura un podcast dessus surtout. Voilà, Persona, c'est ça me parle plus que tout quoi. Et ce Royal, c'est ultra plaisant et ultra frustrant sur certains points. J'aime beaucoup les ajouts. C'est tout est fluidifié en fait. C'est que Persona 5, je l'ai beaucoup aimé. C'est pas mon Persona préféré, mais je l'ai beaucoup aimé. Mais il avait des petits moments de flottement et il y avait beaucoup de Morgana qui nous disait faut faire ci, faut faire ça, et très longtemps dans le jeu. C'est chiant. Et j'avoue que j'étais un peu lâche-moi la grappe. Voilà, c'est, je t'adore Morgana, mais lâche-moi la grappe. Et Persona 5 nous donne un peu plus de liberté là-dessus. Et en fait, tous les ajouts de gameplay, c'est des petits rouages qui viennent pour huiler la machine et qui vont vraiment nous donner envie de encore plus avancer. Et le gameplay, vraiment, mais là, c'est un polish de ouf. C'est, j'ai pas l'impression de jouer un tour par tour. Pour moi, ça pourrait être un action RPG, ce serait pareil, quoi. C'est ultra bien fait. Les nouveaux, du coup, les nouveaux compagnons ajoutés et du coup, tout au pan d'histoire et en fait, tout le côté différent du jeu. Parce que du coup, c'est pas le premier Persona à faire un Persona. On pourrait dire 5.1, ce qui est pour moi pas du tout vrai. Par exemple, pour prendre l'exemple de Persona 3, Persona 3 Fess et Persona 3 Portable, qui sont donc Persona 3, le jeu de base, Persona 3 Fess, s'ajoutait pareil de nouveaux confidents, de nouvelles routes, etc. Et Persona 3 Portable, qui est une version du coup sortie sur PSP, dans laquelle on pouvait choisir de jouer une héroïne à la place du héros, qui changeait totalement du coup l'approche du jeu. C'était vraiment super bien. Et en reprenant du coup les éléments de Fess déjà de base, et en fait c'est que Persona 3 c'est vraiment en mode chaos, vraiment c'est tout est dark, c'est vraiment la déprime. Persona 3 Fess c'est neutral chaos, en mode ouais mais il y a quand même, on voit un peu la lumière au bout du tunnel, et Persona 3 Portable c'est good chaos, c'est vraiment, il y a des gros côtés light, des gros côtés dark, et en fait tout ça, ça se joue avec des petits détails, que ce soit dans certains dialogues, dans certaines approches des personnages. Et là, dans Persona 5 The Royal, il y a pas mal de moments où on voit des rumeurs en fait qui se passent dans la vraie vie, suivant les actions qui se passent dans la narration. Et en fait, tout cela, ils sont quand même assez diamétralement opposés à ce qu'on peut voir dans P5. P5, c'est quand même très enfantin encore, je trouve. C'est assez light dans son approche. Alors que P5R, c'est assez dark. Et la rupture qu'il y a à un moment dans le jeu est encore plus violente que dans P5 classique. D'accord. À cause de cette tension. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois deux approches différentes du même jeu, tout en ayant du coup en plus les nouvelles routes qui viennent à côté. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je trouve que la façon d'arriver à la nouvelle route est assez intelligente et aussi frustrante quand tu t'es pas habitué au Persona, en fait, de façon générale. Parce qu'elle est du coup beaucoup plus stricte dans tes choix que certaines choses. Mais d'un côté, c'est assez intelligent. Et j'avais déjà bouffé assez rapidement Persona 5. J'avais fait le 100%, etc. Et là, ce Persona 5 Royal, je crois que je bouffe encore plus rapidement parce que j'arrive plus à décrocher. Et pourtant, je navigue entre lui et Animal Crossing. Donc, c'est quand même deux salles, deux ambiances un peu. Mais voilà, les deux, c'est des simulations de vie. Et c'est. Ouais, c'est. Je peux que conseiller Persona 5 ou Persona 5 The Royal, comme vous voulez. C'est vraiment très, très bien, quoi. Pareil, j'ai vu que tu avais l'air reçu, toi, Persona 5 Royal, Caro. Je sais pas si t'as eu le temps de le commencer un petit peu. Ouais, c'est mon meilleur pote qui me l'a envoyé. Ouais. Parce qu'il sait que j'étais tombée amoureuse de Persona 5. Ouais. Mais j'avais pas eu le temps de le finir avec le taf et tout. Ah et bah oui. Du coup, je suis partagée sur est-ce que je finis d'abord Persona 5 et après je fais Royal. Mais si je fais ça, en fait, je vais plus avoir de vie avant 2025. C'est ça, parce que c'est une bonne centaine d'heures minimum par run. C'est donc, ça. Par contre, j'ai déjà mis l'OST dans ma voiture quand je vais faire des courses et tout. Et je préfère celle de Persona 5 pour l'instant. Mais j'ai pas les moments qui vont avec les musiques pour l'instant. Alors, je Mais comprends. Sur le papier, ouais. J'ai préféré l'OST du premier. Ouais, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Si t'as l'occasion de te pencher sur celle de Persona 4, qui est vraiment la meilleure pour moi de la série Persona, et le meilleur Persona aussi en passant à Persona 4, hein, mais c'est vraiment très très bien. C'est très jazzy, encore plus que Persona 5. Ah, c'est, bah alors là, tu m'as conquis en fait, c'est jazzy hip-hop un peu pour l'ambiance. C'est hyper intéressant, Persona 4, foncez-y. Si vous avez une Vita, Persona 4 Golden, il a 10 balles tout le temps sur le store Vita. C'est juste la. Non, mais je vais aller la chercher maintenant, du coup. Ah. Voilà, c'est juste les meilleures 10 balles de vos vies, je pense, clairement, trop bien. Ok. Voilà. Et donc, l'autre coup. Dans la station. Ouais. Pas du tout. Et Yannick, du coup, d'autres recos? Ouais, là, c'est peut-être plus animé. Après, j'en aurai pas d'autres. Oh, y a pas de soucis. J'en aurai que deux cette fois pour une fois. Waouh, incroyable. Ouais, c'est ouf. Hein. Remember le premier podcast avec chacun 15 recommandations. Hein. Ouais, 15 recommandations, j'en ai repissé. Non, en vrai, là, ce serait. Bon, du coup, pareil, ça date, mais je suis en train de rattraper Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter. Aïe, aïe, aïe. Évidemment. Les puristes en sueur. J'ai créé la dissociation, ça y est. Ah, ça y est. C'est fait. Et du coup, ouais, là, donc j'ai fini l'arc des Chimera Ants, qui est incroyable. Hein, ah, bah ça. On va pas se mentir. Qui a quelques longueurs en vrai, oui. Qui sont nécessaires. C'est même pas des longueurs que je pourrais critiquer parce qu'elles sont nécessaires au récit, au final. Et que sans ces longueurs-là, les persos évolueraient pas. Et non, en fait, c'est vraiment là où tu te rends compte que bah, ce que je te disais aussi. Un peu en privé hein, au final c'est que tu me disais aussi c'est que au final tu te rends compte que Hunter x Hunter a pas besoin de combat pour vraiment bien marcher quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. Au final les Chimera Ants c'est beaucoup de moments forts, de moments de tension, mais au final des combats t'en as peut-être à peine 3-4. Des vrais combats vraiment... il y en a très très peu, ouais. Et des vrais combats il y en a très peu, et même toute la conclusion au final c'est même pas un combat quoi qui pourrait sans préciser et sans vouloir spoiler, quoi. C'est même pas un gros combat, quoi. Ah non, non. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment un focus sur le personnage, enfin sur les personnages même. Et c'est juste du chocolat en barre, quoi. Voilà, cette métaphore, je l'ai pas vu arriver. C'est du chocolat. Du Toblerone, quoi. C'est ça. Non, mais c'est un peu un chocolat doré, quoi. C'est un peu un chocolat Lindt. Genre, c'est très, très bon. Et en plus, là, là. C'est appréciable. C'est, tu vois, c'est pas je sais pas si et du coup vous avez. Ouais, excuse-moi, vas-y. Attends, du coup, je suis sur la liste des élections, quoi. Ah bah oui, bah, ça, du coup, bah toi, t'es quasiment à la fin de l'anime, hein, forcément. Et... Ouais, il reste 6 épisodes, un truc comme ça. Je sais pas si vous, votre côté, vous avez déjà lu ou regardé Hunter x Hunter un petit peu. Alors moi, jamais. Voilà, ouais. Je l'ai dit. Avec goût. Moi, c'est sur ma Allez. Liste d'animés à regarder, mais c'est encore un animé long. Ouais, long, ouais. Donc... C'est 170. Ben, Hunter x Hunter, d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Ouais, bon, bah, moi, c'est pareil, j'avais regardé. J'ai vu les deux animes, etc. Enfin, j'aime beaucoup l'auteur de façon générale. Puis on en a déjà parlé après d'Hunter x Hunter dans le dernier podcast sur le Jump, donc je vais pas trop revenir là-dessus. Mais ouais, c'est juste. Il paraît qu'il y a de la bouffe dedans, ça m'intéresse. Il y a de la bouffe dedans, oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais voilà, Hunter x Hunter, ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout manichéen, c'est que les persos sont ni gentils ni méchants. C'est chacun l'appréciation de chacun. Et chaque arc est très différent. Mais tout est cohérent. Enfin, c'est, y a rien d'acheté dans Hunter x Hunter, que ce soit en manga ou en anime. Enfin, voilà, c'est, voilà. On en a déjà beaucoup parlé la dernière fois, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais voilà. N'hésitez pas à y aller, quoi. C'est ça. Okay. Et du coup, voilà. Hunter x Hunter, c'est chez Kana en manga, et c'est disponible sur Netflix pour l'anime. Et ADN. Et ADN. Voilà. Et d'ailleurs, sur Netflix, il y a les deux animes, il y a le 97 et le 2011, si je dis pas de bêtises. Ah, bah ça. Qui n'est pas chez l'ADN 97. Voilà. Alors moi, j'ai quelques petites recos incroyables. Alors, la première, parce que je trouve qu'on n'a pas assez parlé pendant ces podcasts, bah, c'est Black Clover, évidemment. Non, on va pas attendre dessus. Non, Black Clover, c'est le petit running gag, et c'est qu'il n'y a eu aucun podcast où on n'a pas parlé de Black Clover, même c'est dans ça. Le HS. Donc au bout d'un moment, voilà, ouais. C'est... Donc voilà, Black Clover, voilà, c'est... allez regarder Black Clover, allez lire Black Clover, hein. C'est sur Crunchyroll pour l'anime, et c'est chez KZ pour le manga. C'est un très bon shonen, c'est très long, mais c'est très bien. Voilà, on va pas revenir dessus. Non, plus sérieusement, on va parler à un sujet qui va parler un petit peu à Jack, c'est de Yu-Gi-Oh! Voilà, ouais. Donc je sais que Jack, toi t'aimes beaucoup surtout l'anime Duel Monster, notamment avec ouais, Marek. Ouais, surtout, ouais. C'est Marek, ouais. Et la VF de Marek, sachez que c'est ton petit péché mignon. Ça, c'est le truc. Et du coup, au mois d'avril dernier, il y a la 7e saison de Yu-Gi-Oh! Qui est sortie, qui s'appelle Yu-Gi-Oh! 7 Su. Donc 7, hein, incroyable, la 7e saison. Bah, ils ont... J'étais pas au courant, tiens. Ah, et bah, okay. Je suis content du coup d'en parler parce que j'espère te donner envie. Ils ont remplacé les tirés par des étoiles. Pourquoi pas. Et alors là, on part sur un tout nouveau gameplay dans le jeu de cartes qui s'approche en fait très vite du speed duel. Donc ça s'appelle le rush duel. Et en fait, c'est le ces règles-là ont été créées par le héros. Et donc le principe, c'est qu'on n'a que 3 monstres sur le terrain, mais pas comme dans Duel Links, attention, parce qu'on peut invoquer autant de monstres qu'on veut par tour. Donc on peut invoquer 2 monstres, puis les sacrifier pour invoquer un autre monstre. C'est les combos, ça va très vite. On a 4000 points, 4000 life points de chaque côté, et au début de son tour, on repioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment aller très très vite dans le jeu. D'où le nom Rush Duel. Et en fait, c'est pour spoiler un petit peu le premier épisode, donc c'est pas grand chose. En gros, c'est quelque chose qu'il avait déjà en tête pour lui-même. Et il doit le mettre en place parce qu'il a 3 minutes pour finir son duel contre une IA, etc. Et donc, au fur et à mesure, il crée les règles et tout ça. Et en fait, déjà, je trouve les règles assez cool. J'ai hâte d'en voir plus. Il y a pas mal de contres, en fait. Et l'intérêt, en fait, j'adore la façon de penser, qui j'espère est la même pour les marketeurs derrière, etc., parce que le jeu de cartes, il faut que ça se vende, évidemment, c'est dit, et c'est un beau coup de pied dans la fourmilière des jeux de cartes, ce qui est cool, c'est dit, parce que dans ce monde-là existe vraiment le vrai jeu Yu-Gi-Oh! Et en gros, c'est, moi, je joue à un jeu de cartes pour m'amuser, j'ai envie de m'amuser, et le problème, c'est que le main game, le jeu principal, c'est un peu long, et faut quand même être super chaud dessus, quoi. Et du coup, il dit, moi, je vais juste m'amuser, du coup, je crée mes règles pour m'amuser avec mes amis et que tout le monde puisse découvrir les jeux de cartes. Parce que, du coup, c'est des règles qui sont là pour les débutants et pour mettre un petit peu les gens dans le monde des jeux de cartes. Et j'ai trouvé cette réflexion très, très intéressante. Et pendant qu'il est en train de faire sa partie, il est en train de paumer sa race, et il fait... Alors c'est bien, mais faut pas que ce soit une licence, faut que tout le monde puisse gagner à chaque tour. Et c'est pour ça que la règle de « on remplit sa main » au début de son tour est arrivée. Comme ça, c'est-à-dire qu'au début de ton tour, tu peux complètement renverser la tendance et gagner à ton tour. C'est-à-dire que techniquement, tu n'as jamais abandonné parce que tu peux toujours revenir dans le jeu. Et je trouve ça très cool à voir au niveau compétitif, tout ce que vous voulez. Mais en termes de juste loisir de jeu de cartes, je trouve ça hyper intéressant et ça fait du bien d'un peu, en plus que ce soit une grosse licence comme Yu-Gi-Oh! Qui mette cette pichenette un peu dans ce gros monde de marketing et d'argent qui est les jeux de cartes, pour dire, on est là pour s'amuser les gars en fait, laissez les gens s'amuser, parce que Yu-Gi-Oh! Et n'importe quel jeu de cartes, c'est en grosse perte de moteur, parce que c'est super dur à se mettre dedans, parce qu'il y a énormément de cartes, plein de règles, surtout Yu-Gi-Oh! Qui a pas un système de blocs où tu peux jouer quasiment toutes les cartes depuis le début de Yu-Gi-Oh! Donc c'est énorme à se mettre dedans. Et t'arrives, t'as un gamin de 8 ans, t'arrives contre des mecs de 30 ans qui jouent depuis 20 ans, tu joues plus quoi. Donc le rush duel est là, les cartes sont magnifiques. L'anime est parti par contre sur un tout nouveau chara design beaucoup plus enfantin. J'étais contre au début, mais finalement c'est très bien. Je trouve les persos très cool. C'est un petit vent d'air frais. Et voilà, en termes d'anime de jeu de cartes, c'est vraiment très cool. Et j'attends de voir la suite, comment ça va évoluer, si ça va être un anime long et tout. Enfin voilà, je peux pas prédire plus que ça. Il y a 5 épisodes sortis pour le moment. Et voilà, Yu-Gi-Oh! 5, c'est vraiment très bien. Sur ADN, non, c'est licencié nulle part, Yu-Gi-Oh! Comme d'habitude. Donc ça, malheureusement, c'est mon tonton du Japon qui m'envoie les cassettes. Donc voilà. Donc non, malheureusement. Je crois qu'on va aller chez ton tonton au bout d'un moment. Et puis, ouais, c'est ça. Non, Yu-Gi-Oh! C'est jamais licencié en France pour des problèmes de droits débiles. Parce que des fois, ça arrive en VF sur Gulli, mais c'est jamais fini. Enfin bref, c'est toujours des bordels. Donc ça, c'est comme Pokémon. C'est impossible de les voir juste semaine par semaine. Légalement, donc quand j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est allez, si j'ai votre meilleur fournisseur, appelez votre tonton et vous enverrez les épisodes, il n'y a aucun problème. Voilà, Yu-Gi-Oh! 7, c'est un bon point d'entrée, ça suit aucune série, ça prend vraiment plus un peu tout à zéro, donc n'hésitez pas, c'est un bon vent d'air frais et ça fait toujours plaisir à regarder. Pour, que vous aimez ou non, si vous voulez tester. Et juste sur le côté chronologie, ça s'intègre dans tout ce qui a été fait avant ou alors, pas du tout ? Pour le moment, on ne sait pas, parce que du coup, on voit que c'est même plus. D'habitude, tu vois, on parlait beaucoup de Kaiba Corp, etc. Là, c'est plus que du Kaiba Corp, même pour les trucs de cartes. Où on en est, il n'y a aucun marqueur qui montrerait que c'est lié à l'univers en cours. Parce que du coup, tous les univers Yu-Gi-Oh! Avaient été réunis par Arc V. Et Vrain, c'était du coup le futur d'Arc V, etc. Mais du coup, là, on ne sait pas trop. Je pense qu'ils vont le ramener à un moment, ou même via un OAV. Mais pour le moment, c'est un peu le flou de où on en est. Donc c'est vrai que c'est un peu bien parce que n'importe qui peut commencer à celle-là. Il n'y a pas besoin de marqueur du tout, quoi. Okay, donc voilà, à voir ce que ça va donner. Moi, ça m'a bien botté, j'étais assez content de voir ça. Et donc c'est Yu-Gi-Oh! Sevens, pour rappeler le petit nom. Et on va continuer sur les animes, ce qui ce coup-ci est disponible chez Crunchyroll, même si c'est en hiatus. C'est Sing Yesterday For Me, qui est un... alors, c'est un seinen, mais pas parce que c'est gore, mais parce que c'est assez adulte. Et c'est quelque chose qu'on voit pas très souvent dans les thèmes abordés. Alors, pour vulgariser, je dirais que c'est un anime romantique. Alors, c'est vraiment vulgarisé. Déjà, tous les personnages sont adultes. On n'a aucun adolescent. C'est tous des adultes qui ont... qui travaillent de chacun de leur côté. C'est tous des anciens, en fait, potes de fac, qui maintenant ont plus ou moins un taf. Et le héros, justement, c'est quelqu'un qui vit un peu au jour le jour. Il travaille dans un combini, donc c'est les supermarchés ouverts H24 au Japon. Et tout ça, il travaille tout ça. Il a sa petite vie, il est un peu pauvre, enfin voilà. Il en demande pas plus que ça. Et il a jamais oublié la fille qu'il aimait en fac. Et également, il a une amie qui, elle, est plus jeune que lui. Et pareil, qui s'entend très bien. Et on sent qu'elle a d'attirance pour lui. Mais lui, il aimerait pécho, du coup, sa pote de fac. Et en fait, ils se recroisent, ils habitent pas loin et tout. Et alors, je vais spoiler un tout petit peu, parce que du coup, c'est là où est l'intérêt. C'est qu'en fait, il va carrément tout de suite lui avouer ses sentiments. C'est la fin de l'épisode 1, il lui dit, bah écoute, je t'ai toujours aimé, machin et tout. Et elle lui met un gros râteau sa race. Et en fait, c'est l'anime est pas sur comment je vais pécho cette meuf, mais comment je vais aller de l'avant dans ma vie et je vais un peu passer outre mes années fac et prendre ma vie en main en tant qu'adulte et comment je vais m'intégrer à cette sphère du monde d'adulte auquel je me suis mis à l'extérieur alors que je devrais m'y intégrer. Et on voit sur plein de plans en fait différents personnages où il y a lui qui est un peu paumé, il y a cette fille, on va la suivre, mais elle qui a réussi dans la voie qu'elle voulait. Il a un pote qui lui a été un peu de part, mais du coup qui a pas mal de thunes. Et une autre fille qui du coup elle plus jeune, mais qui elle est forcée d'aller dans cette sphère alors qu'elle est beaucoup plus jeune. Et on va voir un peu voilà tous ces mélanges de personnages. C'est vraiment un animé qui se tient quasiment que sur ces personnages et c'est ça que moi j'aime beaucoup ça quoi. Et ouais, voilà, c'est comment on doit faire le pas entre j'étais en fac, j'étais un peu insouciant, je faisais des soirées, j'étais un peu voilà, tout était facile. Ah ça y est, maintenant je vis de moi-même, je suis indépendant et j'ai cette vie d'adulte qui me donne un coup de poing dans la face et je dois l'assumer, j'ai plus rien qui me retient à mon ancienne vie d'avant. Je l'assume et je fonce pour trouver en fait ma voie quoi. Et c'est quelque chose que je trouve qui touche, enfin qui moi me touche par exemple, qui a mis longtemps un peu à trouver ma voie, ce que je veux faire et qui la cherche encore un petit peu et qui je pense peut toucher pas mal de monde. Et c'est traité avec vraiment parcimonie, c'est pas du tout des stéréotypes et en fait ça donne pas de leçons, c'est pas faut faire ça pour avancer, c'est vraiment on les regarde vivre leur vie et on peut en tirer des leçons, on peut en tirer d'autres, ça nous touche ou non, et c'est assez millimétré, c'est vraiment très cool. Donc voilà, c'est Sing Yesterday For Me, c'est possible, c'est Crunchyroll. Et on est déjà à l'épisode 4 ou 5, si je dis pas de bêtises, mais c'est évidemment en hiatus, comme toutes les séries en ce moment, évidemment. Malheureusement. Je sais pas si ça vous a donné un petit peu envie, ce petit Sing Yesterday de votre côté. Moi, oui. Ah, faut voir, ouais. Voilà. Moi, c'était une de mes attentes et j'ai pas été déçu du tout. Contrairement à notre anime, mais je suis pas là pour déverser ma haine. Voilà. Restons sur des notes positives. Incroyable. Non, on en parlera quand on parlera du studio. C'est un studio qu'on va parler un jour dans 10 minutes. Je reviendrai à ce moment-là. Ça sera rien de spoiler. On va pouvoir passer au main theme, malgré tout. Parce que, 40 minutes, on est comme d'habitude, et les recommandations, ça fait la moitié de l'épisode. Classique. On va passer du coup au thème de ce podcast, la saga de jeux vidéo Resident Evil, comme diraient nos amis français, ou Biohazard, comme diraient nos amis japonais. Grande série d'horreur de Shinji Mikami, entre autres, de chez Capcom. C'est l'une, là, enfin, là, pensons. Allez, l'un des piliers des jeux d'horreur, comme on pourrait les aborder, certains seront d'accord ou non, on peut pas dire que ça a pas marqué le monde du jeu vidéo. Il y a eu des mangas, des séries, des films américains, des films japonais, une chier de jeux vidéo. C'est vraiment un monument du jeu vidéo. Des romans, enfin voilà. Oui. Ça a touché à tout, ça y a pas de souci. Ça a marqué le jeu vidéo. Plus certains joueurs que d'autres, mais voilà, on peut pas dire qu'il y a pas un avant après Resident Evil. Ça, c'est clair net. Ça a forgé pas mal de choses chez Capcom. Mais on est là pour vraiment parler de la licence en elle-même. Et je vais vous poser déjà, avant de commencer à faire le déroulé un peu des jeux, je vais vous demander à chacun qu'est-ce qu'en fait vous aimez dans la saga Resident Evil ou qu'est-ce que vous n'aimez pas, parce que ça se trouve vous n'aimez pas cette licence et je vous ai invité exprès pour cracher dessus parce que j'adore faire ça évidemment. Oui, bien sûr. Donc Jack, je vais te demander de commencer. Qu'est-ce que toi, est-ce que toi tu aimes la licence et qu'est-ce qui te fait aimer cette licence ou non? Bah, j'adore cette licence depuis toutes ces années. J'ai dû la connaître début des années 2000. J'avoue avoir de vagues souvenirs sur le moment, on va dire, exact. Et le jeu avec lequel j'ai vraiment commencé, même si je pencherai plus pour Resident Evil 2, étant donné que c'est vraiment celui que je retiens le plus de toute la licence jusqu'à aujourd'hui. Et je parle bien de la version 98, donc l'original. J'adore cette licence parce que ce côté, on doit survivre face à des ennemis qui, malgré leur apparence, malgré la façon dont ils, dont ils vivent entre guillemets évidemment, est assez intrigante parce qu'on se dit, bah ils ont l'air entre guillemets assez inoffensifs dans le sens où on peut s'en défaire assez facilement, une balle dans la tête. On peut parfois les repousser assez facilement, donc on se dit bon, il n'y a pas vraiment de danger, alors qu'en réalité ces mêmes ennemis, dès qu'ils se retrouvent en nombre assez conséquent, quelle que soit l'art et la manière, on aura le temps d'en reparler durant les, en parlant des différents jeux qui ont une approche différente par rapport à ça, là ils deviennent dangereux en fait, ils deviennent réellement dangereux parce qu'en plus de pouvoir te choper, ils peuvent soit te tuer soit carrément te faire transformer par la suite lentement en fait, donc avec d'atroces souffrances jusqu'à devenir comme eux. Donc c'est vraiment ce côté-là qui m'intéresse. Et le deuxième côté, c'est justement, on parle de la figure du mort-vivant justement, cette fameuse figure qui est rentrée dans la culture populaire depuis toutes ces années, qui intrigue et qui je pense intrigue encore aujourd'hui et qui intriguera pour les années à venir. Parce qu'on parle de mort vivant, en fait. Et c'est cette intrigue, moi, qui m'a toujours intéressé dans la licence d'une manière générale, en fait. C'est d'affronter des ennemis qui, autrefois, étaient des gens comme nous, en fait, et qui, pour X ou Y raison, sont devenus ce qu'ils sont devenus, en fait. Donc, il y a tout ce côté-là. Et évidemment, il y a le côté action qui est vu d'une manière différente dans beaucoup de Resident Evil, mais je pense qu'on aura également l'occasion d'en reparler en parlant justement des différents jeux qui sont sortis avec aussi cette approche qui est différente, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai aimé, ce que j'aime, ce que j'adore dans cette licence, malgré les tournures qu'elle a prises au fil des années, en fait. On y reviendra, ça, il y a aucun problème. Je vais passer à toi, Caro. Qu'est-ce qui, toi, t'interpelle en bien ou en mal dans cette licence? Alors moi j'adore cette licence, mais je pense qu'avant de l'avoir adorée pour ce qu'elle me présentait elle-même, c'est-à-dire pour le produit fini on va dire, je l'ai adorée pour le contexte. C'est-à-dire que Resident Evil le premier, qui est sorti en 96 chez nous sur PlayStation, donc chez moi avec mon père on avait la PS1, hein. La PS1 craquée avec le PS4. Ah bah bravo. Voilà, et que ce soit Resident Evil ou Dino Crisis ou Silent Hill, ça fait partie en fait de cette petite flopée de jeux que mon père a fait devant moi. Donc là aussi, on est en dehors du cadre, c'est-à-dire que le PEGI 18, à cette époque-là, on s'en battait un peu les steaks. Ah bah clairement. et du coup, moi, je me suis vue vraiment pendant très longtemps derrière mon père. Ça a commencé sur le vieux PC avec du Alone in the Dark, et ça a continué sur PS1 avec Resident, Dino Crisis, etc. Et pour moi, c'est devenu en fait un jeu qui se joue seul, mais aussi à plusieurs pour avoir peur. C'est-à-dire que j'adore ce jeu en lui-même, je le trouve absolument fantastique, il a posé des bases que nul autre n'a posées à cette époque-là, et encore aujourd'hui, pour moi, il y a certains vieux épisodes qui n'ont pas trop mal vieilli, ou dont on fait des remakes, surtout en ce moment, qui s'imposent plus que des nouvelles licences qui sortent avec des graphismes directement comme tout chaud dans la bouche, quoi, en gros. Et même si c'est un excellent jeu, je ne peux pas m'empêcher de le rattacher à vraiment ça, ce moment partagé. C'est un jeu pour moi où il y a quelqu'un qui joue et quelqu'un d'autre qui regarde. C'est aussi pour ça que j'ai pris énormément de plaisir à streamer. C'est pour ça que j'ai streamé en premier. Et j'étais passionnée à la fois par la terreur ressentie, parce qu'en plus j'étais gamine, hein, mais aussi par la recherche au niveau des énigmes. Moi, ça m'a toujours passionnée, c'est pour ça que j'adore Tomb Raider, etc. Et l'autre petit goût spécial que j'aimais beaucoup à l'époque et que là j'ai refait un peu pour le remake et j'assume entièrement, c'est que mon père avait imprimé les solus de JVCOM. Ah, à l'ancienne. De bible maison, tu vois. Bah ça, on l'a tous fait, je pense. Avec une jaune sur le devant. Et du coup, on était terrifiés à fond dedans, dans le noir et tout. Et là, il me disait « Putain !» Je trouve pas, c'est quoi le code? Et du coup, moi, je fouillais dans le livre et on a fait ça pour Resident, on a fait ça pour Silent Hill, on a fait ça pour Dino Crisis. Et du coup, pour moi, Resident Evil, c'est une licence que j'aime de par son jeu, parce que j'adore les zombies, j'adore les jeux d'horreur, c'est mon truc, c'est mon père qui me l'a légué, c'est dans mes veines. Et aussi parce que dans ma tête, c'est une Madeleine de Proust gigantesque et c'est peut-être l'une des meilleures que j'ai, en fait. Ok, c'est hyper intéressant. Yannick, toi, quelle est un peu ton approche avec la licence? Mais moi, j'ai pas. En fait, contrairement à beaucoup de gens, bah moi déjà, j'étais trop jeune par rapport à la PS1 pour avoir le jeu. Et du coup, moi, je suis vraiment entré dans la licence quand le 4 était sorti. Ouais. Et donc, en fait, j'ai connu la licence quand elle est passée à sa phase un peu plus action déjà. Ouais, on en parlera tout à l'heure, de toute façon, de ouais, ça. Ça aussi, pas de souci. Et donc, du coup, moi, j'ai fait 4, 5, 6. J'ai rattrapé, en fait, le 1, 2, 3 entre-temps. Parce que, du coup, quand le 4 est sorti, bah, j'avais aussi ma DS. Donc, du coup, avec cette DS-là, j'avais le premier, Deadly Silence, qui est un remake du premier sur DS. Et du coup, ouais, moi, c'est un peu comme ça que je suis entré dans la licence. Et en fait, moi, j'avais déjà assimilé un peu toute cette histoire autour des zombies, mais notamment parce que moi j'ai vu tout ce qui était les films de Romero à l'époque, donc j'avais déjà un pied dedans et j'étais assez lié à ça via Romero. Et en fait, j'étais curieux de savoir comment ça pouvait rendre au final dans un jeu vidéo. Et j'ai jamais été vraiment déçu, à part peut-être 2-3 choses, mais ça, on verra ça plus tard du coup. Mais c'est un peu comme ça que je suis entré dans la licence et c'est là que je rejoins un peu Caro aussi, et je suis assez d'accord sur le côté ça réunit. C'est genre, je me souviens que là, quand le 7 est sorti, il n'y a pas si longtemps que ça, bon, bah, du coup, c'est assez tard, mais je l'ai fait découvrir à un pote de fac qui avait joué à la licence de loin plutôt. Et en fait, c'était assez drôle de le voir terrifié là où moi, j'ai été terrifié en faisant le jeu, quoi, que j'avais fini. Mais en même temps, il y a ce côté, on aime se faire peur ensemble au final. Et je trouve que la licence marche très bien comme ça aussi, effectivement. Mais du coup, c'est pas con. Du coup, je comprends un peu mieux pourquoi ils ont tenté vraiment de mettre du multijoueur en fait dans la licence. Et je viens de le comprendre à l'instant, mais on en reparlera. Incroyable, l'éclair de la lucidité d'un coup, c'est fou. C'est ça, ça comme fait quoi ching, ça fait choc mental, tu vois. C'est incroyable. Et toi, Ninja, Resident Evil. Moi, je suis là juste pour faire le montage du podcast. Hein, Non, bah, moi, c'est pas une licence non plus que j'ai à fond dans mon cœur. Ça, c'est. Je suis très loin des jeux d'horreur, en fait. J'aime ça, mais je suis vraiment une flippette, mais c'est infâme. Mais j'adore ça. C'est par exemple, je trouve que Dead Space 1 et 2 sont des chefs-d'œuvre. Silent Hill 2, c'est un jeu de chevet pour moi et tout. J'aime cette Resident Evil parce que, enfin, après, avec du recul, c'est facile à dire maintenant, il fait pas si peur. Après, quand je reviendrai sur mon premier, oui, il m'a fait peur, c'est sûr. Mais en fait, j'aime la licence. Parce qu'en fait, il n'y a aucun Resident Evil, je me suis pas amusé. Donc moi, le premier truc que je veux sur un jeu vidéo, c'est m'amuser, parce que faut pas déconner, quoi. Et je me suis jamais ennuyé sur Resident Evil. Il y a des plus ou moins bons jeux, ça, objectivement, c'est des choses comme ça. Mais j'aime qu'ils aient un peu des couilles sur certains points, on en parlera du coup dans l'évolution. Là, c'est que il y a eu quand même un gros pan entre le 3 et le 4, par exemple, entre le 6 et le 7, et même dans certains spin-offs, ça n'approche, ils ont, même si c'est une licence qui marchait, ils n'ont jamais non plus donné un truc tout prémâché aux joueurs. Ils ont essayé de faire un peu ce qu'ils voulaient. Et c'est assez rare quand même pour le notifier. Et voilà, c'est que Resident Evil, c'est quand même quelque chose que je ne vais pas aller me jeter dessus quand ça sort. Mais je suis toujours content de faire mon épisode quand j'ai envie de le faire. et de la façon que j'ai envie de le faire, quoi. Et ça, c'est pas toutes les licences qui me donnent envie de faire ça non plus, quoi. Donc, voilà, moi, c'est, je pense, le moins fan de nous quatre ici. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime manger, et j'aime y retourner quand même de temps en temps. Et voilà, on y reviendra quand on partagera certains épisodes qui, moi, me tiennent plus à cœur, pas forcément qui sont meilleurs, voilà, qui me tiennent plus à cœur que d'autres, et qui sont pas forcément les préférés de tout le monde, mais voilà, on y reviendra. Donc, comment ça va se passer, ce petit déroulé? On va déjà parler de la série principale. Donc, quand je dis série principale, c'est vraiment, donc, il y aura quand même les révélations, Code Veronica, etc. Ouais, les main games. Mais par exemple, il y aura pas les opérations Raccoon City. On verra si on en parle à la fin des trucs du genre. Ouais. Parce que voilà, c'est des choses qui sont un peu plus annexes, qui ont de nom Resident Evil surtout, bah, que le nom, tout simplement. On verra à la fin peut-être un point dessus. On va passer dans l'ordre, du coup, de sortie. Et, si on n'a rien à dire sur le jeu, on passe vite fait. C'est, voilà, c'est, je vais lancer le nom du jeu. Et qui veut dire quoi que ce soit, se lance, il y a aucun problème. S'il y a quelque chose à dire sur le jeu, c'est il y a pas le but, c'est qu'on dise nos ressentis, nos anecdotes, ce qu'on veut dessus. Mais par exemple, si sur le 3 on a rien à dire, on passe à autre chose. Il y a pas de problème du tout. On n'est pas là pour, on le rappelle, couvrir à 100% la licence. On est juste des passionnés qui parlent entre eux comme de bons amis, parce qu'évidemment je déteste Yannick dans la vraie vie, on le rappelle tous les jours. Et voilà, on n'est pas là pour dire qu'on est des experts. On a chacun joué d'une façon différente au jeu, on a chacun des ressentis différents. Et le but, c'est qu'on échange là-dessus pour un peu qu'on discute et qu'on en tire des choses et que vous puissiez vous donner envie ou non de faire la licence et que vous puissiez en avoir un peu une idée de quatre personnalités différentes. Voilà, on rappelle, c'est le principe de tous les podcasts. Au bout du quatrième, ça va rentrer. Donc, on va commencer évidemment par Resident Evil 1, sorti en 96, et après, évidemment, ressorti dans sa version Director's Cut ou autre réédition sur plein de versions. Évidemment, mais là, on parle vraiment de sa façon numéro 1, donc vue de haut, plan par plan. On parle pas des remakes qu'il y a eu. Est-ce que quelqu'un a peut-être commencé par celui-là, donc toi Caro, avec ton père, si j'ai bien compris, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce premier Resident Evil pour toi, ce qui t'a apporté, ce que t'as retenu de ce jeu, tout ça, quoi? Bah, je crois que c'est le jeu qui m'a donné envie d'avoir un manoir plus tard, avec peut-être un petit peu moins d'invités, tu vois. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais je veux dire, c'est vrai, il a commencé sur le 1, et alors moi, il y a un truc que je sais faire avec mon cerveau et qui me plaît toujours après toutes ces années, c'est que j'arrive à zapper la fin ou même le contenu d'un jeu que j'ai adoré. Et je fais ça pour le jour où je le refais, le redécouvrir. C'est pratique, ça. Donc pendant des années, je sais que je l'ai adoré. Je sais qu'il était génial, mais je sais pas, j'ai tellement aimé que je dis à mon cerveau, non, mais attends, celui-là, faut que tu l'oublies. Faut que tu oublies les faits, comme ça, le jour où tu le refais, t'es trop contente. Mon papa, il a super pouvoir avec les films, moi, j'ai super pouvoir avec les jeux. Incroyable. Ce qui fait qu'il y a des jeux que j'ai connus par cœur, que j'adore, et j'ai totalement oublié. Et c'est ce que j'ai fait avec le 1. Parce que, en plus, même si on n'en parle pas tout de suite, moi, j'ai pas joué aux versions annexes avant le remake qu'ils ont fait récemment. Hein. Ouais. J'ai pas fait sur GameCube, etc. Et du coup, je me rappelle de moments incroyables. Le premier zombie que tu vois de face qui se retourne parce qu'il est en train de manger ton pote. Évidemment. Par exemple. Toujours genre, cette iconique scène, elle est ultime. Mais je suis incapable de me souvenir comment ça finit. De toute façon, ça reste dans tes fils. En général, c'est un hélicoptère, c'est un truc, c'est un countdown. Enfin bref, je me suis forcée à oublier et je pense que je l'ai fait parce que j'avais envie de pouvoir le refaire. Donc je me rappelle du manoir, je me rappelle des moments et pourtant j'ai fait le remake il n'y a pas longtemps. Les chiens dans le couloir, c'est dans le 1, on est d'accord? Ouais. Oui. Dans le ouais. Oui. La scène des chiens dans le couloir, enfin, j'ai cru que j'allais arrêter de grandir. Genre, tellement j'ai sauté fort. Et du coup, c'était des grands moments et surtout, c'était ben, le premier qui t'a montré ces fameuses scènes où tu montes un escalier, où tu passes une porte, où tu ouvres une grille. Les fameux. Et qui fait ces. Voilà, où derrière, tu te dis à chaque fois derrière, putain, il va y avoir quoi quand je vais repop. Non, c'est vrai que ce système de porte, c'était quand même, là en termes de gameplay pur, c'est hyper intelligent. C'est hyper intelligent quand c'est fait, c'est que ça cache le chargement, ce qui est déjà bien pour l'époque. Et en plus, ça permet d'être encore plus stressé parce que c'est super lent, parce que c'est long à charger, tout simplement. Mais du coup, c'est qu'est-ce que j'ai derrière cette putain de porte? Et moi, c'est ça, le truc le plus flippant de tout le jeu, dans tout ce jeu, c'est que c'est cette putain de porte, quoi. Ouais, c'est ça, ou les escaliers, tu sais, genre, tu vois, alors que, en plus, les escaliers, c'est le truc où t'es censé voir, autant la porte tu vois pas derrière. Oui, non. Mais normalement tu montes un escalier, tu sais ce qu'il y a derrière. Mais c'est ça. Du coup c'est hyper frustrant, et le pire c'est que je pense que si aujourd'hui on servait un joueur des chargements comme ça, là, comme à l'époque, et qu'il a pas de référence de l'époque, il se dirait mais c'est quoi ce jeu de merde. Ah, c'est sûr. Alors que là, ça participait au stress, quoi. Tant la caméra de haut qui te cachait les angles faisait que aujourd'hui, tu joues à Resident Evil, tu te dis ouais, bah, c'est un zombie première génération, il est con comme un balai, je l'esquive. Mais à cette époque-là, tu pouvais pas réfléchir comme ça. T'avais pas le demi-tour rapide, t'avais pas les angles, t'avais pas tout ça. Ah, c'est ça. Non, puis après, c'est vrai que c'est un jeu. Encore pour revenir sur le gameplay, qui marche dans sa rigidité. Parce que si Chris ou Jill pouvaient faire des saltos arrière et courir sur les murs, il n'y aurait aucun danger dans ce manoir. Non, puis tu n'aurais pas la même pression. Enfin, là, tu as l'impression de jouer Groot qui est passé en Alaska, tu vois. C'est ça. Et c'est stressant, en fait. Tu n'es même pas frustré contre le personnage, parce que d'un autre côté, tu te dis, si j'étais à sa place, là, mes jambes joueraient des maracas. Donc, c'est ça. C'est ça qui est cohérent. C'est que, ils ne sont pas entraînés à ça. Ça reste un commando d'élite. Il n'y a pas de souci. Mais ils sont pas entraînés à tuer des zombies, quoi. Enfin, c'est pas censé exister. Même d'ailleurs, enfin, dans le A, ils savent absolument pas ce que c'est. C'est ça. Ça sort de nulle part. En plus, le manoir a des couloirs étriqués, donc c'est cohérent en plus vis-à-vis de l'espace qu'il y a autour d'eux. Et puis non, moi, le 1, il est parfait aussi avec ses cinématiques de début. Les cinématiques avec les vrais personnages, c'est la meilleure idée. C'est juste la meilleure idée du monde. Hein. Tout est parfait dedans. Ça, par contre, c'est resté dans ma mémoire. Ça, j'oublierai jamais. Ah, ça, c'est dur de l'oublier. Hein. Alors, t'es parfait. Donc, là-dedans. Voilà, pour moi, le 1, c'est la pépite. Ok. Toi, Jack, est-ce que t'as des petites choses à nous dire sur ce premier opus ? Bah, écoute, même si je préfère le 2, j'aime quand même le 1, mine de rien. Bah, effectivement, pour le côté historique, c'est-à-dire que c'est l'un des premiers jeux à traiter du zombie. Voilà, ce côté, on est effectivement censé être. Une force spéciale d'attaque et de service, le Stars donc. Le Stars. On est censé être quand même vraiment très entraîné pour faire face à tout type de menaces, on va dire. Mais là où je trouvais que c'était intelligent dans l'histoire, c'est que à la base, ces personnages sont envoyés seulement pour enquêter sur les lieux. Oui. Et pas pour combattre spécifiquement. Ce genre de choses, étant donné qu'effectivement, comme l'a rappelé Caro, les personnages ne sont pas au courant de ce qui se passe sur place, ils ne savent pas ce qui leur arrive en fait. D'où le fait aussi qu'ils ne sont pas très, très armés dès le début. Bah, c'est une bonne justification de tout en fait. C'est que tu te dis jamais, bah, pourquoi en fait ? C'est tellement tout cohérent dans ce que ça fait, c'est hyper intelligent. Ben c'est ça. Et puis, du coup, Ninja, tu parlais du côté rigide. Et pour moi, je trouve que c'était une excellente idée au final. Parce que même si c'était évidemment par rapport aux limitations techniques de l'époque, quelque part, ça renforçait ce côté survival. Dans le sens où, comme je l'ai dit, donc je le répète, on est censé quand même contrôler des personnages qui savent se battre, qui savent manier des armes, qui savent tout simplement. Puisque pour la plupart, ils font partie de l'US Air Force, l'US Navy. Enfin voilà, c'est quand même pas des branques, quoi, on va dire. Donc, on a une Jill Valentine aussi qui est capable de crocheter des serrures. Enfin, je veux dire, voilà, ils sont tous chacun leur petite spécificité, on va dire. Et du coup, le fait que nous, en tant que joueurs, on a justement... On n'a pas, toutes ces capacités... qu'on aura au fil des épisodes, donc la capacité de se retourner rapidement, de changer d'arme très rapidement, voilà, ça renforce une fois de plus ce côté survival. Et c'est ça que je trouvais que c'était super intéressant dans Resident Evil, le premier du nom. Après, moi, le truc qui m'a toujours un tout petit peu rebuté, même si je sais que ça fait partie de l'essence même de la licence, c'est les côtés énigmes. Alors, je sais que ça plaît énormément parce que ça fait partie du truc... Mais moi, ça m'a toujours un petit peu... comment je pourrais dire pas le fait de récupérer des objets, genre à un point C pour revenir à un point A, pour ensuite passer au point B, puis aller au point D. Et ça me dérange pas. Bien au contraire, ça fait partie d'une sorte de puzzle qui je trouve qui est vraiment intéressant. Mais côté énigme, Ouais, d'un point de vue personnel, bon, j'ai jamais accroché de ouf, mais ça m'a jamais non plus complètement détérioré mes expériences de jeu, puisque pour la simple et bonne raison que j'ai fait tous les gros Resident Evil jusqu'à ce jour, donc et je continuerai à le faire, que ce soit des remakes ou que ce soit la suite avec un Resident Evil 8 ou 9 ou 10, enfin peu importe. Donc voilà, c'est tout, enfin, c'est à peu près tout ce que je pourrais dire sur Resident Evil 1 et ce qu'ils commençaient à proposer avant l'arrivée des suivants qui vont petit à petit commencer à étoffer un peu et d'un côté l'univers, le background et de l'autre le gameplay, quoi. Voilà. Ok. Yannick, est-ce que tu as des choses à rajouter ou est-ce que tout a été dit d'après toi ? Bah, j'ai l'impression que tout a été dit. Moi, peut-être que j'ai... Après, moi, c'est pareil. En fait, j'ai pas de bon... Enfin, c'est pas que j'ai pas de bons souvenirs, c'est que je me souviens quasiment pas des premiers, c'est terrible, mis à part en fait, des... terrible mais alors ce que je trouve ultra intéressant dans la licence, c'est que des fois tu peux avoir totalement oublié le jeu, mais t'as vraiment des scènes qui marquent, et entre autres le zombie qui se retourne, qui a la tête dans les mains et qui le visage qui est à moitié qui se décompose et tout, c'est une image marquante, quoi. Et pourtant quand tu vois les limitations de l'époque, c'est incroyable, quoi. Et pareil, le coup des portes, les angles, les chiens. Moi, les chiens, ça m'a traumatisé. Il hein, y a de quoi, il y a de quoi. Quel enfer. Ça m'avait traumatisé. Moi, j'avais pas mal galéré sur les énigmes aussi. Ah, mais elles sont pas simples. J'adorais ça. Elles sont vraiment pas faciles. Ah, mais je les trouve vraiment pas faciles, en vrai. Moi, je les ai adorées parce qu'on avait une Bible. Oui, voilà. Sous la main, en fait. Je suis en train de me dire, mais moi, j'adore ça. Franchement, vous êtes nuls. Mais en fait, on pompait tout sur JV.com. C'est ça. Non, mais c'est une belle leçon de vie. Tout est plus simple en trichant. Hein. C'est retenez ça, ouais, les enfants. C'est hein. Ça. Mais, en vrai, il y avait des trucs vraiment, je trouvais ultra compliqués. Genre, par exemple, je me souviens d'une énigme avec des tableaux. Ouais. Et elle était affreuse, quoi, si t'étais pas logique en fait dans ton raisonnement. C'est et vrai. Non, il y avait vraiment des bons trucs, quoi. Et alors pour la petite anecdote qui est rigolote, parce que ça je m'en souviens et ça m'a marqué à l'époque, le perso qui joue Chris dans la cinématique d'intro. Ouais. Donc le vrai acteur, en fait c'est un acteur qu'on va retrouver dans la licence de film Resident Evil. Mais sauf qu'il va pas jouer Chris. C'est dommage. Il va jouer un gros random, quoi. En même temps, Chris, après, il a quand même quadruplé de volume. Donc, bon, pour l'acteur, c'est compliqué, quoi. Donc, t'as même le choix entre Jason Statham, Mark Wahlberg, mais c'est déjà pris. C'est ça, dommage. C'est ça. Dommage. On va passer doucement sur le numéro 2. Je tiens juste à défendre mon papa. S'il m'écoute un jour, il trichait pas instantanément. Hein. Je sais d'abord. Je m'en doute pas. On ne juge pas. On ne juge pas. Bien évidemment. Alors, Resident Evil 2, sorti 2 ans après, un peu moins de 2 ans, c'est à quelques mois après. Du coup, le premier, sur lequel on va changer complètement de héros, on va retrouver Claire et Léon pour la première fois, qui sont eux pas du tout des gens entraînés. Hein. C'est Claire, c'est vraiment une random. Hein. C'est la sœur de Chris quand même. Claire, hein. Oui. Mais c'est quand même une simple random. Et Léon, qui est juste simplement un policier. Oui. Et qui apporte quand même un boulot de nouveautés, notamment sur pas mal, je trouve, moi, sur la réalisation très cinématographique de l'œuvre et quelques points de gameplay quand même améliorés. Mais je pense que Jacques en parlera mieux que nous, parce que je connais son amour pour cet épisode. Bah écoute, Resident Evil 2, pour moi, ça reste objectivement, c'est le meilleur de la série, en fait. Parce que déjà, il commence... alors, le ton, malgré les apparences, commence légèrement à changer par rapport à Resident Evil 1. Le 1, où il y avait vraiment ce côté survival horror qui était vraiment mis au premier plan, ce qui va se passer, c'est que dans le 2, on va... Alors, on le conserve, bien évidemment, mais on va commencer petit à petit à avoir ce côté un peu hollywoodien qui va aussi évoluer à travers le temps et à travers les autres Resident Evil, et notamment on aura l'occasion d'en reparler quand on parlera de Resident Evil 3 Nemesis. Mais pour revenir donc sur Resident Evil 2, pour moi objectivement ça reste le meilleur parce qu'il prend tout ce qu'il y a, toute l'essence qu'il y a de Resident Evil 1, ils le mettent donc dans le 2 et ils améliorent pas mal de choses, oui. Notamment le gameplay. Le fait aussi de ne plus être dans un jeu dit linéaire par rapport à l'histoire, c'est-à-dire qu'on peut contrôler soit Léon, soit Claire avec leurs propres aventures, même si on est bien d'accord, objectivement, ça reste plus ou moins similaire par rapport à leur cheminement. Mais ce qui faisait aussi la force de cet opus, c'est que même en contrôlant un personnage ou un autre avec sa propre histoire, il y a des lieux que l'un a accès, que l'autre n'a pas accès. Ce qui fait que quand on joue avec un premier personnage, peu importe lequel, et qu'on joue avec le deuxième, en premier lieu, on se dit, bah, a priori, ça ressemble quand même beaucoup au début. Puis encore là, je suis aussi passé là avec ce personnage. Puis là, tu dis, ah tiens, étrange, bah là, cette fois, je ne peux plus avoir accès à cet endroit-là, donc je vais devoir aller ailleurs. Ce qui fait que ça renouvelait un peu justement le gameplay et l'expérience de jeu. Ce qui fait qu'au niveau rejouabilité, notamment la première fois que tu y joues, bah, tu dis que tu en avais pour ton argent, en fait. Le fait aussi d'entrecroiser les deux scénarios, notamment grâce à la rencontre, à différentes rencontres des deux personnages dans ta même partie, je trouvais ça énorme. Parce que là où d'un côté on contrôlait un personnage dont on connaissait son aventure, quand on passe à l'autre, eh bien, le premier personnage devient un caméo, en fait. Ouais. Alors qu'on l'avait contrôlé juste avant, quoi. On se dit, putain, ça... en fait, dans la deuxième partie, c'est devenu une sorte de caméo, quoi, en fait, qui sert juste à faire avancer le scénario, plus ou moins, on va dire. Donc ça, je me disais, putain, c'était quand même vachement osé, quoi. C'était vachement osé de se dire, on va contrôler deux persos, ils vont avoir à peu près le même cheminement, mais toujours avec cette petite différence de trajet qu'ils vont avoir l'un par rapport à l'autre. Donc ça, c'était, je trouve, énorme. Et quand je parlais de l'aspect hollywoodien, et je terminerai là-dessus, c'est vraiment au niveau des cinématiques. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de cinématiques marquantes dans Resident Evil 2 que dans Resident Evil 1. C'est pour ça que je dis qu'effectivement, Resident Evil 2 a bien repris tout ce qu'il y avait plutôt de Resident Evil 1 pour l'intégrer dans ce deuxième épisode. Mais le côté hollywoodien commence effectivement à arriver. Je pense notamment à la première scène du Lickers, voilà, quand on le rencontre pour la première fois. Quand il arrive par le plafond, qu'il descend, tu te dis putain, c'est quoi ce truc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais même des trucs banals. Par exemple, je vais vous prendre une scène, mais qui est des plus banales et qui pourtant fait partie même de ces espèces de cinématiques qui sont un peu cultes, sans pour autant qu'on se dise bah ça va devenir culte. Par exemple, la scène vers la fin où on arrive pour la scène finale, pour le combat final, en fait, où en fait on est dans cette espèce de tramway là, c'est un truc de tramway, je crois, qui est sur un immense ascenseur où on doit descendre et tout. On va rencontrer d'ailleurs le boss principal, enfin, si je peux l'appeler comme ça, le boss principal, donc Birkin, qu'on va rencontrer à plusieurs reprises. On va le rencontrer dans cet endroit qui, finalement, cet endroit même deviendra quelque part mythique et culte, en fait. C'est ce fameux combat autour du tramway dans l'espèce de grosse plateforme qui peut descendre et monter, là. Ouais. Et à la fin, c'est le combat final, en fait. Ouais. Donc, tu te dis, c'est des petites choses. Il y a plein de petites scénettes comme ça, en fait. Il y a des petites scénettes qui, au premier regard, tu te dis, ouais, bah, en fait, voilà, c'est juste des petites scènes, c'est normal, ça fait partie du jeu, c'est juste comme ça, et puis point barre. Et au final, plus le temps passe, plus les années ont passé, et quand tu es vraiment fan de la licence, tu les retiens, en fait. Je les retiens encore aujourd'hui. Et ouais, je retiendrai pour les dizaines d'années à venir, en fait. Il y a un point de vue, évidemment, personnel, nostalgique dans ce que je dis, bien évidemment, mais d'un point de vue objectif, tu dis quand même, putain, c'était un sacré tour de force quand même pour l'époque. Ah oui, non, mais pour de la PS1, c'est... Enfin, la PS1 a eu quand même beaucoup de jeux cinématographiques. On ne citait que Metal Gear Solid, par exemple. C'est vrai que Resident Evil 2 arrive à le faire sans copier les autres et en ayant sa propre patte. C'est assez incroyable ce que Capcom a réussi vraiment à faire à cette époque, malgré tout. Complètement, ouais. Je sais pas si... Donc voilà. Ouais, si vous avez des choses à rajouter, le micro est ouvert. Moi, je suis entièrement d'accord avec Jack, pour le coup. C'est, en fait, à mon goût, le premier, c'est la pépite, parce que c'est le premier bébé. Le 2, c'est le meilleur, à mes yeux aussi. Mais le 3 est mon préféré. Voilà, c'est comme ça que, pour moi, Resident Evil, c'est principalement le 1, 2, 3. La trame principale, c'est les opus PS1, c'est tout ça. Et je le vois comme ça, la pépite, le meilleur et mon préféré, subjectivement parlant. Okay. Et c'est vrai que c'était absolument incroyable, même à mes yeux jeunes, hein, d'avoir deux scénarios comme ça qui diffèrent. Et ce que j'avais adoré, c'est le plaisir que t'as quand tu vas changer le CD. Ah. Et le fait que tu aies un CD pour chaque personnage, je me rappelle vraiment du CD bleu pour Léon et le rouge rosé pour Claire. Et quand mon père allait me dire va changer le CD, je trouvais ça fantastique. Je me disais il y a un personnage différent dans chaque CD. C'est juste incroyable. Et en fait, ce que je trouvais excellent aussi, c'est qu'ils aient réussi à faire un deuxième opus qui se lie directement avec le 1. Même jusqu'au personnage. Oui. Le fait que bah, Léon, il était censé venir pour bosser dans le commissariat, que Claire, elle cherche son frère qu'on a joué dans le 1, quand ouais, même. C'est ça. Enfin, c'est, ah ouais. C'est quand même un lien qui est super fort, je trouve. Bah, je trouve que les qui liens. Est très bien fait. Les liens sont assez forts et faibles en même temps pour que ce soit quasiment un tout nouveau jeu qu'on pourrait commencer en tant que nouveau joueur. Ce qui est important, quand même, à l'époque où c'était pas l'énorme marché des jeux vidéo. Racheter un jeu sorti 2 ans auparavant, c'était pas simple non plus. C'était un des gros coups. Donc, fallait quand même pouvoir attirer beaucoup de nouveaux joueurs. Alors que maintenant, les suites sont des vraies suites. Et ça, c'est un débat éternel, mais moi, je préfère ça. Mais Resident Evil 2 est une vraie suite tout en étant un vrai point de départ pour n'importe qui. Et ça, c'est hyper intéressant, quoi. Moi, c'est ça que, après, avec le recul, parce que je suis trop petite pour me dire ça, mais c'est ça que je trouvais incroyable. C'est de te dire que t'as une suite qui est effectivement un nouveau point, qui se lie directement avec le premier en découvrant d'autres persos, mais qui se connaissent. En fait, de te dire qu'il y a un alignement des planètes pour que tout se retrouve dans la merde, en plus, chronologiquement, à quelques jours. De différence. Enfin, c'est ça. Après, entre le 1 et le 2, t'as quand même 3 mois, 1 mois, 1 ou 2, c'est juillet et septembre, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Et tu le sens, en fait. Et moi, ce que j'ai adoré, et que le 1 comme le 2, mais surtout le 2 m'a apporté dans ma vie, c'est les collectibles. Ah. C'est le fait de vraiment découvrir que dans les jeux, en fait, ce que j'aime particulièrement, c'est de trouver cette petite feuille de papier sur laquelle il y a marqué que machin était là et qui te donne des éléments que t'as pas si tu regardes pas autour de toi. Ça, je peux pas te contredire, ça, parce que j'ai la maladie de la collection, que ce soit dans la vraie vie ou dans les jeux vidéo. Donc, Donc deux fois où avec Claire ou Léon, genre, j'étais capable de marcher non-stop contre un mur en appuyant sur quoi pour voir s'il y avait un truc à lire, une phrase que j'avais pas vue, tu vois. Et ça, moi, je trouvais ça incroyable parce que tu vois clairement que tout ton décor, tu peux pas interagir avec lui spécialement. Il y a pas d'élément. Tu sais, aujourd'hui, tu regardes un animé, t'es capable de dire ça va bouger, ça va bouger, tu vois. Et aujourd'hui, dans un jeu, tu peux te le dire un petit peu aussi, mais à cette époque-là, tout avait l'air moche, mort. Sauf que t'arrivais, tu cliquais, là, il disait « Ah, j'ai trouvé ça caché derrière la bouteille dans ce coffre !» Et t'étais en mode « Ouais !» Genre, je suis trop fort. Il n'y avait pas de platine pour te dire si t'avais trouvé tous les objets. Donc, c'était au feeling, tu vois. Ouais, j'entends et je suis assez d'accord avec toi. Yannick, je sais pas si t'as autre chose à rajouter, parce que c'est vrai qu'on a fait un bon tour dessus. Ouais, je pense qu'on a fait un vrai bon tour sur Resident Evil 2, je pense. Oui. Bon, t'inquiète pas, je sais que t'es beaucoup plus chaud sur les 3D, donc tu ne manqueras pas d'apporter ta sauce. On va en 2000, ça y est, l'année 2000 est arrivée, donc un peu plus d'un an et demi après Resident Evil 2. Et donc Resident Evil 3 Nemesis, El Famoso Nemesis, ou c'était Last Escape au Japon, qui se passe alors avec un seul personnage jouable, Jill Valentine le retour, qui se passe en même temps que Resident Evil 2, donc ouais, ce qui permet de faire encore un parallèle supplémentaire, mais tout en étant quand même un nouveau jeu, et ça c'est cool. Et qui du coup marque la fin, enfin pas vraiment la fin de cette époque non 3D parce qu'il y en a quelques autres derrière qui arrivent, mais qui marque un peu la fin d'une trilogie, comme beaucoup aiment l'appeler, avec quand même moi ce qui me marque dans Resident Evil 3, pour prendre la parole en premier, c'est le final, hein. Dans Resident Evil 3, moi c'est le final qui m'a tout donné, hein. c'est ce combat assez dantesque. Voilà, après moi c'est pas un de mes préférés, donc si quelqu'un veut prendre la parole, c'est ouvert pour vous. Si je peux me permettre. Vas-y, Caro, t'inquiète pas. Je t'en prie, vas-y. Je pense que Caro peut commencer, justement, vu qu'elle l'adore, elle va pouvoir nous en dire plus. Caro, ouais, alors, moi, comme d'habitude, c'est vrai que j'ai moins de faits posés pour poser ça, mais c'est vrai que le 3, c'est mon préféré, déjà, parce que j'ai adoré Jill, en fait, pour le 1. Comme je pouvais pas jouer au 1, j'ai surtout vu mon père jouer Chris. Et avoir un opus avec Jill, c'était pour moi, à mes yeux de petite fille, super fantastique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si je dois remercier des jeux à une époque où les héroïnes, etc., c'était pas monnaie courante, et quand je vois qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de faire beaucoup d'évolutions sur ça, je pense à Resident Evil, et je me dis, mais eux, dès le début, ils n'ont pas hésité, en fait. C'est ça. Ils nous ont dit, il y a garçon, il y a fille, et même dans le 3, ils ont dit, c'est juste une fille. C'est ça, celle la badass. Et du coup, je suis tombée amoureuse déjà rien que du principe de jouer Jill que j'avais adoré dans le 1. Et en plus, tout à fait très con en passant, mais la petite anecdote, elle portait une jupe avec un pull entouré autour de la taille. Ouais. Et j'ai passé des mois entiers à cosplay à 8 ans. et c'était fantastique. Et le Némésis, c'est... Dans tous les bestiaires qui existent, même si je surkiffe Pyramid Head dans Silent Hill, ouais. Le Némésis, à mes yeux, c'est un des gros boss les plus kakoi, comme diraient les Japonais, genre super classe que j'ai connu, en fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on dit... À cette époque-là, dans les années 2000, il a mis en place le concept de stalker. Oui. Mais de façon classe. C'est ça. Chose qui n'existe plus aujourd'hui. Et rien que ça, c'est juste majestueux. Et moi, j'ai plein de scènes qui me reviennent en tête du jeu, même si c'est pareil, ça a beau être mon préféré. J'ai essayé d'oublier plein de choses, même si le combat de fin est inoubliable pour moi. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je le refasse, quoi. Ah bah parce ça, que... c'est juste mon préféré et je sais qu'il est plus court que les autres, je sais qu'il a des lacunes par rapport aux deux, que c'est pas tout à fait pareil, mais j'avais l'impression d'être plus seule dans le 3. Oui. Parce que le fait qu'on te propose d'avoir deux personnages jouables, même si l'autre personnage est pas là, t'as l'impression de pas être tout seul dans ta merde, tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Je veux dire, quand t'es clair et que t'avances, tu te dis, Léon, il est en train de galérer comme moi. Oui, voilà. Alors que dans le 3, tu te sens immensément seul. Et la seule personne qui t'accompagne un peu, si j'oublie ce magnifique espagnol aux petites boucles, c'est Némésis et t'as pas envie d'aller faire un pique-nique avec lui, tu vois. Tu veux juste fuir non-stop. Et les scènes d'apparition du Némésis où tu te sens juste impuissant, ça fait deux épisodes que tu te dis, ok, les zombies, je peux les buter, je peux les éviter. Et là, tu te dis, je peux juste mourir. Et le fait qu'on te prenne à partie et qu'on te dise, tu veux combattre ou tu veux fuir? Et toi, la première fois, t'es là en mode, non mais je veux me barrer tout de suite. Et il y avait un bruitage aussi dans les apparitions du Némésis qui m'a hantée pendant des nuits entières. Et aujourd'hui, j'y pense encore. Et tu te dis, à chaque fois, tu te disais, il va arriver maintenant, une fois que tu l'avais rencontré. Et pour moi, c'est l'épisode, en fait, qui a le plus de pression constante par rapport aux autres. Ouais. Et comme Resident Evil, c'est une question aussi de pression, d'ambiance, bah, ça le rend un peu spécial. Ouais, je suis entièrement d'accord, c'est que la force de Resident Evil, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut sur le scénario qui est en dessous du 2, le gameplay qui était un peu moins fourni que le 2, etc. C'est ce boss, ce Némésis, qui est là de A à Z. On sait pas quand il arrive, on sait qu'il est là, on sait qu'à tout moment on peut se faire péter le cul. Et en plus, c'est vraiment, c'est David contre Goliath. C'est que, quand même, Jill Valentine, même si elle est ultra badass et tout, c'est quand même une jeune fille d'apparence frêle. Ça, c'est, dans le character design, c'est clairement ce qui était voulu. Et en face, on a quand même ce Némésis de 3 mètres de haut, qui trimballe la bazooka, qui a une gueule à moitié déchirée, qui a un gros bouson en cuir. Enfin, il est hyper impressionnant, quoi. C'est ça, il est hyper impressionnant. Et c'est David contre Goliath. Et ce que j'aime, c'est que c'est pas Jill qui fuit le Némésis. Jill qui fuit le Némésis, c'est que c'est pas oh non, je vais me faire tuer. Il y a quand même ce côté, faut que je le bute parce que c'est ma mission, quoi. Et ça, c'est hyper intelligent. Aujourd'hui, je le fuis. Je le fuis maintenant, jusqu'au jour où je vais mettre combattre. Et je vais te déglinguer, je vais tout faire. C'est ça. Et c'est, t'as vraiment le sentiment de fuir jusqu'au moment où. Oui, c'est ça. Parce que jusqu'au bout, tu sais pas comment tu vas t'en sortir de cette merde. Ouais. Il y a un aboutissement, en fait, qui se profile à chaque fois. Il y a une flip qui se profile à chaque fois. Et je trouve que, du coup, ça te prend, toi, en tant que joueur, par les sentiments. Parce qu'à chaque fois que tu le croises et qu'il t'effraie, et puis le moment où il chope un autre policier, et puis qu'il l'écrase, je veux dire, il fait preuve de violence devant toi. Et en fait, il te force à le détester à le craindre. Ce qui fait que le moment où tu sais que tu vas le combattre, t'as toute ta rage en toi et tu te dis, bah là, c'est mon moment, je vais te faire payer tout ce que t'as fait faire depuis le début, tu vois. Et je trouve qu'il y a, du coup, ce sentiment qui est pris vraiment en partie pour le joueur vis-à-vis du Némésis, parce que tu te dis, il faut que je me venge, en fait. Il faut que je montre comment j'ai évolué pendant toutes ces heures de jeu pour arriver à ce moment-là en face de toi et te battre. Ouais, mais même depuis Resident Evil 1, c'est que c'est vraiment... Enfin, pour moi, ça va quand même... Même si je les ai fait a posteriori, etc., que je les ai pas fait dans l'ordre de sortie, etc., c'est quand même, je trouve que c'est vraiment une fin qui peut... Qui est vraiment une fin d'une trilogie. Que Resident Evil serait raté à Resident Evil 3, ça m'aurait même pas choqué, quoi. Oui, je suis tout à fait... Moi, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, quand je pense à Resident Evil, avant toute chose, même s'il y en a d'autres que j'aime plus ou moins après, c'est le 1, le 2, le 3. Et d'ailleurs, ça me met dans des situations délicates sur Twitter, souvent. Oh, bah ça, c'est pas étonnant. Voilà. Parce que du coup, ça biaise ta vision sur certains épisodes d'après. Non, mais après, ça, c'est normal. Et chacun son perso à la licence et ça marche pour tout. Hein. C'est qu'on a nos préférences. C'était mieux avant. Ah. Bah, c'est bien parce qu'avec Yannick, on pense totalement à l'inverse. Donc, c'est cool. Hein. en plus, voilà, c'est faux parce que l'un de mes préférés est un truc classique, mais on n'y est pas encore. Jack, qu'est-ce que tu as à rajouter à tout cet éloge de ce Resident Evil 3? Moi, je voudrais principalement parler du côté action et de ce côté un peu hollywoodien dont je parlais par rapport à Resident Evil 3. Avec plaisir. C'est que Resident Evil 3 Nemesis fait partie de ces jeux qui, malgré son côté populaire qu'il a pu obtenir avec le temps, notamment bah, du coup, grâce évidemment à Nemesis, en tout cas en majeure partie, et bien justement, c'est ce qui va commencer tout doucement un peu à créer une espèce de comment je pourrais dire ça, de rupture avec les fans hardcore des premiers épisodes. C'est pas encore totalement le cas puisque c'est plus Resident Evil 4 qui va créer plus, encore plus cette rupture dont je parle, mais Resident Evil 3 en est le prémisse. Parce que pourquoi ? Déjà, d'un point de vue gameplay, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est qu'on a cette fameuse possibilité de pouvoir se retourner rapidement. Déjà. Oui. Ça paraît comme ça, dit comme ça, c'est plutôt banal. Mais en réalité, ça fait partie intégrante du côté action, dans le sens où je peux tout de suite me retourner et partir, en fait. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'esquive. Parce que effectivement, Resident Evil 3 Nemesis incorpore la fameuse esquive. Donc, alors à l'époque, c'était plus le fait de pousser les zombies pour éviter qu'ils vous chopent. Donc, ces deux choses-là ont commencé à contribuer à ce côté action qui commençait à prendre de plus en plus d'ampleur au fil de la série. D'un point de vue objectif, c'est bien parce que ça permet en fait une évolution par rapport au 1, qui ensuite par rapport au 2, qui ensuite par rapport au 3. Mais d'un point de vue subjectif, c'est là où tu commences à te dire, attends, je joue à quoi là? Tu vois? Est-ce que je joue à Resident Evil comme c'était au début ou est-ce que je joue uniquement et purement à un jeu d'action? La réponse est au final non, pour la simple et bonne raison qu'il y a encore les énigmes, il y a encore le côté puzzle, où on doit chercher des objets à droite à gauche pour aller à gauche à droite. Mais voilà, ça va commencer tout doucement à ce côté action à se mettre en place plus avec cet épisode qu'avec Resident Evil 4, en tout cas pour ma part. Moi, je suis d'accord. Et la troisième chose, j'en ai parlé de deux, mais on va ajouter la troisième, c'est évidemment le Némésis et ses apparitions qui, même si dans la plupart du temps, elles sont évidemment et en toute logique scriptées, elles ne sont pas toutes là où, pour faire une parenthèse, ça sera complètement différent par rapport à son remake. Mais ça, on verra si on en parle. On va en parler. on aura tout à fait l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Donc, parenthèse fermée là-dessus. Voilà, ce côté action est de plus en plus mis en avant. On revient en plus à un côté un seul personnage. En tout cas, si on joue les deux, on les joue de manière linéaire, puisqu'on passe d'un ensuite à l'autre pour revenir au premier. Donc Jill au début, ensuite Carlos, et puis on revient à Jill, puisque Carlos doit sauver Jill, parce qu'elle est infectée, si je me rappelle bien. C'est ça. Et du coup, là, tu te dis, le jeu commence à prendre un chemin qui, plus les années passent et plus tu dis, mais en fait, c'est un peu ce qui va causer l'espèce de pseudo-perte de la licence par rapport à la suite. Puisque les Capcom ont commencé à comprendre, je pense tout doucement, c'est ce que je me dis en tout cas, que depuis Resident Evil 2, le côté action qui commençait très légèrement à se mettre en place allait être le fer de lance de la licence pour qu'elle puisse continuer à perdurer. Et la preuve, elle perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est marrant parce que moi, je ne faisais pas une scission durant le 3. Du coup, je suis vachement intéressée d'entendre cet avis parce que je me suis toujours dit, il y avait le 1, le 2, le 3. Mmh. Et ensuite, pouf, ça part ailleurs dans le 4, tu vois. Mais en fait, je dirais que c'est tout à fait normal pour la simple et bonne raison que Resident Evil 4 va nous mettre au cœur de l'action, mais cette fois-ci d'une manière différente. Et la manière différente, c'est tout simplement le TPS, en fait, tu vois. Ouais, ça, et puis peut-être le changement de plateforme aussi. Genre, moi, dans ma tête, t'avais le 1, 2, 3. Et d'ailleurs, je me permets une petite parenthèse, mais je me rends compte qu'on a parlé depuis le début du 1, 2 et 3, et on n'a pas parlé de combien c'était incroyable d'avoir un jeu qui proposait de faire des sauvegardes avec une machine à écrire. C'est vrai, bien sûr. Et que tu pouvais sauvegarder que si t'avais un rouleau, et que ça, c'était fois 1000 pressions quand mais oui, tu jouais. C'est encore plus, sûr, c'est tout ouais. cohérent quoi. C'est, on en revient là-dessus, mais c'était très bien. Je viens d'y penser, je pensais à la pression et je viens de me rendre compte que un des trucs qui m'a fait changer toute ma façon de jouer dans les jeux aujourd'hui, tous les jeux, c'est ça. Ah bah c'est clairement. Les rouleaux et la machine à écrire. Parce que c'est une partie aussi intégrante hein, de c'est l'essence clair. Et même fait, de la série. Ça te fait valoriser chaque sauvegarde. Puis en plus des machines à écrire quoi. C'est ça, c'est enfin, moi j'adore, c'est un des items que je préfère dans le monde entier, c'est les machines à écrire. Bah ouais, je trouvais ça fantastique. Puis le son, quand t'arrivais dans une safe room et que tu desserrais un petit coup les fesses en mode tu vois, genre pause. Oui, et puis pareil, avant d'aller plus loin avec les autres jeux, il y a une chose aussi dont il faut parler, bien évidemment, c'est l'OST. Les OST, je veux dire, ça fait partie intégrante de la culture pop. Rien que de vous en parler, j'en ai des frissons. Parce que je suis déjà en train, dans ma tête, de me remettre des OST, là. Donc, mais l'audio, en général, était incroyable. Genre, sûr, le bruit du verre brisé, ouais, ouais. Tout cet audio, pour moi, est mémorable, en fait. Ah bah, y a beaucoup du sound design qui joue dans les jeux d'horreur de façon générale. Et encore plus dans les. Enfin, je dirais même dans les 5 premiers Resident Evil, parce que donc tous ceux avant le 4, qui du coup, il y a beaucoup de bruit en fait hors champ. Et ça joue énormément du coup, parce qu'on te le montre pas, on te le suggère. Et c'est hyper intéressant quoi. Oui, quand t'es dans un couloir et puis que t'entends du bruit de verre et que tu vois dans ton couloir, y a rien. C'est ça. T'as pas envie de continuer plus loin parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans le couloir. Et ça, ils l'utilisent encore dans les récents. Oui, j'ai vu. Un truc aussi qui était sympa, c'était le fait que quand on marche, en fait, on a des bruits souvent différents par rapport au sol qu'on a, en fait. Ouais. Si on était sur, par exemple, les vitres brisées par les chiens et qu'on marchait, on entendait les bruits de verre. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, c'est des petits détails. C'est des petites choses où tu dis, ouais, bon, bah voilà, c'est, on sait que ça fait partie du jeu. Mais avec du recul, tu dis qu'en fait, ça fait partie intégrante du truc, en fait. Si t'es sur un plancher en bois, t'entends vraiment, tu comprends que tu marches sur un plancher en bois. C'est con à dire, ouais, comme ça. C'est clair. Mais au moins, ce jeu le mettait quand même en avant. Et le mettait bien. Parce qu'il y avait vraiment c'était vraiment... Ouais. Tu vois, c'est tout ça, c'est tout plein de petits ingrédients qui ont fait que la recette Resident Evil, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas sur énormément de choses dont on a déjà parlé, fait partie de l'identité de Resident Evil, en fait. Ouais. Voilà. À mes yeux, un truc qui était novateur aussi, puisqu'on finit sur cette espèce de trilogie qui, pour moi, est le noyau, hein. J'avais le sentiment aussi, parce que du coup, avec ce fameux PS Hacker, avec mon père, on avait tendance à jouer à plein de jeux différents. Et j'avais le sentiment que c'était un des premiers jeux qui te faisait avancer. Mais une fois que tu avais avancé, ce qu'il y avait derrière toi n'était pas vide. Ouais. En gros, la plupart des jeux qui étaient à l'époque très linéaires, tous, c'est normal, c'était des couloirs, quoi. Ils te faisaient avancer d'un point A à un point B. Et si à un moment, tu avais la chance de revenir en arrière pour X ou Y raison, rien que par curiosité, ton chemin A à B, il était clean. Cependant, dans Resident Evil, de par le fait que les énigmes te faisaient revenir en arrière, etc., pouvaient te faire passer d'un point A à un point B. Arriver au point B, tu disais « Ouh, un couloir plein de mobs de moins, je suis sauvée. » Et quand tu refaisais BA, tu pouvais avoir de nouveaux ennemis et revivre un couloir différent, en quelque sorte. C'est ça. Bah, c'était du backtracking intelligent. C'était stressant parce que tu pouvais pas te dire bah, le chemin qui a été parcouru jusqu'à maintenant, il est clean. Je peux retourner en arrière, comme dans un donjon d'en haut où tu reviens en arrière, tu sais qu'il n'y a plus de mobs. Mais non, tu pouvais avoir la, la surprise qu'en gros, à l'aller, tu avais 3 zombies et au retour, bah, tu avais 2 chiens. Quoi. C'est ça. Et le premier moment où tu t'en rends compte, tu te dis ok, il n'y a pas d'acquis. Ouais, c'est ça. Et ce que tu dis, ça me fait surtout penser à quelques allers-retours de Resident Evil 2 où justement il y avait ces espèces de choix qu'on avait à faire, c'était par rapport aux fenêtres, à la fermeture des fenêtres en fait. Exactement, c'est à ça que je pensais. Voilà, ouais. Parce que du coup, tu te dis, tu sais, quand tu découvres le jeu, à un moment donné, le jeu te propose, donc là je reviens rapidement sur RE2, mais ça équivaut aussi pour RE3, c'est pour parler d'une manière plus globale. Quand tu connais pas le jeu, on te propose de fermer électriquement les fenêtres. Bon, bah, tu te dis, ouais, bah, pourquoi pas, tiens, vas-y. Parce que toi, dans ta tête, t'es un minimum intelligent, tu te dis, bah ouais, si je les ferme, effectivement, il n'y aura pas de zombies qui rentrent. Ok, c'est pas de problème. Sauf que ce que tu ne sais pas, quand tu continues à découvrir le jeu, c'est qu'en réalité, il y en a d'autres plus loin qui, elles, tu n'as pas pu les fermer et que du coup, quand tu vas revenir dans cette zone, eh bien, tu vas avoir des charmants zombies qui vont t'accueillir. c'est ouf, quoi. C'est ouf de se dire que plus on avance. Surtout à cette époque-là. Bah c'est ça, voilà, c'est ça. Plus on avance dans les jeux, donc toujours pour rester sur la trilogie originale, on va les mettre comme ça, on va être en mode Star Wars, que du coup, tu dis, mais c'est un truc de dingue, quoi. Il y a tellement de choses, tellement en fait, de détails voilà. Qui font que tu te dis mais Resident Evil au-delà même du côté on est des soldats, on tire contre des zombies, voilà, ça s'écrit sur un post-it, oui et non en fait, enfin tu vois. Ça augmente la rejouabilité en fait, le jour où tu découvres que si t'avais fermé ce couloir là et puis pas l'autre, ça serait différent, etc. C'est ça, puis tu poses la question. Ouais, ça te donne l'occasion en fait de le refaire a posteriori et de te dire quelque part je vais changer un peu mon chemin quoi. C'est ça. Alors que c'était sur PS1. Oui, faut rappeler le contexte. C'est loin quand même. Bah c'est ça. Bah je pense qu'on a fait bien le tour sur les 3 premières Resident Evil. Aïe. Alors on va passer à la suite. Non mais ce qui est bien c'est que le mien arrive très vite. C'est-à-dire tout de suite. C'est ça. C'était pas Resident Evil 4, mais Resident Evil Code Veronica, sorti la même année, donc à 2 mois d'écart que le 3, mais sur Dreamcast. Là, ce qui est bien, c'est qu'on arrive directement sur mes deux consoles de cœur, la Dreamcast et la GameCube. Donc, Resident Evil Code Veronica, qui a été mon premier Resident Evil, pour moi en tant que joueur. Et dans celui-là, du coup, on contrôlait Claire et Chris. Donc pas en même temps, mais du coup c'était, il y avait une première partie du jeu avec Claire, puis une seconde partie du jeu avec Chris. Premier opus qui n'est pas sur PlayStation, premier opus qui n'est pas développé par Capcom mais par une société externe. Et là on est un peu dans on pourrait dire un spin-off, hein, puisque c'est même plus un numéroté, on est vraiment dans Code Veronica. Et même moi, a posteriori, ça reste l'un de mes préférés, parce que j'en ai 3 ex aequo en préféré. Il y en a un, vous n'allez pas kiffer du tout. Et ce Code Veronica, il retourne vraiment, c'est presque un jeu, si le gameplay n'était pas là, ce serait pareil, mais qui est vraiment beaucoup dans les personnages, beaucoup dans les déplacements et dans l'horreur, et beaucoup moins dans tuer du zombie, etc. Bah, beaucoup plus comme dans le premier, finalement. Et en plus, maintenant, sur une console, la Dreamcast, elle est quand même... elle en avait sous le capot, elle en envoyait. Et mon Dieu que c'était beau, quoi. Mon Dieu que c'était beau, putain. C'est le premier à... elle donnait quand même du 480p. De la 560p, la Dreamcast. Donc on était prémisse de la HD, des textures de folie. Le jeu était quand même pas mal long et surtout du coup on avait encore un sound design supérieur à la PlayStation. Là, enfin, c'est Code Veronica, c'est un peu comme si on avait eu une nouvelle licence Resident Evil qui se lançait et que tout était, enfin pas corrigé, c'est un grand mot parce qu'il a quand même beaucoup de défauts, on va pas se mentir. Mais il a cette âme propre à lui qui finalement il se connecte à l'univers tout en étant un gras, c'est un électron libre autour de tout ça. Et ça nous permet d'approfondir Claire et Chris, et notamment la relation entre deux, ce qui est quand même assez important, notamment au niveau du Resident Evil 2. Et il a une âme sur Resident Evil que je trouve vraiment très bien. Et pour revenir au remake récent, j'aurais préféré voir Code Veronica remake que Resident Evil 3 remake par exemple, même si du coup maintenant dans l'ordre des choses c'est le prochain techniquement s'ils en font d'autres, mais ouais. Voilà, c'est Code Veronica, il a, après c'est mon premier, donc voilà, il y a la nostalgie qui joue évidemment, c'est la Dreamcast, donc il y a encore plus de nostalgie autour, parce que quelle console la Dreamcast, mais voilà, c'est Code Veronica, il a une petite âme que les autres n'ont pas, dû au fait qu'il soit un peu détaché. Et je trouve ça assez couillu quand même pour Capcom d'avoir fait, bon, certes pas sur la même console, mais quand même quasiment deux jeux très proches, parce que deux Resident Evil à deux mois d'écart, quoi. C'est quand même assez impressionnant, quoi. Mmh. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jouer, même avec son remake du coup sur GameCube ou PS3, PS2, excusez-moi, ce Code Veronica. Mon père et moi, on y a joué sur PS2 en fait. On n'avait pas la Dreamcast. Donc avec Wes, donc un an plus tard, ouais. On n'a pas eu le sentiment proche du 3 et du Code Veronica. Je comprends. Par contre, quand on l'a fait, on l'a adoré, ah, littéralement. Oui. Moi, quand RE3 remake est sorti, je me suis dit yay, et je me suis dit derrière, je veux Code Veronica. On est un peu tous pareils, je pense. Mais voilà. Bah, plus ou moins. J'entends beaucoup de gens cracher sur Code Veronica. Mais ouais, j'entends beaucoup qui se plaignent en fait, même du gameplay de Code Veronica, alors que il a, c'est trop bien. Il est cher à mon cœur, mais j'arrive pas à me rappeler assez du gameplay pour me dire si c'était. En fait, vraiment... Code Veronica prend un axe un peu différent, où en fait, il revient un peu sur une lourdeur exprès pour un peu coller au thème du vraiment du 1. Et c'est. Oui, il était tendu. Et là, vous m'en ferez une transition toute conçue sur le suivant, qui est Resident Evil 0 sur GameCube, sorti 3 ans après. Parce qu'on lui a reproché la même chose, parce que vu qu'il se passait avant le 1, et bah, il était revenu sur un gameplay assez lourd et très très très très puzzle. Notamment avec la fonction coopérative entre les deux personnages, qui était un peu, c'était un peu Brothers avant l'heure, où on zappait entre les deux pour résoudre des énigmes. Et Resident Evil 0, c'est un jeu d'énigmes avant d'être un jeu de tuage de zombies, quoi. C'est clair. Et pareil, moi, c'est pas de mes préférés, Resident Evil 0, parce que il a un peu, je trouve, mis au pied de biche dans l'histoire déjà. Et j'avoue que c'est presque trop énigme pour Resident Evil pour moi, même si je trouve le jeu très bien et c'est sur GameCube, donc c'est forcément génial. Mais voilà, c'est, du coup, soit Resident Evil 0, il est cool. C'était l'un de mes premiers aussi, parce que bah, GameCube, moi, c'est ma console préférée, hein, et encore une de mes consoles préférées. Et en fait, on sent que Nintendo est dedans à cause de ce trop-plein d'énigmes, en fait, à mon goût, au final. Et un peu au dépit de l'horreur à côté, parce que finalement, il fait pas si peur que ça non plus, quoi. Ouais. Pareil, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jouer, ou même avec le remaster PS3/PS4, etc., qui est sorti il y a quelques années, qui est quasiment identique hein, maintenant, d'ailleurs, mais... J'ai pas eu l'occasion de faire le 0. Bah, c'est toujours intéressant pour la science et pour l'histoire, malgré tout, parce que c'est quand même l'après-quel. C'est ça qui me manque, en fait. Mais. J'ai plus mon papa. Ah, bah mince, merde. Il va falloir que j'aille avec la console. Bon, tu bouges pas, on fait R0. Allez, parfait. Mais non, c'est loin d'être un mauvais jeu, mais un peu trop énigme, finalement, par rapport au reste des jeux, je trouve. Et on va passer du coup. Ça y est, à la rupture, le divorce des joueurs, la grosse transition. Et pourtant, loin d'être l'épisode le moins aimé, bien au contraire, j'ai même l'impression, après les générations de joueurs vont beaucoup jouer là-dessus, mais j'ai l'impression que ça reste le deuxième préféré, en tout cas en quantité pour les joueurs, c'est Resident Evil 4 sorti en 2005, 2 ans après, et donc sorti fin 2005. Alors d'abord il est sorti sur GameCube. Ouais. Corrigez-moi si j'ai des bêtises, mais moi je l'ai découvert sur GameCube, puis sur PS2, puis sur Wii, etc., etc. Il a été réédité des millions de fois, il est disponible partout. C'est impossible de pas avoir Resident Evil 4 maintenant. Ouais, premier jeu de la licence à être un jeu de tir à la troisième personne. Donc pour son gameplay, pas forcément pour ses approches du jeu. Calmez-vous, je vous entends rire. Donc voilà, on quid de la caméra de haut. Maintenant, on suit un Léon vu de dos. Et voilà. On va dans quelque chose, du coup, forcément, de plus action, parce que de plus fluide déjà. Mais je vais laisser parler ce coup-ci Yannick, parce que là, on arrive sur ces terres conquises et aimées. Là, clairement, c'est... Alors, c'est pas forcément mon opus 3D préféré qu'ils ont sorti dernièrement, mais en fait, Resident Evil 4, pour le coup, moi, bah, vu que ça a été ma porte d'entrée, bah, j'ai été vachement surpris en fait, de découvrir un peu un jeu de zombies. Enfin, je dirais même pas différent, parce que du coup, moi, j'avais fait les Silent Hill, donc c'était déjà différent. Et donc, ouais, non, j'ai vraiment eu une bonne accroche, en fait, avec le personnage de Léon, que je trouvais un peu svelte et tout, mais alors qu'il met des patates de forain et tu comprends pas trop, mais... mais en vrai, en soi, après, quand tu réfléchis, au final, le 4, il a quand même beaucoup de défauts. Ouais. Il a des qualités aussi, pas mal, mais par exemple, son IA est... Et voilà, quoi. Enfin, Ashley... voilà, c'est pire que dire la chose. C'est le deuxième nom d'Ashley. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est... Bah, moi, le vrai problème du jeu, c'est Ashley, quoi. C'est... Enfin, je sais pas, je la trouve pas très bien écrite et je la trouve non pas... En plus, c'est pas vraiment un personnage secondaire ultra intéressant. Et du coup, quand t'es piégé avec elle, c'est une catastrophe. Et mais après, il y a des très bonnes choses hein, dans le gameplay. Il y avait des bonnes idées, notamment en fait, le fait d'utiliser une caméra 3D. Donc, en fait, t'avais la peur avant via des angles de vue fixes. Mais en fait, la caméra 3D, ici, elle est tellement proche du personnage qu'au final... T'as ce côté un peu claustro. Ouais, voilà, c'est ça. C'était vraiment cloisonné avec le perso. Et en fait, t'as que ta vue de devant pour voir. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que joueur, t'es obligé de te dire ok, à un moment donné, il faut que je me tourne et il faut que je retourne pour essayer de voir d'où viennent les ennemis. Quoi. Et donc, là, après, t'as tout un travail aussi sur la spatialisation du son et qui, grâce à la technique, a fait que maintenant, t'arrives à des trucs de dingue. À ce moment-là, quoi. Après, ouais, je crois que de mon souvenir, le 4, c'est celui qui a le plus été édité et réédité en... Oui, clairement. Hein. Clairement, c'est assez impressionnant. Ça ne s'arrête plus. Ce qui est assez drôle, parce qu'au final, même s'il apporte plus d'action que les précédents opus, finalement, j'ai quand même l'impression que c'était un peu ce que la saga cherchait à un moment et que vraiment la caméra 3D leur a permis de... s'inspirer un peu du joug du plan fixe, quoi. Ouais, bah c'est ce que disait Jack, hein, c'est que dès le 3, on sent une envie de faire plus action quand même, de par son gameplay et son approche. Et je pense que oui, ça a été libérateur pour eux, mais également Capcom, et on le verra tout plus tard avec Resident Evil 7, c'est qu'ils surfent aussi pas mal sur quels sont quand même les dernières, enfin, modes de gameplay, c'est un grand mot, mais qu'est-ce qui marche dans le jeu d'horreur en gameplay, même si pour Resident Evil 1, c'est eux qui l'avaient un peu quand même créé, on va pas se mentir. Oui, mais là, il y avait eu, bah, par exemple, Silent Hill, hein, qui était du coup en vue 3D et qui avait cartonné. Je suis pas dans la tête des développeurs, j'avoue ne pas m'être renseigné plus que ça, mais je pense que il y a eu un petit, quand même, quelque chose chez Capcom qui se sont dit, bah, Konami, ils ont quand même bien marché avec Silent Hill. La caméra 3D, je pense qu'ils l'ont envisagé déjà avant, mais ils ont dû se dire, banco, c'est ce qu'il faut pour le jeu d'horreur maintenant, par exemple. Ils sont passés de précurseur à suiveur, hein, même pour 7. Voilà, 7, on en reviendra, parce que 7, c'est le meilleur exemple de tout ça, clairement. Mais voilà, je pense qu'il y a de ça qui joue aussi, quoi. Ils ont mis en place et après ils ont suivi des modes en fait, et ils ont adapté leur licence aux modes. Voilà. Ouais, c'est ça, clairement. Après, voilà, moi je vais revenir outre le gameplay, parce que moi c'est vrai que j'ai une préférence pour les gameplays 3D que les autres pour Resident Evil. Je trouve qu'il y a quand même ils ont gardé une lourdeur dedans qui était pas débile, qu'ils vont vite abandonner, mais qui était du coup assez intéressante. Et par contre, je trouve que du coup il a beaucoup gagné en termes de narration et de mise en scène, parce qu'on n'a jamais eu autant d'informations, de scénarios et de lore que dans Resident Evil 4. Oui, c'est vrai. Enfin, bien sûr, à l'instant T, parce qu'après, dans l'épisode suivant, il y en aura beaucoup, beaucoup. Enfin, dans certains épisodes suivants, pas tous, hein, évidemment. On va vite y arriver. Mais voilà, dans ce Resident Evil 4, il y a quand même... Enfin, je trouve qu'il déjà, il a la lourde tâche de passer après Resident Evil 3, en enlevant du coup Code Veronica et Zero, et du coup de passer après presque une fin, et de un peu, enfin pas recoller les morceaux, mais d'arriver avec des nouvelles choses qui vont relancer plein de choses, et c'est vrai qu'il est pas avare de lore et de choses à nous conter, quoi, et c'est assez impressionnant, ouais, ça. Ouais, non, c'est clair. Et c'est pour ça que moi j'aime bien les 3D aussi, parce que j'aime les histoires et tout comme ça. Et même si on aime ou on n'aime pas, qu'elles sont très série B, voire série Z, elles sont quand même assez cohérentes entre elles. Et en fait, elles sont très assumées, et c'est ça que je trouve agréable avec cette deuxième trilogie de Resident Evil, en fait. Je sais pas si l'un de vous deux veut rajouter encore quelque chose sur Resident Evil 4, surtout ce passage à la 3D, je suppose. Jack, quelque chose à dire peut-être ? Jack, quelque chose à dire ? Resident Evil 4, pour moi, c'est mon deuxième Resident Evil préféré après Resident Evil 2. Allez. Parce que c'est tout à fait cohérent avec ma propre expérience de joueur. Comme je vous le disais à un moment donné, moi, le côté énigme, c'est jamais vraiment ce qui m'a le plus attiré dans la licence, même si, comme je le dis, je le répète, ça n'a pas non plus détérioré mon expérience de joueur. Resident Evil 4 l'a conservé, mais à très petite dose. Et pour moi, bah ouais, en fait, à très petite dose. C'est resté, mais voilà, il y a toujours le système de puzzle. Va chercher un objet pour aller à machin, pour aller à truc, pour revenir en arrière, pour machin, truc et bidule. Et ce côté action en plein cœur de l'action grâce à la caméra, pour moi, bah, c'est évidemment un tour de force majeur, puisque ça a complètement changé l'approche qu'on avait des précédents, par rapport aux précédents Resident Evil. Et là, tu te dis... ah ouais, putain, là, ça rigole plus, en fait. C'est con dit comme ça, mais ça rigole plus parce qu'on est carrément au cœur même de ce que voit le personnage, en fait, en face de lui. Et une chose que tu as soulevé, Ninja, c'est le fait, Ninja ou Caro, je ne sais plus exactement, excusez-moi, en tout cas, qui a été relevé, c'est le fait de te dire que même si l'action est en face de toi cette fois, il y a toujours ce hors-champ qui est derrière toi. Oui. Ou c'était Yannick, c'était plutôt Yannick, je crois. Yannick, ouais. Ce fameux. Oui, ouais, c'est ça, voilà. Excuse-moi, du coup. ce hors-champ qu'il y a derrière, où tu dis effectivement, même si toute l'action se passe devant toi, tu peux toujours te faire choper ou te faire taper par des ennemis derrière toi, en fait. Donc, quelque part, ça crée toujours cette espèce de stress, je ne sais pas si stress est le bon mot, mais cette pression, on va dire, entre guillemets, que tu as, surtout la première fois que tu le découvres, en fait. Et même d'ailleurs, quand tu fais du speedrun, au passage, on n'a pas parlé de speedrun, mais on pourra peut-être en parler plus tard. On en parlera tout à l'heure avec un certain jeu, ne t'en fais pas. D'accord, ça marche, ok. Et du coup, je serai là pour en parler. C'est ça. vu que j'en fais un petit peu, on va dire. Un petit peu. Hein. juste un petit peu. Pour revenir sur donc Resident Evil 4, pour moi, c'était un tour de force vraiment majeur, parce qu'en termes de, je trouve, d'expérience de jeu, à ce moment-là, à cette époque-là, il n'y avait pas mieux, en fait. En tout cas, d'un point de vue subjectif, donc je parle effectivement pour moi, par rapport à mes précédentes expériences, je me suis dit, putain, ça y est, quoi. On a le Resident Evil qui arrive à mixer le côté action avec le côté survival horror. Chose qui, évidemment, avec le temps, c'est ça que je veux dire, est décrié en fait par beaucoup de puristes, les puristes hardcore qui ne prennent pas de recul en fait sur l'évolution que peut prendre une licence. Alors après, je ne les juge pas directement, on aime ou on n'aime pas, on n'a pas jugé les goûts des personnes, bien évidemment, mais c'est dommage de ne pas prendre de recul par rapport à ça et de se dire que Resident Evil est une licence comme une autre, une œuvre comme une autre, qui est malléable, en fait, qui peut changer au fil du temps, qui peut proposer de nouvelles choses, qui ne reste pas toujours reposé sur ses lauriers d'antan, en fait. C'est prendre des risques. Et ce risque, Capcom l'ont pris. On aime, on n'aime pas, peu importe. En tout cas, ils l'ont pris, c'est bien là. On parle souvent de Resident Evil 4 comme une sorte de précurseur des futurs TPS dans n'importe quelle œuvre. On parlera facilement de RE4-like, si je peux parler comme ça, que ce soit par exemple pour des licences comme Halo, enfin Halo c'est plus du... C'est du plus un FPS quand même, Halo. plutôt... Gears of War, je voulais dire. Gears of War. Genre Gears of War, enfin bref, tous les TPS de l'époque, Vanquish et j'en passe, enfin bref, on va pas refaire la liste. Vanquish, c'est Shinji Mikami, donc il y a encore plus de raisons qu'il y ait des similitudes avec RE4 en plus. Et aussi, je conclue là-dessus, c'est que malgré tout, ils sont quand même arrivés à faire le lien avec les précédents, avec notamment l'histoire de Léon qu'ils résument en plusieurs lignes en cinématique d'introduction. C'est ça. pour toujours rappeler que Umbrella est toujours là, que lui il a évolué, il est passé de flic à agent secret pour le gouvernement américain, qu'il a évolué à ce niveau-là, qu'il a évolué en termes de force spéciale, parce que là où les premiers personnages, même si techniquement parlant on ne pouvait pas se rendre véritablement compte des compétences qu'ils avaient, donc parce que comme je disais c'était des personnes qui faisaient partie de tout ce qui est US Air Force, US Navy, qui étaient des militaires en fait tout simplement. Léon lui il va évoluer à sa manière, si je puis dire, à sa manière, au corps à corps surtout, avec des trucs évidemment irréalistes, on est bien d'accord. Le fameux suplex, je sais pas si vous voyez ce que c'est, le fait de prendre l'ennemi puis de le balancer en arrière, limite comme du catch, la meilleure prise. Bon, bah, voilà, suplex, ouais. Voilà, ça fait partie des choses, les retournées acrobatiques que peut faire Léon, par exemple quand on stun un ennemi et puis qu'on lui met un 360 coup de pied dans la gueule. Voilà, c'est toutes ces choses-là où tu dis le personnage a clairement évolué et est cohérent finalement par rapport à ce que propose le jeu, en fait. Donc c'est énormément de choses qui fait que pour moi Resident Evil 4 est à titre donc personnel mon deuxième préféré après Resident Evil 2 et objectivement qui a posé des couilles sur la table, quoi. Ah bah clairement. Oser, j'ai presque envie de dire oser proposer ça. Ah bah c'est lourd. Voilà. Ils avaient le choix de donner ce que les gens voulaient absolument ou partir sur quelque chose de dans l'air du temps entre guillemets et qu'ils voulaient faire, et ils ont osé. C'est simple que ça. C'est comme MGS1 est passé avec MGS2, c'est que tout le monde voulait un jeu particulier pour MGS2 et Kojima a dit non, en fait c'est mon jeu, je fais ce que je veux, et il a fait tout l'inverse. Après il y a aussi le côté Kojima, mais évidemment c'est un autre débat, mais voilà, c'est qu'ils ont osé le faire et que ça a perdu des gens, mais ça en a gagné des nouveaux également, faut pas l'oublier. Oui, c'est ça. Pour le coup, je fais partie de ceux qui n'ont pas trop aimé le 4. Allez, bon, on va s'arrêter. Justement, c'est ça qui est intéressant. Mais en fait, tu vois, c'est ça qui me gêne, c'est que j'ai remarqué qu'en fait, les trois quarts du temps, les gens sont quasiment tous unanimes sur le 4. Ouais. Et c'est un encensement qui me gêne parce que moi qui adore le 1, le 2 et le 3, j'entends des gens qui ont été nombreux à découvrir la licence avec le 4. Ah, Yannick dire, ouais, ça, c'est, ouais, genre, oh, c'est, ça, c'est Resident Evil. Ça, c'est le meilleur. Ah, bah, ça, évidemment. Et moi, ça m'agace, tu sais. C'est comme quand tu montes ton enfant et puis que tout le monde te dit pas qu'il est beau, alors que juste avant, ils ont dit la même chose à suite de ta voisine, tu vois. Donc, t'as mal au cœur, t'es là, t'es en mode. Et donc, il y a ça qui m'agaçait, même si moi, j'étais très contente qu'il y ait plein de nouveaux gens qui viennent sur cette licence et puis qui la découvrent. C'était un peu le revers de la médaille, c'est ok, il y a plein de nouveaux qui aiment, sachant que je suis pas du tout du genre élitiste, mais d'un autre côté, ils étaient en mode ouais, ça c'est le meilleur jeu, hein, le 4 c'est le meilleur jeu, mais en fait ils avaient jamais découvert ceux d'avant. Non, puis c'est un problème, et ça me chagrinait. Ils ont le droit de préférer le 4 et on a le droit de préférer les autres. Évidemment. Le problème c'est de dire c'est de dire la vérité pure, c'est lui c'est le meilleur, point, il n'y a pas de débat, alors que ça marche pas comme ça, quoi. Oui, ça c'est. C'est ça. Et du coup, il y a ça qui me chagrine. Ça, c'est ce qui me chagrine aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand je parle de Resident Evil, de toute façon, moi, j'ai vraiment du mal avec ce principe de surcoté, entre guillemets, comme on aime dire. C'est de dire. C'est les mêmes gens qui te disent que le meilleur FF, c'est le 7. Enfin, bref. Voilà. Du coup. faut pas lancer Indie et moi là-dessus, par contre. Alors là. Ouh. Ah, voilà. Là, c'est coup dur. Ce que je veux dire, c'est que c'est le même genre de propos. Ah oui, je suis d'accord. Bien sûr. C'est ça. Et moi, j'ai du mal avec l'encensement. Majestueux d'un genre, c'est oublier qu'il y a une histoire avant, c'est oublier qu'il y a une histoire après. Bon, voilà, ça me dérange. Et il y a deux autres choses en fait qui m'ont dérangée avec Resident Evil 4, c'est que moi j'ai eu du mal avec tout d'un coup on tape dans des caisses, tout d'un coup les zombies c'est désinfecté, puis en fait ils courent, c'est la fête à la maison, Ashley est tout le temps en train de couiner et puis de se cacher pour aller se faire enlever par contre, dans des caisses. Ah non, mais ça c'était un vrai problème. Hein. C'est insupportable. Alors moi j'y ai pas beaucoup joué moi-même. Pour le 4, j'ai joué le rôle aussi de la personne qui regardait pour une fois. Et heureusement, parce que j'ai jamais cassé une manette, hein, mais je pense là, je l'aurais fait. ça m'agaçait en fait. Et l'autre chose qui est importante, c'est que il est sorti en 2005. Et en 2005 sur PS2, moi j'ai eu un jeu qui s'appelle Hunting Ground. Ouais. et qui est fantastique. À mes yeux, c'est un chef-d'œuvre. Il a plein de défauts, c'est certain, mais l'ambiance, le vécu est incroyable. Et la seule partie qui m'apparaît vraiment incroyable à mes yeux, sans parler de la révolution du gameplay, etc., mais au niveau du décor, c'est la partie dans le château. Et je peux pas dire que c'était le meilleur de cette époque sur ce genre de choses, parce que j'ai joué à Haunting Ground, qui m'a mis dans un château bizarre, avec un culte bizarre, mais qui l'a fait bien. Là où R4, à mes yeux, l'a pas aussi bien fait. Mais j'ai joué à Haunting Ground avant de jouer à R4. Okay. Donc en fait, chronologiquement parlant, sans même parler de nostalgie du premier ou quoi que ce soit, j'ai vécu un truc où je me suis vraiment sentie mal. Et puis après, j'ai vu Léon mettre des patates de forain et puis casser des caisses, quoi. Et faire des souplexes. Et je me suis dit, not my Resident Evil, ok. Par contre, j'ai adoré le vendeur. Ça peut se comprendre. J'ai trouvé que c'était très spécial, le vendeur, que c'était novateur et ça m'a plu. Ouais. Mais Ashley, je l'aurais buté, quoi. Je pense qu'on est tous d'accord que Ashley, c'est vraiment la pire chose dans Resident Evil 4, de loin, vraiment de loin. Mais ça, moi, ça m'a mis un gros stop. En vrai, je comprends, tu vois. Et moi-même, quand j'ai joué au premier Resident Evil, en fait, je me suis pas dit, tu vois. En fait, je me suis pas mis dans une réflexion du. En fait, il y a vraiment la scission entre les deux. En fait, je me suis mis. J'essaie de me mettre en tant que développeur, enfin, même pas développeur, en tant que créateur, tu vois. Je vais essayer de me dire pourquoi ils ont évolué comme ça. Et en fait, j'essaye de voir la licence de manière plus globale. Mais après, je comprends totalement qu'on puisse se dire putain, ils font chier quoi avec la 3D, ils nous font n'importe quoi et ils nous font des mais je le comprends hein. En vrai moi je reproche jamais aux gens de pas aimer le 4 parce que chacun a ses affinités au final avec la licence, ouais. Et je reprocherai jamais à des gens, tu vois, qui sans te dire que tu reproches quelque chose hein, évidemment. Mais... Non, j'ai compris. Non, parce que ça peut paraître un peu, je peux paraître un peu indélicat comme ça, mais pas du tout. Enfin, non, du tout. Mais dis-le, tu leur chies dessus. Sur le papier. Sur le papier, je dis toujours le 4, quand je vois globalement et que je prends du recul, il a un truc. Il a posé des nouvelles bases. Mm-hmm. Et pas que des mauvaises bases, c'est clair. Et il a fait des choses qui, là où on disait le 1 à son époque, c'était un truc de fou, c'est pareil pour le 4. Mm-hmm. Oui, c'est donc, ça. Je suis capable de dire non, mais en vrai, il fait partie des pépites. Il a amené une nouvelle essence. Mmh. Il a utilisé des codes différents, novateurs, etc. Il a quelque chose de novateur, c'est clair. Mais la mayonnaise, elle a pas pris chez moi. Oui, c'est ça. Et presque, je trouve ça dommage, hein, parce que quand je vois les gens qui s'éclatent et qui parlent pendant des heures de requêtes, je me dis putain, t'as manqué quelque chose. Ah, c'est ce que je fais que de répéter, c'est que c'est ceux qui aiment entre guillemets qui ont raison, c'est que je préférerais aimer un jeu que ne pas l'aimer, ça c'est 100 fois. Ah bah clairement, c'est ce que je ressens. Et les seuls moments où je rentre un peu dans l'art sur le sujet, c'est quand ça parle trop loin dans l'encensement, puis j'aime bien troller un petit peu. Ah, mais oui. Moi-même, alors là, quand je suis seule face à mon histoire, je me dis, tu manques quelque chose. Ah non, bah ça c'est... De toute façon, avec Yannick, on est... extrêmement dans le même cas, particulièrement avec certains Final Fantasy, surtout dernièrement. Alors bon, ça c'est notre côté blagueur, on aime tout le monde. Côté rigolo. Après voilà, si vous aimez FF7 et FF10, c'est pas notre faute, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Moi j'aime le 8. Ah, quelqu'un qui aime le 8. Bah évidemment, c'est l'un des meilleurs. Non mais ce que je veux dire, c'est que chacun va aimer ou va trouver son number one sur une licence. T'as tellement d'opus, de toute façon, on peut pas tous avoir le même préféré. Et j'adore me dire, putain, lui c'est celui-là, mais c'est trop intéressant. Mais c'est un niveau d'encensement en fait. Puis j'aime bien, oui, j'aime bien ce côté. Tu vois, non mais ça c'est toute proportion gardée, c'est que dire telle chose c'est la meilleure. Par exemple, moi c'est quand c'est les extrêmes, pareil. Bah, je reprends les exemples de FF7, FF10 et à l'inverse, par exemple, FF13 et FF15. C'est que FF7 et FF10, c'est l'encensement où c'est les meilleurs FF, c'est les meilleurs RPG jamais sortis. Et à l'inverse, on chie sur FF13 et FF15 en mode ça pue la merde, ça aurait jamais dû sortir. Alors que FF13 et FF15 font partie de mon trio de préférés. Alors que FF10 et FF7, c'est mes deux que j'aime le moins dans tous les FF. Mais c'est ça, mais c'est complètement subjectif. Je préférerais aimer FF7 et FF10 et jouer à des jeux que j'aime tout le temps. Mais j'aime pouvoir parler de ces choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a sorti un podcast avec Yannick, hein, simplement, c'est que on a tous des avis différents. Et c'est intéressant de savoir pourquoi les gens aiment quand ils ont des bons arguments et pourquoi les gens n'aiment pas quand ils ont également des bons arguments. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est ça. Et puis parfois ça peut te donner envie, tu vois, moi chaque fois que j'entends parler de RE4, j'ai deux solutions. Soit j'ai envie de me boucher les oreilles parce que je sens que la personne en face elle est en mode t'es le meilleur, ouais. Oh lolo, tu vois, donc j'ai pas envie d'écouter. Non mais évidemment. Soit je me retrouve dans une situation comme là, vous en avez parlé tous les trois en disant que des choses positives, et à chaque fois dans ces moments-là je me dis putain, faudrait quand même que je le fasse un jour, au moins pour la curiosité, puis pour me dire bah ouais, mais tu l'as fait. T'aimerais oui, voilà. Tu l'as fait. C'est ça, c'est tu l'as fait, et après, tu as le droit de pas aimer c'est ou ça. Non. Quoi. Enfin, puis dans tous les cas, on a le droit d'aimer ou non c'est un ça, jeu. Quoi. C'est ça. Mais moi, je l'ai vu, j'ai joué pas mal de séquences, et en y ayant joué quand même, je me suis dit, j'aime pas trop. Mais je voudrais avoir le fin mot de l'histoire ouais, sans l'entendre de quelqu'un. Parce que l'histoire de RE m'intéresse au plus haut point. Donc. Un jour, je le ferai, mais ah bah. Mais vraiment, il a pas prié avec moi. Quoi. Je comprends. Le problème, c'est qu'il faudra se taper haché, quoi. Ouais. Il faudra quoi ? Il faudra se taper haché, quoi. Ouais, mais je sais pas. Peut-être que je prendrai le jeu d'un pote qui l'a fini pour l'avoir en armure. Là, j'ai entendu parler de ça. Ah oui, bah oui, oui. C'est toujours ça de prix, quoi. Je me ferai un cheat. Moi, je veux juste l'histoire. Faites-moi pas chier. Bon, on va doucement glisser sur Resident Evil 5. 4 ans après, quand même. Hein. Belle pause. Hein. On change de directeur, enfin de producteur du jeu. Maintenant, c'est John Takeuchi, non plus Shinji Mikami, qui dirige le jeu. On a maintenant le retour de Chris Redfield, sous protéines, vraiment musclé à donf, qui tue des petits Espagnols tout teintés de jaune. Hein, parce que non, des Africains. Ah oui, excusez-moi, évidemment. Mais le premier qui met un vrai mode coopératif. Oui. Et qui est pour moi, enfin attention, je mets les deux pieds dedans, le seul bon point de ce jeu, parce que je trouve quand même sur Resident Evil 5 vraiment pas très très bien du tout, quoi. Vraiment, pour garder la propos, c'est de la merde. Enfin, je vais commencer mes propos. J'ai encore un avis contradictoire. Je vais développer un petit peu quand même. C'est que je trouve qu'en tant que jeu d'action, je trouve le gameplay très cool, c'est dynamique, on peut tirer partout, il y a des gatling de partout, c'est hyper hollywoodien, ça explose, c'est rigolo, en plus il y a de la coop avec des potes, c'est cool, mais voilà, c'est Hollywood, ça explose, c'est Michael Bay, c'est très bien. Mais je trouve qu'en tant du coup qu'histoire, et après je m'en fous limite du côté survival horror maintenant dans Resident Evil à ce point là et j'expliquerai pour les deux suivants d'ailleurs, mais je trouve que Resident Evil 5 finalement, en termes d'histoire, et qui pour moi est ma carotte, moi, dans Resident Evil, c'est suivre cette histoire, bah, je trouve qu'il est quand même un peu zéro dans ce qu'il raconte, quoi. Et c'est ça qui m'a manqué, c'est ma carotte d'histoire pour me dire, ok, bah là, j'ai appris de nouvelles choses sur Resident Evil, parce que là, à part aller faire un putain de génocide, j'ai pas fait grand chose dans ce jeu, quoi. C'est clair. Voilà. Non, mais c'est vrai, quoi. Si vous voulez rebondir là-dessus, amusez-vous. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bah, après, dans le 5, t'as quand même 2-3 points d'histoire qui raccrochent un peu le wagon. Ah oui, non, mais ça raccroche. C'est juste histoire de dire, mais ça m'a pas apporté grand-chose, quoi. Ah oui, non, clairement pas, non. C'est surtout qu'in fine, quitte à rejouer Chris, on aurait pu avoir, je sais pas, de nouveau des clins d'œil comme avant. On jouait des suites c'est ça. Très liées. Là, on joue une suite, voilà. Aïe, aïe, aïe. Mais moi, j'étais contente de voir le retour d'un personnage féminin. Oui. Genre, je sais pas. J'ai adoré la coop. Oui, ça. Alors, très pour bien. Du coup, j'ai pris mon pied sur la coop. C'était. Je me suis vraiment éclatée et je me suis surprise à me dire que je m'étais éclatée parce que dans ma tête, le jeu était éclaté. Ah bah là. Pour le coup. Et c'est vrai que niveau histoire, il y a que dalle et t'as vraiment l'impression de raser tout le monde. Et c'est là que. Pour moi, c'est là qu'il y a eu le pire, en fait. Retournement de situation de Resident Evil, parce qu'au final le 6 c'est le 5 en 3 campagnes, tu vois, genre, avec quelques petits détails. Alors me chauffez pas sur le 6 parce que c'est l'un de mes préférés, hein, donc aïe. Voilà. J'ai hâte de connaître tes arguments, du coup. Ah ouais, on va avec grand plaisir. Alors on va clôturer ce podcast finalement. On se retrouve dans 6 semaines. Le 5 seul pour moi il a aucun intérêt. Par contre, le 5, moi je suis entièrement d'accord, c'est que qu'on le fasse ou non, on rate rien, en fait. C'est impressionnant. Mais en fait, je suis pas tant d'accord que ça, parce que du coup, il t'introduit vraiment tout ce qui est code du cinéma, quoi. Je suis d'accord. C'est bien fait. Je dis pas que c'est forcément bien fait, mais t'as vraiment des boss, t'as des combats et t'as des moments. Ah oui. T'as vraiment des moments ultra bien mis en scène. Je veux dire, Moi, c'est ce qui m'avait marqué à l'époque. Et c'est le... Alors, je sais pas si j'ai le droit de le dire parce que ça fait un peu spoilant, quoi. On s'en fout. En 2009, c'était il y a 11 ans. Mais c'est le combat contre Wesker dans l'avion. Et je le trouve. Alors, même s'il est très QTE, parce que bah, malheureusement. Ouais, mais, c'est ça... ouais. D'un côté, c'est... je préfère qu'il soit en QTE, qu'il soit en mauvais gameplay action dégueulasse, quoi. C'est vrai. Tout à fait d'accord, 100%. C'est vrai. Et en fait, je trouve que le combat dans l'avion, il est mais juste incroyablement bien mis en scène. Ça, par contre, je suis d'accord. C'est ce que je disais, c'est le côté Michael Bay, c'est que je peux pas dire que je me suis pas amusé dans Resident Evil 5, mais genre il serait appelé n'importe quoi d'autre, oui. Je vivais pareil, quoi. Vraiment clairement, quoi. Quake. C'était ça, quoi. Non, c'est sûr, moi j'y ai pas joué comme un R, alors qu'on avait Chris, je veux dire. Oui, et pourtant on a Chris, quoi, c'est quand même. Il y a quoi de plus fort pour te faire penser au jeu précédent que de mettre un perso que t'as déjà vu avant? Et comment tu peux le rater aussi fort? C'est fou, quoi. Ton lien, tu vois. Bah, après, je pense que. Mais Sheva était un personnage très cool, par contre. Ah non, mais c'est. Contente, ça, je suis d'accord. Un personnage racisé en plus, c'était hyper appréciable, quoi. Bah, ça justifie le fait qu'on bute son peuple, quand même, c'est cool. C'est exactement ce que j'allais dire après, c'est que. Mais bon, quand tu vois le reste. Par contre, c'est pas. Je sais pas au niveau du 4, mais est-ce que le 5, ça a pas été le premier à vraiment mettre des mots sur les différents types de zombies? Si, c'est ça. Bah, parce que ça a justifié le côté action et différents zombies, etc., qui arrivaient, quoi. Donc, forcément. Il me semble même qu'il y avait une polémique à l'époque vis-à-vis du fait qu'en fait on tuait des noirs, quoi. Des personnes. Bah, c'est pas très étonnant, quand même, hein, malgré tout. Ouais. C'est clair que c'était super mal. En plus, c'est super malvenu. Ah, c'est clairement. Genre, on envoie Chris, c'est une machine gun à lui physiquement, tu vois. Et littéralement, il rase tout. Et en plus, il y a des enfants, si je ne m'abuse. Il y a des jeunes. Ouais. Oui, il y a des jeunes, ouais. Ah, non, mais c'est ultra dans violent. Il y a des jeunes et c'est la première fois qu'on a vu ça aussi. Hein. C'est ultra violent. C'est surtout qu'on on envoie un militaire américain, USA, partir dans les pays pauvres, tuer des noirs. Bon, ça, c'est la version complètement. Éclaté de ce que raconte Resident Evil, hein, bien entendu. Oui, ça, c'est quand tu prends pas de recul. Ouais, voyez-vous. Alors, Resident Evil 6 pour mettre les pieds dans le plat. Attends, avant il y a un autre Resident Evil avant le 6 et qui est aussi dans mon trio. Resident Evil Revelation, qui est également dans mes trois préférés. Donc, je finirai sur ce. On est d'accord qu'on parle de la version 3DS. Alors, on va parler des deux, du coup. Sorti, parce qu'elles n'ont qu'un an... qui est sorti, c'était c'est juste ça. 3DS. Elles n'ont qu'un an d'écart. Donc, d'abord sorti sur 3DS, comme tu l'as dit. Premier, du coup, opus vraiment pensé pour le portable à la base. Puis porté sur toutes les consoles, à en chier derrière. J'ai fait les deux versions, d'ailleurs. J'aimerais bien entendre Yannick dessus, parce que je me souviens que tu avais fait le test, c'est à l'époque. C'est moi qui avais fait le test à l'époque, ouais. Et donc, du coup, j'aimerais bien savoir ton ressenti sur du coup, cet opus Revelation, qui est un peu un spin-off et quand même très proche quand même. Enfin, il est juste avant le 5. Quoi. En fait, il est avant le 6. Il est juste entre deux. Ça suit juste la fin du 5 d'ailleurs. Ah, pour moi, il était avant le 5 de tête. Bah non, mais attends, de tête, il me non, semble. Non, qu'il... le premier révélation se passe entre le 4 et le 5. Ouais, c'est ça. Et c'est le 2 qui est après le 5, qui est entre le 5 et le 6. C'est ça. Je crois. Ah. Oui, c'est ça. Ok. Ah, bon. Bref. Mais moi j'avais bien kiffé à l'époque et en vrai, c'est vraiment le premier Resident Evil hors 4 qui, du coup, quitte à délaisser l'action, la mettre plus tard dans le jeu, mais qui a vraiment travaillé sur son ambiance et ça, merci beaucoup les limitations techniques de la 3DS pour l'avoir. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, il y avait, dans mes souvenirs, je crois qu'il y avait le retour. Non, il n'y avait pas le retour des portes. Non. Mais les portes s'ouvraient plus lentement déjà. C'est enfin, ça. Tu pouvais quand même les casser. Et il y avait un vrai travail d'ambiance avec le paquebot, enfin le bateau et tout. C'est un paquebot, t'as le droit de le dire. et surtout, en fait, ce qui marchait très bien et ce qui a sûrement été la très bonne idée du jeu, c'est de le faire en mode épisode où chaque chapitre était vraiment découpé en épisode. Alors, ça, c'est le 2 par contre. Ça, c'est le 2. Non, le 1 n'est pas épisodique par contre. Non, mais pas. En fait, pas un épisode sorti par épisode, mais en fait, dans le jeu, chaque chapitre était un épisode. Oui, ouais, parce que tu alternes à chaque fois entre deux duos, et en fait, tu fais du ping-pong entre les deux et pour c'est arriver ça, justement au croisement. C'est ça, et du coup, t'avais un vrai côté session. Enfin, t'avais un vrai côté, si tu jouais par session, c'était pas grave parce que bah, tu avais un récap à chaque fois et tu raccrochais les wagons tout le temps, quoi. C'est ça. Et puis même ce récap, c'était vraiment le côté série américaine. Oui, oui, ah, clairement. Là, clairement. Précédemment, ouais. Dans Resident Evil Revelations. Mais moi, ça fonctionnait de ouf sur moi. Moi, j'adorais. Bah, moi, ça fonctionnait très bien. Ah, ouais, clairement. Ouais, ça, j'ai bien aimé ça. Et non, puis je trouve qu'en termes de mise en scène et tout, il y avait des trucs très, très bien. Et ouais, moi, j'avais vraiment pris mon kiff hein, sur le jeu. Et puis, ils avaient bien adapté aussi au gameplay de la DS, de la 3DS. Alors, oui. Surtout. Et spécialement si tu avais les Circle Pad Pro, que moi je n'avais pas. Alors, j'ai très mal vécu ce jeu des fois aussi. Mais non, il était cool sinon. Ouais. Je sais pas si toi, Jacob, tu as des choses à rajouter sur cet épisode Revelation. Alors, j'en ai. Par contre, j'aimerais revenir en fait sur RE5. Voilà. vas-y, vas-y. J'en ai pas parlé. En fait, pour moi, Resident Evil 5, je l'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé pour tout un tas de choses, ce qu'il raconte, son gameplay et tout. Mais la chose sur laquelle je voulais revenir en parlant de ce jeu, c'est qu'il n'aurait, à mon sens, jamais, il n'aurait jamais dû être un jeu coop, en fait. Ouais. Parce qu'il faut rappeler que... Et d'ailleurs, c'est trouvable sur Internet. On a un trailer du jeu... où on voit en fait qu'à la base, on devait uniquement être en solo. Ouais. En fait. Et c'était un trailer d'annonce qui n'a pas vraiment été mis en avant, en fait, où on voit effectivement, bon, toujours pareil, hein, Chris Redfield arriver en Afrique et tout, mais il devait être seul. Et en fait, on voyait même du gameplay qui avait été montré où on était seul, en fait. Il n'y avait pas de coop, ni même un bot qui pourrait nous aider, en fait. Et objectivement, je peux comprendre qu'ils aient abandonné l'idée parce qu'il me semble que les jeux coop dans n'importe quel autre univers commençaient un peu à prendre de l'ampleur, en fait. Niveau marketing, ça fonctionnait de ouf, quoi. Je pense notamment à tout ce qui est Call of Duty, par exemple. Voilà. Ouais. Je veux dire, en termes de jeux coop, voilà. Enfin, coop multijoueur, oui. J'entends. Voilà. Enfin, plus multijoueur, mais pour dire qu'on peut jouer donc avec ou contre d'autres personnes. Et du coup, c'est ce qui a finalement encore plus que Resident Evil 4 créé cette fois-ci la véritable scission, en fait. C'est avant, je parlais de RE3 qui commençait à mettre quelques prémices du côté hollywoodien et action, voilà. Ensuite, il y a le 4 qui arrive avec ce changement de caméra qui fissure encore plus les choses, même s'il reste encore extrêmement apprécié aujourd'hui et qui, je pense, le restera pour encore très longtemps. Et le 5 arrive et nous met de la coop qui enlève cette espèce de côté survival horror où on avance seul, comme le disait par exemple Caro quand on parlait de Resident Evil 3 Nemesis, où justement on est seul et on sait qu'il n'y a pas d'autres personnages qui en même temps que nous est en train de vivre une aventure. Du coup, Resident Evil 5 voilà, a créé la véritable rupture. Et pourtant, et justement, c'est là où le marketing a fonctionné, ça a été l'un des titres les plus vendus de la licence. C'est vrai. Justement. C'est ça le truc. C'est révélateur, en fait. C'est révélateur de son époque, en fait, 2009. C'est révélateur, en fait. Non, puis ça qu'ils sont parvenus vraiment en arrière. Hein. Complètement. Oui. Par contre, en termes de fiction, par rapport à ce que ça raconte, je trouve que c'est l'un des meilleurs. Ouf. Parce qu'il y a tellement d'informations. Non, mais je parle en fait des informations qui lient en fait toute l'histoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que, fictivement parlant, c'est dans les années donc 1960 que le virus progenitor a été découvert en Afrique. Ouais. Donc en fait, on découvre les prémices de ce qu'est, chronologiquement parlant, la licence Resident Evil, en fait. Je comprends. Et alors, une fois de plus, on parle de jeu. Donc on n'aime pas, on trouve ça con, on trouve ça machin, bidon et j'en passe. Ok, ça c'est une chose, je peux évidemment tout à fait complètement l'entendre. Sauf que en termes d'histoire, de ce que cela raconte, tu te dis putain, mais on a quand même l'un des Resident Evil le plus documenté qui soit pour comprendre un peu tout de quoi tout ça est parti. Pourquoi est-ce qu'on a eu des zombies? Pourquoi est-ce qu'on a eu des infectés? En fait, ça raconte tellement de choses que tu te dis, mais au-delà même du jeu, de ton expérience de joueur, tu te dis, mais wow, c'est un truc de dingue. Tu as des informations sur plein de choses. Tu as des résumés de quasiment, je dis bien, tous les personnages qu'on a rencontrés qui font des résumés. Tu vas dans les documents, tu en apprends sur ce qu'a fait Jill et Valentine depuis le 1 jusqu'au 6. tu t'en apprends sur Albert Wesker depuis le 1 jusqu'au 6, enfin jusqu'au 6, jusqu'au 5, excusez-moi. Pourquoi je parle du 6 ? Jusqu'au 5 ? Je sais pas. Jusqu'au 5. Peut-être parce que le 6 ressemble trop au 5, peut-être, je sais pas, bref. Ouais, je pense. Et du coup, voilà, c'était vraiment ce côté action, mais où on devait être seul. Et je pense que pour continuer à faire aimer cette licence au plus grand nombre, ils auraient dû rester là-dessus, en fait. Voilà. Ok. Non, mais j'entends. C'est hyper intéressant de vous te dire. Ça me donne presque envie de refaire le jeu pour voir tout ce que j'ai manqué. Ça se trouve, hein, du coup, c'est hyper intéressant. Et du coup, bah, je vais répondre à ta question en ce qui concerne Revelations, pour revenir dessus. Yes. J'ai adoré Revelations. Ah. Franchement, je l'ai trouvé excellent. Trop franchement, bien. Franchement, c'est pour évidemment plusieurs raisons. Déjà, le gameplay. Ouais. On revient effectivement à un côté un peu rigide qu'avait mis en place Resident Evil 4, on va dire. Ce qui était vraiment intéressant, c'est que même si on n'a plus de zombies, même plus d'infectés, en tout cas en tant que tel, on a ce qu'on appelle des O's, ça s'appelle comme ça, les ennemis qu'on affronte. Je l'ai trouvé très intéressant dans leur gameplay parce que leur déplacement était mais des plus casse-couilles que j'ai vu, que j'ai pu affronter dans un jeu vidéo. Parce que c'est ces espèces de déplacements saccadés où au moment où tu vises, ce fils de chien, à la fraction de seconde, putain, il se déplace, quoi, et tu rates ton tir, quoi. Alors, quand ça arrive une fois, ça va, mais quand ça arrive deux, trois, quatre fois, tu te dis, mais à un moment donné, voilà, tu vas comme un ouf, quoi. Alors que le but, c'est quand même de leur tirer dans la tête pour leur faire le plus de dégâts, ouais, quoi. Et quand Sheva se met devant aussi, ça te bloque le tir, je crois. Il me semble, ouais. Ça c'était hyper frustrant. Pareil, il y a aussi le fait que les ennemis aussi pouvaient te choper par derrière, en fait. Enfin ouais. Voilà, il y avait encore ce côté effectivement hors champ qui était quand même bien présent par rapport à ce qui se passe durant ton avancée. Ils avaient bien remis les énigmes en avant. Enfin voilà, je trouve que Revelations, et en plus il porte très bien son nom puisqu'il nous apprend des choses qu'on ne savait pas aussi dans les principaux, notamment avec Jill Valentine qui revient. C'est ça. Avec cet opus et avec son nouveau coéquipier Parker, je crois il s'appelle, si je m'en rappelle bien. C'est ça. Et pas Parker Lewis. J'ai fait un mix. J'ai fait un mix avec Sheva et Révélation. Ouais, tout c'est va bien. Ça. Ouais, c'est ça. Donc, et puis même le côté, univers sur un paquebot. Bah, pourquoi pas, après tout. Ouais, c'était intéressant. Ça changeait de lieu, en fait. En fait, c'est super intéressant pour une simple raison. C'est un peu comme ce que propose également Resident Evil 0. Notamment dans sa première partie, c'est justement ces endroits très étriqués. C'est ça. En fait. Mmh. Et tu te dis, ça mêlé au gameplay de tes ennemis, ça te donnait du challenge, en fait. Il est pas simple. Et une fois que tu arrivais, t'étais putain de content. Parce que quand tu devais taper le boss Rachel en mode zombie, ouais. En mode enfer, ça porte extrêmement bien son nom, quoi. Donc tu te dis... Qui pouvaient te couler dessus, t'avais des mobs qui pouvaient te couler dessus, non c'est ça ? Oui, il y a des mobs au plafond qui pouvaient te couler dans la gueule. Ça c'était stressant ça. Parce que du coup tu passes des côtés, de derrière, de devant, à au-dessus. Ça peut être partout quoi. Et ça c'est, ça, c'est horrible. T'avais aussi les ennemis aquatiques qui pouvaient te bouffer en un coup dans l'eau, enfin... Enfin, en fait, niveau bestiaire, du coup, pour continuer là-dessus, niveau bestiaire... Je ne veux pas dire que c'est un des meilleurs, non, mais tu dis, c'était vraiment pas mal, quoi. Et puis, moi, c'est l'un des boss, si je devais faire un top 3 des boss, je le mettrais dedans. Même si je le mettrais en dernier, je le mets dedans. C'est le T-Abyss. Ouais, voilà. Je vois. Putain, mais il est d'une classe que j'avais pas revu depuis longtemps, quoi. Il est vraiment stylé, hein. Quand on affronte Normand, je crois, ouais, c'est ça, c'est Normand, je crois, qui se transforme en T-Abyss. Ouais. Et du coup, tu te dis, mais. Puis en plus, il était pété parce qu'il avait cette espèce de capacité de téléportation. C'est ça. Tu te dis, mais waouh, truc de ouf. Et puis ça t'obligeait en tant que joueur à t'imprégner de ce pattern pour pouvoir le contrer à chaque fois, en fait. Ah non, mais c'était hyper intéressant. Là où tu te dis, niveau challenge, Revelations. Une espèce de retour en arrière avec ce qu'ils ont fait à leur propre époque, donc c'est-à-dire le côté action. Là je trouve que le mix entre les deux entre l'époque et aujourd'hui, si je puis dire, je trouve qu'il était très bien géré, quoi. Voilà. Donc, ah, gros, je suis sur, entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Ouais. Clairement, c'est moi pareil, c'est que j'ajouterais juste que vraiment ce paquebot, c'est le côté vraiment oppressant de tout ce décor, de tout entre guillemets se ressemble, et du coup on sait pas où on en est, un peu labyrinthique, qui marche vraiment. Et je trouve que c'est vraiment dans tout Resident Evil confondu, enfin 3D du coup, c'est le celui qui a la meilleure part entre gameplay et en fait survival horror en fait, parce que certes c'est pas un survival horror aussi hardcore qu'un Silent Hill pour reprendre des 3D par exemple, mais c'est, il est vraiment à chaque fois le bord des deux et il le fait très bien jusqu'au bout, et voilà, et en plus il raconte plein de choses, et en plus ça apprend des choses sur le truc principal, mais en plus ça peut être un bon point d'entrée, enfin c'est un peu le Resident Evil 3D qui peut plaire à tout le monde et qui je pense plaît à tout le monde, parce que j'ai jamais entendu ça pue la merde dans Resident Evil Revelation, j'ai jamais entendu du mal. Ouais, non, j'ai jamais vu. Ouais, je me rappelle pas avoir vu des commentaires pardon, très négatifs. Oui, très négatifs. On peut ne pas trop apprécier. C'est surtout qu'il annonçait comment il était. Donc, ceux qui savaient qu'il l'aimerait pas, ils y ont pas joué. C'est vrai. Aussi, ouais. Moi, j'ai surtout marqué ça, en fait. C'est pas qu'il y a des gens qui l'ont pas aimé, c'est que les gens qui ont joué, en fait, ils ont parfaitement ciblé leur public, parce qu'il n'y a pas eu de gens qui se sont perdus dessus alors que c'était pas leur cam. C'est ça. Et puis aussi au niveau bestiaire, je termine là-dessus, j'en ai pas parlé. Pour moi, il y a un des ennemis qui, selon moi en tout cas, deviendra culte, c'est le Skagdead. Si vous voyez ce. Je suis entièrement d'accord. Qui c'est Skagdead, c'est ce fameux dont je crois c'était le capitaine de bord qui avait été transformé. Ouais. Et avec sa voix mythique. Mm. Sa voix mythique que t'entends à des dizaines de mètres derrière toi, devant toi, sur les côtés, ce que tu veux. C'est trop bien. C'est quand il dit... en fait, il fait une espèce d'alarme, en fait. C'est ça. C'est The Queen Zenobia. Enfin, tu sais, tu l'entends au loin. Je trouve ça génial. En plus, tu savais pas toujours où est-ce qu'il était, en fait. C'est ça qui est trop bien fait, quoi. Et surtout, quand tu sais que cet ennemi, s'il te chope, t'es mort. Ah bah là... Ça renforce le truc, là, quand il te soulève et puis qu'il te fout un coup de cisaille dans le ventre. Tu dis, enfin, de scie circulaire dans le ventre, tu dis, ah ouais, quand même, quoi. Ah non, bah, clairement. Bon, alors, il était culte, quoi. Il a pas marqué les esprits d'une manière générale, on est bien d'accord. C'est plutôt les tyrans qui ont réussi à faire ça, bien sûr. Oui, évidemment. Mais je trouve je trouve que ce monstre, ce mini-boss, en quelque sorte, a quand même sa place, je pense, dans le panthéon des mini-boss au final, sans parler de boss. Oui, oui, évidemment. Je suis entièrement d'accord avec ça. Il a vraiment Revelation. Il y a peu de choses à lui reprocher quand même dans tout ce qu'il donne et ce qu'il offre aux joueurs. Quoi. Donc voilà, c'est quand tu as repris la parole, du coup, que j'y ai repensé, Ninja. Donc voilà, je voulais apporter ça. Alors, voilà. On va passer à Resident Evil 6, sorti la même année 2012 sur PS3 et Xbox 360, puis évidemment plus tard sur tout autre support possible et inimaginable. Je prendrai la parole à la fin. Je vais vous laisser cracher votre venin sur Resident Evil 6. Allez-y, faites-vous plaisir. Et moi, je charge ma barre de super pour arriver à la fin. Donc Indy, si tu veux commencer par exemple. Mais moi j'aime bien le 6. Merde. Alors non, je vais être plus précis, parce que en fait le 6, j'aime bien certains points, ouais. Et d'autres moins. Alors la division en scénario, bah pourquoi pas. En vrai, c'est une idée qui est pas désagréable, que je trouve même très intéressant. Cela dit, il aurait fallu un peu mieux équilibrer les campagnes, quoi. Genre par exemple, la campagne de Léon, je l'ai bien aimée. Notamment parce que du coup, il y a vraiment un travail sur l'ambiance qu'il n'y avait pas forcément avant. Et qui est mieux exploité aussi par la 3D, mais qui avait aussi un peu dans Révélation. Donc c'est un peu. C'est un peu le mix des deux, en fait, au final. Et en fait, moi, j'aime beaucoup la campagne de Léon. J'adore de tout mon cœur celle de Chris. Qui, je trouve a probablement une des conclusions les plus belles que j'ai pu voir de la saga et une des plus tristes aussi. Et après, il y a la troisième campagne avec Jake. Et là, c'est une catastrophe. Hein. Je peux pas. C'est vraiment la campagne où j'y arrive pas, quoi. Mais voilà, globalement, j'ai bien aimé. Hein. Il me semble qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié la campagne de Jake et Sherry. Hein. Non, mais j'ai remarqué. Beaucoup détestent cette campagne. Ouais. On sait que la celle qui revient tout le temps, c'est celle de Chris et comment là. Ah putain, j'ai oublié son nom. Merde. C'était comment son coéquipier Pierce. Voilà. Pierce. Pierce, on sait que c'est la première qui revient quand on parle très négativement du jeu, mais je crois effectivement c'est de Jake et Sherry en deuxième position quoi. Mais j'ai beaucoup d'amour. Alors que il fait quand même un lien et même d'une manière générale, Resident Evil 6 scénaristiquement parlant, mais fait des liens mais énormes avec tout ce qui s'est passé auparavant. Oui, c'est oui, un truc oui, de oui. ouf. C'est un truc de dingue quand on voit quatre personnages iconiques se rencontrer et dire si t'inquiète pas, je le connais, il m'a sauvé à Raccoon City il y a plusieurs années machin. Enfin, toi en tant que fan forcément ça te fait un petit truc au cœur forcément. Hein, tu dis ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre ça en fait de la part de tes personnages que tu as aimé à un moment ou à un autre contrôler quoi. Donc ça, et puis il y a une autre chose aussi, c'est que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais ils ont finalement un peu repris le système de Resident Evil 2 au niveau des scénarios, le fait de les entrecroiser. Effectivement, alors, en allant beaucoup plus loin évidemment, puisque là on a quatre scénarios qui clairement s'entrecroisent, mais de façon beaucoup plus direct en fait que Resident Evil 2, là où comme je le disais quand je parlais de celui-ci, l'autre personnage passait plus pour un caméo, on va dire. Là le caméo est poussé encore plus loin en fait, je trouve. C'est oui, peut-être clairement. La mise en scène, c'est même sûrement la mise en scène qui me fait dire ça vu qu'on passe en cinématique dans ces moments-là. Mais après, moi je me souviens de l'époque où justement ils vendaient le jeu et ils te disaient clairement, si tu joues à Resident Evil 6 en ligne et si tu fais telle campagne, tu rencontreras forcément à un moment donné des joueurs qui jouent à l'autre campagne et qui du coup vous croiserez quoi. Et à aucun moment, moi ça m'est arrivé, donc ça m'a encore plus frustré. Après, il y a des choses qui m'ont vraiment frustré dans le jeu, hein. Ça arrivait pas mal de fois. Hein. Mais donc entre autres, il y avait eu ça vis-à-vis du multijoueur quand ils en avaient parlé. Après, il y a des moments, genre il y a des boss, c'est juste non quoi. L'inspiration, elle devait pas être là, mais je veux dire toute la fin avec Léon, les boss, ils étaient pas ouf quoi. Et en fait, je trouve que le 6, c'est un peu le plus qui est un peu malade parce que il a la tâche. À l'époque, je me souviens, il avait la tâche de conclure au final, enfin d'essayer de conclure tout ce qui avait été mis en place depuis le premier. Et quand tu vois tous les épisodes, que c'est chaud quoi. Mais en même temps, moi je trouve qu'il a fait des choses plutôt correctes aussi. Donc je peux décemment pas détester en fait cet opus, mais je trouve qu'il y a beaucoup de trucs intéressants quoi. Ah bah complètement. Et après. J'entends qu'on n'aime pas du tout, hein, clairement. Mais, Complètement. Mais moi, c'est pareil pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais je peux tout à fait le comprendre. Par contre, là où j'aimerais revenir, c'est quand tu parles justement des boss. Le truc, c'est que là, en parlant notamment de la campagne de Léon, le souci en fait, que j'ai avec les derniers boss, c'est que... Au-delà du fait qu'il soit pété, c'est pas le fait qu'il soit pété en fait qui me dérange. C'est le fait que c'est pas cohérent par rapport à ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'en gros, on affronte un espèce de chien. Bon, pourquoi pas, à la limite, en tout cas un animal à quatre pattes. Donc on voit ce qu'on veut, peu importe. Un animal à quatre pattes. Ensuite, on affronte un pseudo-dinosaure. Mais que ça soit pété, je m'en tape que ça soit pété. Mais justifiez-le s'il vous plaît. Ah oui, non, et que à la fin on nous dise en fait tu vas affronter une énorme abeille. Mais oui, si oui. Tu veux, mais tu peux me mettre tout ce que tu veux, je m'en fous, je suis dans de la fiction, j'ai assez de recul pour comprendre que c'est pété et tout, il y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, justifiez-moi pourquoi telle ou telle chose. Alors je suis peut-être casse-couille à ce niveau-là, mais en tout cas moi c'est ce que j'aimerais avoir pour me dire oui, c'est pété, oui, c'est complètement con. Qu'en disant les choses, mais au moins je sais pourquoi, l'histoire m'a raconté pourquoi en fait. Alors il y a un autre truc, c'était aussi par rapport au virus C qui a cette capacité en fait aussi modéliser ou moduler, enfin je prends pas forcément le bon terme, cette capacité en fait à copier des choses qui existent. Ce qui me fait dire ça, c'est notamment le personnage de Carla Radames, en fait, qui est donc une copie du coup de Ada Wong, par ce virus. Donc ils se sont dit, bah, dans ce cas-là, autant qu'à faire, bah, pour ce qui est de Léon, bah, Simmons, bah, il va pouvoir, je sais pas moi, se transformer en espèce de chien, il va pouvoir se transformer en espèce de dinosaure, excusez-moi. Ouais, je vois, et puis en espèce d'abeille. Mais justifie-le, justifie ça en fait. C'est juste ça. Donc, pour pas trop me répéter là-dessus, j'aime la campagne de Léon, globalement. C'est une des plus réussies à mon sens. Puisqu'elle reprend quand même ce qu'avaient fait aussi les précédents avec les objets récupérés, le côté coop qui n'est pas dérangeant, qui est fun d'ailleurs, comme avait pu le proposer Resident Evil 5 pour parler uniquement que de l'aspect gameplay. Oui. Donc j'ai adoré Resident Evil 6 en fait, parce qu'une fois de plus, je le dis, je vais une fois à me répéter, j'en suis conscient, mais c'est tout à fait cohérent par rapport à mon expérience globale que j'ai sur la licence Resident Evil. Et j'ai pas besoin de vous les rappeler, je vous ai déjà dit, je pense que vous avez compris. Donc en fait, pour moi, c'est légitime que je les aime en fait, que ce soit le 4, le 5 et le 6. C'est légitime, c'était même obligé que je les aime au final. Mais voilà, je sais aussi prendre le recul qu'il faut pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont autant détestés que ça. Oui, clairement. Voilà. Donc, en fait, mon avis global, quoi. Ils sont autant adorés que détestés. En fait, ça dépend vraiment de quel joueur tu as été et à quel moment tu as eu ton affinité avec la saga, j'ai l'impression. Bien entendu, oui, c'est vrai, ça. Souvent comme ça. Et toi, Caro, du coup, sur le 6, quel ressenti tu as dessus? Moi, j'ai rage quitte. Comme ça, voilà. Les mots sont dit. Alors, Ninja, vas-y, à toi. Ouais, c'est la fin de ce podcast. Non, mais j'ai préféré la campagne de Léon, hein, comme toute... Enfin, c'est pas étonnant, vu que j'ai pas très apprécié le 4, que je suis très 1, 2, 3. Objectivement, je pense que les joueurs comme moi n'ont pu que préférer celle de Léon. Je pense, parce que c'est celle qui est le moins dans l'action, c'est le retour des zombies. Je me rappelle, c'est la première chose que j'ai dit quand je l'ai lancé, j'ai fait « des vrais zombies !» Et après, j'en ai eu marre. Voilà. Donc, j'ai lancé toutes les campagnes parce que j'étais trop curieuse. Et d'ailleurs, je vous écoutais en parler et je me disais « putain, mais tu manques plein d'histoires et tout. Toi qui préfères ça, il y a plein de trucs que t'as raté, d'explications et tout. Et je veux que ça, mais pour moi, c'était une purge à jouer, en fait. Déjà, le 5, j'ai réussi à le faire parce que j'étais accompagnée. Là, j'étais seule. Et j'ai revécu le « ouais, mais c'est pas de l'horreur, c'est pas machin, c'est pas truc » qui ont fait que j'ai pas pu aller au bout du jeu. Ok. Donc, je me suis coupée. En fait, c'est dans ces moments-là, moi, je regarde pas le stream. J'en fais, mais je regarde pas parce que j'ai pas le temps, déjà. Et puis, j'ai pas trop d'intérêt à regarder un stream. Puis pourquoi regarder des gens moins bons que soi-même? Hein? Pourquoi regarder des gens moins bons que soi-même en stream, de toute façon, donc. Non, c'est pas du tout ce que je pense. Mais à la limite, je préfère les let's play parce que je peux me poser tranquille, regarder et puis j'ai l'impression d'y jouer moi-même. Et avec mon père, ça ressemblait plus à des let's play qu'un stream. Il parlait pas, tu vois. Donc, et dans ces moments-là, je me dis que je pourrais me mettre dans la peau de ceux à qui je propose du contenu. Parce que j'ai besoin de cette histoire, mais encore, t'es même pas sûr que le mec ou la nana que tu vas regarder va chercher les collectibles, etc. C'est compliqué. Oui, il y a plein de choses qui jouent. Je crois qu'il faut. Hein ? Il y a plein de choses qui jouent. Ouais, voilà. Donc c'est chiant. Ça fait partie de ce genre de jeu, en fait. C'est souvent des jeux que je vais lancer en facile, en fait. C'est que je veux absolument l'histoire, mais ça me coûte un peu d'y jouer. Tu vois, je comprends. Je prends pas mon pied à fond. Donc, je veux vraiment mettre la main sur l'histoire de ces jeux. Donc voilà, si quelqu'un nous écoute et veut faire un let's play où il prend tous les collectibles et qu'il laisse lire. je veux. Mais ouais, non, le 6, j'ai pas pu y jouer. Et je pense que c'est un truc tout con, hein, mais c'est une histoire de communication. Tous les jeux ont besoin de la com qui va avec. Surtout, ces dernières années, c'est hyper important. Et je pense que RE6, il a eu le malheur de partir avec une com qui l'a rendu risible. C'était la fameuse polémique sur le logo du 6. C'était la girafe qui se fait sucer. Ouais. Allez. Et ça, avant le jeu qui sort, donc pour ceux qui savent pas, hein, si vous regardez, parce que moi je n'ai plus jamais pu, et le jeu n'était pas encore sorti, hein, je n'ai plus jamais pu regarder la pochette de ce jeu ou des images du nom, etc., sans voir une girafe sur qui on pratique une fellation. Pour le dire proprement. Elle se fait pépon sec. Et ça, ah non, ça a fait ça, un tollé. Et c'était horrible parce que le premier truc que j'ai ressenti, alors que j'étais trop heureuse, je bossais chez Micromania pour la première fois de ma vie, j'ai emprunté le jeu, j'étais trop contente. Quel beau souvenir. Je suis rentrée, j'ai joué sur ma Xbox R2D2, j'ai lancé le jeu, j'étais à fond dedans, la musique s'est lancée, je me disais, oh là là, il va y avoir de nouveau de l'horreur, il y aura la campagne de Léon pour moi et tout. Il y aura une girafe. Et là, il y a le 6 qui s'est mis en grand et j'ai repensé à la girafe et, le, et j'ai fait, oh merde, et mine de rien, ça a raté mon départ, tu vois. Oh putain, la girafe. Ah ouais, ça m'est resté hein, maintenant. À chaque fois que je vois le 6, j'ai une petite gêne, tu vois. Je détourne les yeux en mode ah, pas bien. J'ai envie de dire, heureusement que les zombies n'étaient pas remplacés par des girafes. Oui, oui, oui, oui. C'est en fait, le boss final, c'est une girafe. Non, par contre, j'étais trop contente qu'il y ait une partie Ada, même si j'y ai joué quelques minutes. Parce que Ada, c'est pareil, c'est, si je dois réutiliser l'adjectif kakoi, et ben, Ada, elle bénéficie de cet adjectif, tu vois, elle est badass. Elle n'est pas là pour... Ah non, clairement pas. Mais ça ne m'a pas empêché de ne pas le faire. Allez, bam. Bon, bah, ça va, finalement. Mais c'est dommage, parce que c'est vrai que je me coupe de l'histoire. Et que j'avais vraiment... En fait, je pense que je l'ai mis trop haut dans mon esprit. C'est possible aussi. Mais en vrai, après, il y a eu... On va pas en parler, mais après, il y a eu Opération Raccoon City. Après, j'allais mieux. Donc, oui, finalement, c'est encore autre chose. Finalement, c'était pas si pire. C'est encore autre chose. Mais en vrai, c'est là que je viens de repenser aussi par rapport à Révélation aussi. C'est les deux premiers Resident Evil où il y avait une VF. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Oui, c'est et vrai. Ça, c'est cool. Parce que le 5 avait encore sa VO. Ouais. Et que c'est la première fois qu'on... Et d'excellent VF. VF. Oui, d'excellent VF, ouais. Vraiment. Et que Chris avait eu un redesign. Ah ouais. Qu'il avait perdu 10 kilos de muscles d'un coup. Ah non, mais impressionnant quoi. Ouais, il est quand même. Il est quand même stock dans le 6 encore. Ouais. Du combat, etc. Il est quand même stock. Au moins là, t'as pas l'impression que le mec il va respirer et t'éclater un bouton de cheveux. Ah ouais, ouais, là c'est clair. Oui, voilà, ce côté-là. Quand tu vois s'affronter. Et c'était cool de retrouver Sherry aussi. Ouais. Oui. Clairement. Oui, bah, complètement, ça, c'était un clin d'œil que j'avais beaucoup aimé. Parce que Léon, Chris, bon, voilà, c'est les mecs, ils sont forts, on les remet, tout le monde les aime. Les mecs, ils se déguisent tous en Léon ou en Chris dans la vie, gna gna gna. Mais Sherry, c'était une petite surprise. Bah oui, complètement. Oui. Ah ouais, clairement. Donc. Puis c'était légitime. Enfin, je veux dire, avec tout ce que la pauvre petite, elle a vécu, forcément. Bah ouais, moi franchement, j'ai adoré voir ça. Ah ouais, c'était vraiment très bien. Bon, on arrive à moi, c'est ça. Bonjour ouais, à tous, incroyable. Non, est-ce que tu as chargé ta jeu de super Non, mais j'ai tout écouté, mais après, finalement, vous crachez pas trop dessus, donc ça va. Non, mais en fait, moi, pour comprendre pourquoi j'aime autant Resident Evil 6, c'est mon approche de la licence en elle-même, c'est que moi, c'est vraiment, c'est l'histoire, déjà, avant tout pour moi, Resident Evil, et c'est une histoire vraiment de série B, voire série Z, comme j'ai dit déjà tout à l'heure. Et donc, pour moi, c'est, j'ai pas besoin d'avoir des clés qui me justifient tout, parce que ça fait un moment que y a plein de choses où je m'en finalement on va en plus me mettre un gorille géant zombie, je l'aurais accepté parce que ouais. En fait ça me choque pas dans Resident Evil. Ça m'aurait choqué dans Silent Hill parce que ça se veut très sérieux, très pesant. Dans Resident Evil, j'ai ce côté, on assume alors pas nanar, c'est pas du tout le mot parce qu'on dit souvent Resident Evil 6 c'est un nanar, Resident Evil 5 c'est un nanar, mais vraiment série B, série Z, donc vraiment un genre à part. Et je trouve que ça l'assume, et là où le 5 avait encore un côté presque un peu trop sérieux, et c'est peut-être ça qui m'a détaché du coup du 5, le 6 il assume complètement le fait qu'on met des coups de poing à fond dans des zombies, qu'on fasse des souplexes à des zombies, qu'on fasse des grosses prises de catch, et qu'on puisse faire tout le jeu sans flingue quasiment dans certaines campagnes. Et en fait ça l'assume jusqu'au bout, et c'est ça que j'ai trouvé cool, c'est que ils ont pas cherché à me servir des alors oui en fait machin mes couilles c'est trop sérieux c'est ouais. Et pseudo réaliste, non c'est on est une série B une série Z, on te l'offre sur un plateau et le gameplay suit le fait que ce soit un peu justement over the top tout le temps quoi. Et moi ça fait longtemps que j'avais raccroché le côté horreur de Resident Evil, enfin c'était vraiment déjà depuis le 4 ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vraiment eu, donc ça m'a pas du tout enfin pas manqué, ça m'a pas tout choqué qu'il soit pas du tout. Et contrairement à vous trois, mon scénario que j'aime le moins, c'est celui de Léon. parce que c'est celui qui finalement se repose le plus sur les lauriers des anciens, alors que j'adore justement le scénario du fils de Wesker et de Cheryl, qui est vraiment trop bien, parce que déjà c'est entre guillemets de nouveau, même si Cheryl n'est pas nouvelle, elle découvre quand même vachement de trucs. Le fils de Wesker, c'est quand même trop bien, et en fait toute leur partie infiltration, base Umbrella, etc., ça nous raconte plein de choses qu'on savait pas, et il y a quand même un gros insight, ce qui est fou parce que c'est quand même celui avec le gameplay le plus violent, avec ce gros russe qui défonce tout le monde, mais à la fois celui qui a des phases un peu d'infiltration, avec des grosses guillemets hein, évidemment, et qui finalement est dans le plus posé dans l'histoire, alors qu'en face on a Pierce et Chris, que j'adore parce que je trouve le final oufissime, même si j'aurais préféré l'inverse dans le final, pour ça je le spoilerai pas parce que c'est quand même trop cool, mais j'aurais préféré que l'inverse se passe, même si c'est cohérent que ce soit comme ça, puis bon, les fans, etc. Mais finalement, et en mode plein sniper, plein à taper et tout, alors qu'on aurait pu penser que c'était lui qui aurait pu être le plus posé un peu dans l'histoire. Et pareil, je trouve les quatre scénarios quand même très bien. Léon, c'est celui que j'ai moins aimé parce que trop reposé dessus. Et c'est un jeu que je suis jamais ennuyé, j'ai jamais voulu poser, et de A à Z, je suis pas dit où est-ce que je vais, c'est que c'est découpé en plein de petites parties du coup qui m'ont toutes tenu en haleine. Le système un peu de bonbons pour se mettre de la vie avec le HUD qui est vraiment bien intégré dans l'univers. La DA est folle, je trouve que la DA est trop trop bien. Là où RE5 c'est tout jaune, c'est tout en sépia dégueu. Les côtés un peu bleutés, néon transparent et tout, enfin tout un peu organique de ce Resident Evil 6, c'est trop bien, tout est palpable, c'est trop agréable. Il y a plein de nouveaux persos. On a d'un coup plein de persos, c'est très fan service, moi ça me touche direct. Et ouais, et en plus, je l'ai fait en solo et en coop c'est encore mieux parce que tu t'amuses avec tes potes, en ligne ou non. C'est vraiment un Antiville que j'ai de bout en bout savouré, adoré, et qui m'a donné ma dose de bonne histoire comme je la voulais, quoi. Et même si j'aurais aimé plus de conclusions parce que il méritait plus de conclusions, surtout vu où ils partent maintenant avec la licence, il arrive à conclure pas mal de choses, mais on a quand même plein de trucs en suspens, et j'espère que les prochains Resident Evil essaieront de raccrocher les wagons un peu comme ça. Mais voilà, moi Resident Evil 6, je l'aime parce que c'est ce que j'attendais d'un Resident Evil, parce que c'est ma perception de la licence, et j'ai adoré ça, quoi. C'est mon petit bonbon, j'ai pas peur de dire que j'ai adoré Resident Evil 6, et qu'il est, moi je préfère au 4, par exemple, pour beaucoup, par rapport à beaucoup de personnes, quoi. Oh bah on va faire un deal, du coup, tu vas le faire, et comme ça, je vais pouvoir récupérer toutes les stats. Bah, avec grand plaisir. Tu pourras faire ça comme allez. Ça. Allez, mais voilà, en Resident Evil 6, voilà, c'est que je pense que tout dépend de ce que vous attendez de la licence, comme toujours, hein, mais il y a... J'aime bien ton point de vue. Il y a plein de bonnes choses dedans. Je trouve très intéressant. On va passer, du coup... C'est vrai que fanservice, c'était plein. Ah bah là, ouais. Juste pour finir. Oui, clairement, c'est... C'est... Je faisais la liste des persos tout à l'heure par épisode pour me rappeler, pour pas, à force de les connaître par cœur, pas mélanger les noms, etc. Et quand je suis arrivée au 6, je me suis dit, putain, on a quand même été vernis. Ah, quoi. Clairement, là, niveau fanservice, ils ont alors tout mis dedans. Pas tous été vernis de la manière qu'on voulait, mais on a été vernis. Évidemment. Alors, on va passer du coup à Resident Evil Révélation 2, sorti en 2015. Et qui était un épisode épisodique, pour le coup. Oui, pour le coup, ouais. Alors, j'ai beaucoup aimé Révélation 2. Il est dans une bonne suite du 1. Un peu moins bien, à mon sens, je trouve. Mais c'est plus l'ambiance générale, pour moi, qui était en dessous. Parce que le reste, c'est le 1, on va pas se mentir. Et par contre, j'ai préféré le faire d'un coup qu'épisodique, lui, pour le coup, j'ai trouvé. Ouais. Après, voilà, on aime ou pas les épisodiques. Ça, c'est toujours... ça, c'est suivant les personnes. Mais voilà, Révélation 2, c'est que, en fait, il y aura un 3, je serais vraiment content, parce que j'ai l'impression qu'on part encore sur un peu une licence annexe, mais qui marche et qui raccroche un peu les wagons, et j'ai trouvé ça vraiment très cool, quoi. Moi, je sais pas de votre côté. J'ai entendu, je l'ai pas fait, c'est ça? Oui, moi, je l'ai pas fait, j'ai fait le premier épisode. Et incroyable. En version envoyée par le tonton. Bravo. Mais je crois que j'ai fait RER2, comme on dit. RER2, les gens m'étaient sur internet. RER2. Ouais, non, RERE. Oui, bah oui. Il y avait plein de mix, quoi. Et, oui. Et je me suis retrouvée coincée par ce piège de l'épisodique, justement. Je comprends, mais je pense que chez beaucoup de gens, ça a fait ça, je pense. En fait, je l'ai fait en stream pour le coup. Ouais. Ça a été le premier RE que j'ai fait en stream, je crois bien. J'avais fait le remake du 1, mais je sais plus quand il est sorti. Et du coup, c'était cool. J'ai adoré retrouver Claire. Ouais. J'ai eu le sentiment de retrouver un peu du RE2, tout court. Ouais. quelque part. Ouais, je comprends. Je saurais pas dire exactement pourquoi, mais j'avais l'impression de retrouver ma Claire du RE2 et du coup ça m'a fait marcher ma corde de nostalgie. Du coup, ça lui a donné des bons points. Évidemment. Et le problème, c'est que comme il était épisodique et puis que je jouais à la sortie des épisodes chacun, voilà. Ça m'a bloqué, ça m'a coupé dedans en fait au bout. Je comprends. Comme je le faisais en stream, et ça c'est le pire truc à faire quand il y a un jeu qui t'intéresse et que tu veux le faire, c'est le faire en stream. Parce que si t'as pas l'occasion de streamer, tu joues pas au jeu, et s'il se passe un truc dans ta vie qui fait que tu peux plus streamer, tu finis pas le jeu. Ah mais je suis totalement d'accord. Parce que à chaque fois tu te dis ah non mais je le finirai avec les abonnés, et puis après t'as 50 ans des gosses et puis enfin bref, du coup tu le finis pas. Indy est le meilleur exemple parmi nous là dessus je vois pas mais du coup je l'ai pas fini, je trouve ça dommage parce que le jeu est quand même bien. Quand j'y pense, j'ai plein de bons sentiments alors que j'ai pas fait Révélation tout court, pour la simple et bonne raison que je l'avais commencé sur 3DS et que j'ai failli éclater ma DS avec un sursaut en fait, et je me suis dit que c'était vraiment pas un jeu pour la DS du coup. Ça peut se comprendre. C'est trop dangereux, tu vois. Et je me suis jamais rattrapée après parce que moi qui aime beaucoup l'eau, l'aquatique ça m'a pas attirée, peut-être parce que j'avais pas envie de mettre dans un élément que j'adore je comprends. Des monstres. Je comprends. Tu vois. Et du coup, je suis pas passée alors que c'était Jill et que je vous ai dit mon amour pour Jill. Oui. Mais le truc, c'est que mon amour pour Jill est mort le jour où j'ai fait RE5. Parce qu'ils ont mis Nina Williams, s'il vous plaît, à la place de c'est Jill. Vrai. Et ils ont fait un je sais pas quoi avec elle. Et en fait, le truc qui me chagrine, c'est que moi, je m'attache énormément à mes personnages, surtout féminins, logique, je m'identifie, j'ai pas eu beaucoup l'opportunité de m'identifier dans ma vie au niveau jeux vidéo sur des personnages féminins. Et de tous les personnages de jeux vidéo qui existent dans le monde, je trouve que Jill, c'est un des persos qui a été le moins respecté. Je comprends. Parce que je suis désolée, mais elle a jamais la même gueule. C'est assez troublant, hein. C'est pas normal. Ah non. Donc moi c'est mon perso préféré de Resident Evil, mais je peux pas relate en fait d'un épisode après, alors que Léon, bon Chris, ils l'ont fait gonfler et dégonfler, mais mine de rien, il reste le même homme. Tu peux au bout d'un moment, tu peux te projeter et penser au Chris du passé et relate, tu vois. Tu peux le faire avec Claire aussi, tu penses à la Claire de RE2 qui était toute mignonne avec sa mèche sur le côté, elle en a bavé, elle s'est devenue une femme, en plus elle est films, pour le coup, les personnages de Léon et de Claire bénéficient des films d'animation qui s'inscrivent directement dans l'histoire et qui sont, à mon goût, exceptionnels. Ils sont très très bien, vraiment. Ils sont cool, ouais. Voilà, vraiment très bons. Et d'ailleurs, Claire est absolument magnifique dedans. J'adore son design. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dans le remake, mais c'est non. Et Jill, t'as l'impression de jouer sa sœur, ensuite sa cousine, ensuite sa grande tante de Slovaquie. Et enfin, y a rien qui va, quoi. Ah, je suis entièrement d'accord. C'est... Bon, je me suis éloignée, mais j'ai adoré Révélation 2. Jacob, rapidement sur Révélation 2, on va passer au dernier vraiment main game avant les remakes. Ouais, alors je l'ai moins apprécié que Resident Evil Révélation 1. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Je l'ai trouvé. En fait, le gameplay, je l'ai trouvé, juste pour faire une comparaison uniquement avec Révélation 1, c'est que je l'ai trouvé plus rigide. Ouais. Et moi, il m'a un petit peu plus dérangé, notamment dans tous les moments où on doit viser avec le personnage. Ouais. Je sais pas, j'ai toujours trouvé que ce personnage, contrairement à R1, on va l'appeler comme ça, Révélation 1, R1, est plus rigide, plus lourd. Et à force, et c'est ça aussi le problème qu'a pu poser l'évolution des Resident Evil au fil du temps, c'est le fait qu'on joue avec des personnages de plus en plus souples, de plus en plus, souple, je cherchais un autre mot, mais je sais pas quoi dire d'autre. Et le fait de jouer avec Révélation 2, avec R2, tu te dis, mais ça fait mal en fait sur le coup. En fait, tu te dis, waouh. Alors, ça n'empêche pas d'avoir apprécié le jeu. J'ai apprécié le jeu, je l'ai fait entièrement, pas de problème, en différents modes de difficulté et tout. J'ai passé par contre énormément de temps sur le mode raid. Là, ouais. Pareil, j'avais passé énormément de temps sur le raid R1. Mais malgré tout ça, même si j'ai été évidemment très content de retrouver Claire Redfield, avec connaître l'identité d'une des filles de Burton, donc Moira. Oui. Je l'ai quand même moins apprécié. Je trouve que globalement, il n'était pas spécialement utile, scénaristiquement parlant. Intéressant d'avoir le côté, Claire Redfield, elle, a décidé de travailler pour TerraSave. Pourquoi pas ? Donc ça, c'était intéressant. On avait son introduction, on va dire, dans cette organisation, un peu comme le BSAA du côté de Jill, Chris, Barry et tout ça. Mais c'est pas développé. C'est ça. En fait, c'est ça le truc. C'est on nous dit, Claire Redfield, elle, son évolution, c'est en gros, maintenant, elle bosse pour TerraSave. Ouais, je suis d'accord. Oui, c'est... d'accord, merci, mais tu peux pas développer un petit peu plus ? Un peu plus, ouais. Dans les précédents jeux, je pense notamment à RE5 qui nous a mis en avant le BSAA, révélation qui a continué dessus, avec notamment le chef, j'ai oublié son nom, alors je ne sais plus si c'était du BSAA ou plutôt de la FBC, je ne sais plus, la FBC, je sais plus du tout. Je pense. Je ne sais plus là, pour le coup. Je ne sais plus, j'ai un tout petit doute, mais il me semble que c'est le FBC qui travaille aussi avec le BSAA, peu importe. on savait d'où venaient ces personnages, ce qu'ils étaient. On le savait, en fait, que Claire, on nous dit, elle bosse à TerraSave. Oui, d'accord, mais TerraSave... Oui, dans ta carte mentale, en fait, tu fais les liens entre les événements, ça. Les choses, et là, t'as un trou. C'est ça. Parce que le truc, c'est que, d'une manière globale, et ça équivaut à tous les Resident Evil, même ceux, les suivants qu'on parlera après, c'est que moi, ce que j'aime en tant que fan de cette licence, c'est pas uniquement seulement de jouer au jeu, mais c'est aussi de faire le maximum de liens et de ponts avec tous les autres. Je suis d'accord. C'est ça pour moi qui est important. Parce que tu prends l'univers Resident Evil, tu le colles au sommet et tout ce qui est en dessous, c'est tous les jeux. Mais au-dessus, il faut qu'on reste dans un lien qui regroupe tous les Resident Evil. Et le problème, c'est qu'avec Révélation 2, ils ont tenté de le faire. Alors, des fois, on a quand même des informations, je tiens à rappeler. Il y a des documents quand même qui rappellent qu'est-ce que tel personnage a fait à tel moment. Je pense notamment à Barry. Ça tourne d'ailleurs beaucoup autour de Barry, en fait, j'ai remarqué dans les informations qu'il y a dans les documents par rapport à ses filles. Je crois que c'est deux filles qu'il a, il me semble. Il me semble que c'est ça. Oui, tu as Moira, puis une autre. Peu importe. Et du coup, on en parle quand même pas mal dans tout ce qui est documents. On parle un petit peu de Jill aussi. Enfin bref. Donc, il y a quand même un petit peu de lien. Mais pour ce qui est de Claire et TerraSave, j'aurais aimé en savoir plus. Voilà. Ouais, clairement. Et globalement, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Au niveau bestiaire, pourquoi pas ? Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, mais pourquoi pas ? C'était une mix entre zombies et infectés. Enfin, pourquoi pas ? Mais les écorchés, je crois, ils s'appelaient. C'est ça, ouais. Exactement. Pourquoi pas ? Voilà. Niveau chara-design, pourquoi pas ? Ces espèces aussi de mini-boss avec la tête de Pyramid Head, pourquoi pas aussi. Mais... les fameux. Enfin, voilà. Globalement, R2. J'entends complètement. On va passer. Du coup, sur le dernier main game hors remake, Resident Evil 7, sorti en 2017, donc quand même 5 ans après, un peu moins de 5 ans après le 6. Donc en plus, on passe à la PS4. Et surtout, c'est un jeu, ils disent compatible VR, mais quand même pensé pour la VR à 100%. Et encore une nouvelle rupture dans la licence. Là, une nouvelle grosse rupture. Première personne. Ça y est, on est encore plus cloîtré dans le personnage. Donc là, on s'identifie plus au héros parce que techniquement, il y a un héros, mais on le voit pas. Donc c'est quand même une toute nouvelle narration. Là, c'est vraiment complètement chamboulé la licence. En plus, on part sur quelque chose qui est quasiment. Alors, il y a que la fin qui raccroche les wagons avec tout le reste. Et tout le long, on se demande si vraiment c'est un Resident Evil ou non. Et c'est là où on sent que vraiment, Resident Evil s'est vraiment fait influencer par tous les autres jeux d'horreur, parce qu'il arrive après la vague des Amnesia, des SCP, etc. Outlast, tout ça. On sent les influences, mais alors là, ils peuvent pas le cacher. Après, ils ont eu l'intelligence du coup de le penser VR. Ça, on peut pas leur enlever parce que c'était l'un des premiers vraiment jeux d'horreur pensés pour la VR de base. Parce que souvent, ils étaient adaptables à la VR, etc. Et malgré tout, enfin, moi, l'un de mes plus gros souvenirs, c'est con, mais c'est cette démo de Resident Evil 7 au PSVR qui a duré quasiment un an et demi avant le jeu. On était quand même juste attaché sur une chaise avec cette espèce de The Grudge. Kitchen. Comment? Kitchen. Ouais, The Kitchen. Ouais, The Kitchen, avec ces The Grudge qui nous couvre les yeux, te souffle dans les oreilles. Et ah, moi qui suis vraiment une flippette, mais c'était horrible, quoi. Enfin, c'était génial, mais c'était horrible. Et du coup, j'avoue que je prends la parole en premier, mais sur Resident Evil 7, je trouve que c'est... Alors, à la fois, je l'aime beaucoup en tant que jeu vidéo, en tant que tel, mais j'arrive pas à me positionner en tant que Resident Evil tant que j'ai pas vu les suivants, en fait. Parce que j'adore sa fin et je trouve que c'est hyper intelligent comment ça l'amène. Mais si derrière ça mène à pas grand chose ou ça mène à quelque chose de nul, et ben je pense que ça va beaucoup biaiser mon avis sur Resident Evil 7. Comme c'est un peu l'effet Star Wars, hein, c'est qu'on peut pas juger. Je vois les Resident Evil, ils sont un peu par trilogie. Et là, je pense que cette nouvelle trilogie, c'est beaucoup ça. C'est que bah, le 7 va beaucoup. Mon avis dessus va beaucoup jouer vis-à-vis du prochain ou des deux prochains s'ils font des trilogies, etc. Mais je trouve qu'en tant que jeu d'horreur, c'est trop bien. C'est tout marche, ça fait peur, c'est difficile, c'est un vrai survival horror. Là, pour le coup, on a quand même bien oublié l'action. Et moi, je l'ai fait du coup entièrement en VR, et bah c'était trop bien. Enfin, je me suis chié dessus. Clairement, c'était vraiment beaucoup trop bien. Et c'est une expérience de jeu. Vraiment, c'est, après, on dit toujours ça pour les jeux VR, c'est une expérience de jeu et tout. Mais ça, c'est un vrai jeu vidéo. C'est pas juste un truc d'une heure. Il est quand même assez long. Très tendu. Encore un huis clos, on y revient. Et ça, je trouve ça intelligent qu'ils se soient revenus au huis clos. Tout le nouveau lore qui s'ouvre et qui finalement raccroche les wagons à la fin. C'est hyper intelligemment fait. Et jusqu'au bout, on a quand même ce petit, ah, mais attends. Et quand tu rejoues au jeu, tu te dis, ah, mais oui, j'avais vu ça et tout. Enfin, il y a plein de deuxième lectures dedans. Et moi, je trouve que c'était couillu de passer à ce point-là à autre chose. Parce que même si Hero 4, c'est une grosse rupture, ça va, c'était Léon, on retrouvait plein de choses. Alors là, c'est tout nouveau pour tout le monde. Et c'est hyper impressionnant qu'ils aient réussi à faire ça. Et en plus, qu'ils l'aient bien fait. Et que, alors, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que la plupart des fans... même un peu hardcore, sont quand même un peu retrouvés dans Resident Evil en disant « Ok, j'ai un jeu d'horreur, j'ai aimé le jeu, quoi. » Non, a priori, non. Non, c'est pas ça. Si, c'est juste qu'il est perturbant. C'est un opus qui est perturbant. C'est le mot, je suis assez d'accord. Que tu sois fan hardcore ou néophyte, il te perd. Parce que si t'es fan depuis le début, bah, comme moi, par exemple, je prends mon exemple, tu te dis... t'es plein d'émotions en fait. Ouais. T'es perturbé parce que tu sais pas si t'es trop content ou si t'es déçu ou si t'es perdu. Ou... Alors pour le coup, moi je l'ai pas fini le set parce que je le streamais. Ah, le retour. Je le streamais, j'ai déménagé au milieu donc j'ai pas pu le finir. Et il fait partie des jeux que, autant peut-être RE2, je le finirais peut-être pas en stream, mais celui-là peut-être si. Ouais. J'aimerais bien. Donc, en plus, j'ai pas la notion de « il a raccroché les wagons à la fin ». On va essayer de pas trop spoiler, donc, alors. Ouais, je suis désolée. Il n'y a aucun souci. Mais du coup, sans avoir cet élément « ça raccroche à la fin », mon cœur me dit « c'est un jeu exceptionnel. Il t'apporte un niveau de trouille intersidéral. » Ah, je suis d'accord. J'ai un autre bout de mon cerveau qui me dit « ouais, mais en même temps, ça, il l'a pas inventé. » Parce qu'ils ont eu de la chance... que Silent Hill soit annulé. Ouais, je suis complètement d'accord. Tu commences R7, t'es dans le playable teaser. Ouais, non, mais c'est impressionnant, c'est qu'il y a eu. J'espère que de l'inspiration, mais on sent que ça a beaucoup joué, quoi. Ben voilà, moi je peux pas m'empêcher de me dire que s'ils ont eu un accueil aussi ouf et s'ils ont pu se faire leur place dans On est un petit peu les premiers, c'est parce que ce Silent Hill n'est pas sorti. Ouais, je suis d'accord. Parce que le playable teaser a été tué dans l'œuf, quoi. Ah bah là. Et quelque part, une fois que ce playable teaser était tombé dans tué dans l'œuf, qu'il appartenait plus à personne et que a priori personne n'allait rien en faire. Donc c'était en 2014. Ouais, dans ces eaux-là. En 2015, je sais plus. Ils ont quand même pu derrière se dire, mais à mon avis, à ce moment-là, il y a tous les pseudo potentiels développeurs de jeux d'horreur du monde entier qui se sont dit, oh, c'est maintenant, tu vois, il faut prendre parce que là, ça va plus aller à personne. Il y a un truc de fou, ça nous a donné des idées à tous. C'est le premier qui sort qui gagnera en quelque sorte. Et eux, ils l'ont fait. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'était pas non plus. Enfin, c'était quelque part une solution de confort. Même s'ils l'ont très bien fait, c'est du confort. Ça venait pas d'eux, tu vois. J'ai pas pu m'empêcher de me dire, je suis pas dans un Resident Evil du coup. Je comprends moi complètement. Moi qui ai fait Outlast à la sortie, moi qui ai fait le playable teaser à sa sortie, quand j'ai joué à R7, je me suis dit, ouais, cool, mais c'est pas un Resident Evil. Pourtant, j'ai fait la carte, j'ai fait les sauvegardes, j'ai vu des boss, et là je me disais, c'est totalement un Resident Evil. Donc c'est ça que je veux dire par il te perd. C'est là qu'ils sont forts. C'est que, oui, c'est très fort, et en même temps, c'est pas cool. Parce que c'est un peu violent pour un fan de se sentir à la fois autant bafoué et vénéré, entre guillemets, tu vois, c'est perturbant. Et j'avais quand même plus le réflexe de « c'est pas un Resident Evil ». Et j'ai adoré, je suis pas allée trop loin, je saurais pas vous dire exactement... Enfin si, j'ai quand même bien avancé en stream, mais je saurais pas vous dire exactement où je me suis arrêtée. Mais j'ai adoré Marguerite. Ouais, oui. C'est un boss qui m'a marqué, qui est marquant. J'y ai pas joué en VR, parce que j'avais pas le VR. Je me suis toujours dit, le jour où j'ai la VR, la première chose que je fais, c'est Kitchen, par exemple. Ouais. Parce que j'avais vraiment envie de vivre cette scène, en fait, elle m'apparaissait de manière incroyable. Ah, c'est ça. Et ce que j'ai remarqué avec le set aussi, c'est que j'avais vieilli et que vieillir m'avait rendu plus fragile. Ouais. À la peur et au stress. Et en plus, avec le développement des graphismes, etc. Mais c'était presque... En fait, j'étais contente. On revenait à de la peur, mais presque un peu trop peur. Je comprends. Et c'était presque un peu trop peur pour du RE. Parce que du coup, vu qu'entre-temps, il y avait Outlast, etc., j'avais mon échelle de la peur. Et Resident Evil était assez avancé dans mon échelle, mais pas non plus tout en haut de l'échelle. Et il s'est démarqué du Resident Evil en remettant de la peur. C'est cool, mais un peu trop peur. Et du coup, j'avais du mal à suivre toute seule. Moi qui adore ça, hein, j'ai fait Alien Isolation, qui est extrêmement stressant quand même. Je veux dire, c'est une pépite du stress, de tout ça. Pour moi, Resident Evil, il n'est pas dans cette catégorie-là, normalement. J'entends. Et c'est important parce que vu que pour moi, Resident Evil, c'est un jeu à histoire, au même niveau que c'est un jeu à horreur, s'il y a trop d'horreur, tu ne peux pas être dans l'histoire. Ouais, je comprends. Genre Alien Isolation, t'es tellement tout le temps sur le qui-vive, sur le stress, que tu peux pas te soucier vraiment de l'histoire qu'il y a derrière. T'as pas le temps d'être en train de feuilleter une feuille parce que t'as vu qu'il y avait un mot dessus ou un post-it, parce que tu sais que tu vas te faire défoncer si tu restes au même endroit, y a pas de pause. Et ben j'ai ressenti la même chose dans R7, et du coup ils ont changé la recette, lol. et ça ne matche pas surtout à ce niveau-là. Donc, c'est un épisode que j'adore, mais que j'ai du mal à appeler R7. Et quand je vous entends parler de la fin, j'ai envie de la connaître. Voilà, ouais, en fait, j'ai exactement le même senti. Et jusqu'à la fin, après, voilà, on va éviter d'en dire trop quand même pour toi. Mais voilà, c'est qu'ils ont été forts sur ce coup-là. Et encore une fois, c'est que j'attends vraiment la suite pour vraiment me voir où est-ce qu'ils veulent aller comme ça. Et après voilà, en tant que jeu pur, ouais, même horreur, voilà, c'est quand même une belle perle de jeu d'horreur en tant que tel, même hors Resident Evil. Quelle nouveauté. Yannick, mais je pense que tu peux pas le juger tout seul. Oui, c'est ça, ouais. Je suis d'accord. Ouais, y a pas de souci. Yannick, ton avis sur Resident Evil? Mais moi je l'ai kiffé le set, et en fait, je l'ai kiffé justement pour les changements qu'il a apporté à la licence. Mais oui, alors effectivement, il passe après Outlast, il passe après tous ces jeux d'horreur à la première personne. Donc, ce qui n'en fait pas un jeu original pour autant. Mais en fait, il a ce petit truc en plus parce que Outlast, il est bien, mais à un moment, tu connais la mécanique et à un moment, arrive le moment où tu te dis, j'ai plus peur parce que je sais comment l'IA fonctionne, je sais comment en fait les monstres me font peur. Et en fait, moi, le Outlast qui m'a vraiment fait peur, enfin, c'était plus du stress, c'était le fait qu'avec la musique, avec les persos qui te courent après, quand tu cours après, c'est vraiment stressant, tu vois. Puis l'infrarouge aussi. Ouais, et l'infrarouge, tu peux pas voir. Quelque part, il y a quand même des séquences en infrarouge qui sont vraiment incroyables. Et qui est l'une des meilleures infrarouges dans un jeu vidéo avec Splinter Cell, d'ailleurs. Je tiens à notifier. Et en fait, RE7, il m'a fait, je l'ai vu comme une proposition différente. Et en fait, c'est ce qui m'a vraiment fait accrocher au jeu. Parce que non seulement, même dans sa manière de concevoir les boss, t'as plein de manières en fait de les affronter, alors que t'es qu'à la première personne, que t'as peu de munitions, que tu dois galérer quoi, pour survivre. Et arrive aussi ce moment où tu commences à connaître un peu les monstres et tu te dis, enfin la famille Baker, et tu te dis, mais à aucun moment le jeu pourra me surprendre. Puis arrive un premier twist, et là tu fais, ah oui, ok, donc il peut quand même me surprendre le jeu. Et moi j'ai beaucoup aimé ça. Et après, j'ai eu beaucoup d'empathie pour la famille aussi, qui finalement, tu découvres petit à petit ce qui s'est passé, et j'ai eu beaucoup, beaucoup d'empathie pour la famille, parce que finalement, tu te rends compte que... Ah non, c'est du spoil de dire ça. Ouais, non. On a passé loin. J'ai arrêté. Mais voilà, moi, j'ai eu beaucoup d'empathie pour la famille, et ça m'a permis de rester jusqu'à la fin et vraiment d'adhérer à ce concept. Alors moi, je suis peut-être plus frileux sur comment ils ont raccroché un peu ça par rapport à la saga de manière originale. Ouais. Mais voilà, globalement, moi, j'ai plutôt bien kiffé l'expérience. Ok. L'expérience était incroyable. Ah ouais, clairement. Jackoff, pour finir sur les main games, et après on ira quand même très vite sur les mecs parce qu'on est déjà plus de 3 heures de podcast et il commence à être fatigué. Le host, il est fatigué. Hein. Jackoff, toi, ton avis sur Resident Evil 7, du coup J'en ai pas mal. Alors, je vais essayer de faire le plus court possible, mais j'en ai pas mal. la première chose, c'est que il faut parler de l'existence même de Resident Evil 7. Pourquoi est-ce que Resident Evil 7 existe tel qu'il est actuellement? En fait, il faut se poser cette question simplement parce que la première réponse qu'on peut avoir, ou même qu'on a, si on fouille un peu sur Internet, c'est qu'il faut dire, il faut rappeler que Resident Evil 7 est le L-E majuscule Resident Evil que Capcom a toujours rêvé d'avoir, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, comme ils étaient limités techniquement parlant, ils devaient faire avec ce qu'ils avaient. Voilà. Tout simplement, tout bêtement. Ouais. Mais ce n'était pas ce qu'ils voulaient. En fait, j'avais plutôt l'impression que les mecs de l'époque étaient très visionnaires. Parce qu'ils voulaient déjà, en fait, faire un jeu à la première personne. Mais par rapport à ce qu'ils proposaient, ils ne l'ont finalement pas fait. Alors, en bien ou en mal, c'est une fois de plus à chacun de juger, même si ça a plutôt, au contraire, été bénéfique pour la licence plutôt qu'en mal. En tout cas pour les joueurs je parle puisque c'est ce qui a permis de rendre Resident Evil tel qu'on le connaît aujourd'hui, une des licences les plus iconiques du jeu vidéo. Mais Resident Evil 7 est vraiment en fait ce que Capcom a toujours rêvé et voulu avoir, et ils l'ont fait. Mais au-delà de ça, ça m'a posé en tant que joueur une problématique qui est, ok, on a le Resident Evil qu'ils ont toujours voulu faire, pas de problème. Sauf que, en tout cas au premier abord, mais sauf que le truc, c'est que je n'arrive pas à placer, chronologiquement parlant, ce Resident Evil 7, et je n'arrive pas à me dire, est-ce que c'est un reboot ou non de la licence? Qu'est-ce qui me fait dire ça? La première chose qui me fait dire ça, c'est le fait qu'on ne croise, on n'entend parler d'aucun personnage de la licence. C'est la première chose. Alors, je parle pas de la fin, d'accord? Je parle vraiment quand on découvre le jeu, hein, ok? Mais je pourrais revenir sur la fin sans spoiler. On n'entend parler d'aucun. Durant tout le long de son aventure principale, on n'entend pas parler. Donc tu te dis, ça nous dit que ça se passe 4 ans après 6... On nous parle pas du tout de ce qui s'est passé avant, mais on dirait qu'on est dans un monde parallèle, quoi. C'est limite un comics jusqu'à Resident Evil 6, c'est Terre 1, et puis Resident Evil 7, c'est Terre 2, quoi. Enfin bref. Et c'est un peu l'effet que ça a fait quand j'ai joué à ce jeu, même si je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai adoré. Le côté FPS ne m'a pas du tout dérangé. Je trouve qu'il était extrêmement bien fait. Je l'ai pas fait en VR, ouais. Mais même à la manette, j'ai trouvé extrêmement bien fait. Et voilà, il y a cette problématique, c'est de me dire, mais alors du coup, est-ce que historiquement parlant, est-ce qu'il s'inscrit dans les autres ? Il y a un petit élément de réponse qu'on peut avoir, c'est effectivement les clins d'œil à droite à gauche en regardant certaines illustrations, en s'approchant de certains objets qui nous dit « Ah bah oui, il y a quelques années, du coup, il y a eu une infection, machin. Ah bah ça, ça parle d'une ville qui a été démolie, machin. » Enfin bref, il y a tout plein de petites brides comme ça d'informations à droite à gauche. Sauf que c'est survolé en fait. Il n'y a aucun document qui dit « Bah voilà, en 1998, on a eu exactement ça, et puis machin. » Par contre, ça a fait des liens avec des spin-offs dont on n'a pas parlé du tout. Je pense notamment à une journaliste, alors j'ai plus son nom exact. Je crois qu'il fait partie d'un des Resident Evil, je crois genre Survivor, Outbreak ou je sais plus lesquels là. Eux ont fait des liens avec. Mais par contre, pour tout ce qui est de la licence principale, donc les gros jeux, les jeux à numéros, et puis même les révélations, on peut les mettre dedans ou encore Code Veronica, il n'y a rien. Donc moi, en tant que joueur, en tant que fan, je me dis, mais je suis vraiment en train de jouer à Resident Evil ? Et ce qui me fait quand même dire que j'ai joué à Resident Evil, bah c'est tout simplement qu'il a repris tout ce qu'avaient fait les précédents. En termes de gameplay, je parle cette fois. Parce qu'au-delà du fait que la nouveauté est le FPS, qu'on n'avait du coup jamais eu, enfin jamais, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des petits spin-offs dont on s'en bat les couilles qui étaient en FPS, mais bon. Oui, oui. Enfin, FPS. Ouais, oui, okay, ouais, oui, on peut le dire. Je crois que c'est Survivor, il me semble, mais je sais pas, ouais. Peu importe. Oui, voilà. Mais en tout cas, sur les, c'est exactement ça, quoi, Balek, quoi. Et du coup, sur les gros jeux, donc c'est le premier en FPS. Mais tout le reste rattrape le fait qu'on a tous joué à Resident Evil. Alors certes, il y a pas de zombies, mais moi je pars toujours du principe que Resident Evil ne se limite pas qu'aux zombies, ouais. Malgré ce qu'on voudrait. Comme je l'ai dit à un moment donné, je ne sais plus en parlant de quel jeu, c'est une œuvre qui est malléable, c'est une œuvre qui peut évoluer, qui doit évoluer d'ailleurs, qui doit constamment évoluer, pour qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. En tout cas, qu'on puisse en parler, c'est ça aussi qui fait la richesse d'une œuvre, c'est qu'on peut en parler. Et du coup, il y a donc le fait de récupérer des objets, le fait de recréer un puzzle, le fait d'aller à tel endroit pour aller à tel autre, les énigmes qui reviennent, qui ne m'a pas déplu, hein, même si je vous dis que les énigmes, ce n'est pas mon truc de ouf, mais ça ne m'a pas dérangé, parce que ça fait partie de l'essence de Resident Evil et ça ne m'a pas dérangé du tout, en fait, tu vois. Vous voyez ? Donc, le fait qu'on est assez sous-armé, même si je trouve qu'on a un personnage quand même qui, lui, il peut se faire trancher une main, il va gueuler un coup, mais il n'y a pas de problème pour le reste, qui est quand même vachement, comment dire, pseudo surentraîné en fait, je sais pas comment dire, super résistant plutôt, une espèce de Lara Croft au masculin, en quelque sorte. Même si quand on fouille un petit peu, on avait déjà quelques indices sur ce personnage dans notamment Resident Evil 5, et du coup, pour ne citer que lui, et du coup on se dit que ce personnage qu'on contrôle n'est pas si anodin que ça par rapport à l'histoire même de Resident Evil. C'est juste qu'on n'en parle pas directement dans tous les autres jeux. Et moi, je pense que ce personnage est bien plus important qu'on pourrait le croire, en fait. Mais bon, je vais pas tergiverser dessus, sinon je vais prendre trop de temps. Et je vais essayer de conclure. C'est que je me pose toujours cette question du « mais est-ce que c'est un reboot ou pas, en fait ?» Et à la fin, effectivement, quand on rencontre certaines choses, on se dit « Ah, bah voilà, bah quand même, putain, à la fin du jeu, quoi !» Sauf que même là, il y a un autre souci. C'est que, sans spoiler, on se dit « Bah, c'est pas la même chose. » Enfin, ok, le nom, je connais et tout, mais attends, mais c'est quoi cette couleur? Pourquoi il y a ça? Pourquoi? Je pense que si je dis couleur, vous savez de quoi je parle, je pense, pour ceux qui l'ont fini. Tu te dis « Putain, mais ce logo-là, il était pas comme ça avant. Putain, puis ce personnage-là... La façon dont il se présente, on dirait que c'est un nom de code plus qu'une identité propre. C'est bizarre, c'est trop bizarre. En plus, un visage qui a complètement changé. Tu te dis, mais putain, je suis dans un reboot ou pas ? En fait, c'est ça, voilà, la problématique que j'ai avec ce jeu, même si je l'ai adoré de ouf, vraiment. Je me dis, mais bon, Resident Evil ou pas ? Voilà. Ouais, c'est pour ça que je dis que moi, je suis d'accord avec toi à 100%. C'est juste que c'est pour ça que je dis que j'attends le suivant pour voir en fait où va cette nouvelle trilogie, si c'est une trilogie, évidemment. C'est ça. Voilà, c'est que j'attends de voir le 8 pour vraiment me dire est-ce que ça raccroche les wagons comme je voulais, ou est-ce que c'est totalement autre chose, etc. Ça, on pourra le voir qu'avec le prochain qui commence à être un petit peu teasé par-ci par-là. On va pas commencer à terroriser dessus, sinon on est reparti pour 3 heures. On va attaquer vraiment rapidement les remakes. Alors, le remake du 1, c'est vraiment le 1 en HD un peu plus souple. On va pas trop passer dessus. C'est très, si vous voulez redécouvrir Resident Evil 1, vous pouvez y aller, ça coûte plus rien. Et en plus, c'est quasiment le même, enfin, ils ont essayé de refaire un maximum les mêmes sensations. Donc, en vrai, allez-y. Il est très propre, voilà. Respectueux. C'est très propre. Il est pas cher dans sa collection avec Resident Evil 2. C'est ça, exactement. Souvent, les deux vont de pair. Ça, vous les trouvez partout pour 10 balles, toutes les plateformes. On va surtout s'attarder, du coup, sur Resident Evil 2 et 3 Remake. L'un des deux est beaucoup plus apprécié des joueurs que l'autre. On va essayer de passer rapidement dessus. Il y a juste toi, Jacob, surtout sur le 2, où je sais que tu le speedrun. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis de pourquoi tu le speedrun, par exemple. Mais avant tout, c'est vraiment très rapidement votre avis du coup sur ce Resident Evil 2 remake et dans la foulée le Resident Evil 3 remake si vous avez pu le faire. Yannick par exemple qui l'a fait il y a pas longtemps en stream le 2. Ouais, j'ai fait il y a pas longtemps en stream. Bah écoute, moi après je l'ai apprécié. Ouais. Je trouve que le taf est vraiment exceptionnel sur tout, toute la reconstitution et tout des scènes cultes du 2. Ouais. Et moi, j'ai plus des réserves sur l'histoire des scénarios A et B et la manière dont ils sont agencés, en fait. Je suis plus dérangé par ça. Après, le gameplay, non, c'est fluide, c'est ultra dynamique. Il y a un vrai travail d'ambiance. J'ai oublié le méchant qui te poursuit. Il est vraiment, en fait... Mais c'est Monsieur X, ouais, voilà. Il est vraiment... Il est vraiment terrifiant dans le sens où, en fait, quand il arrive, il te lâche jamais. Et donc il y a vraiment ça qui fait que ça marche plutôt bien. Après j'aurais aimé qu'il me laisse un peu plus respirer de temps en temps aussi. Mais voilà, sinon globalement moi j'ai un avis assez positif sur le 2. Ok. Et toi ouais. Caro, du coup tu l'as pas fini, du coup ce qu'on a compris. De là où t'en es, du coup qu'est-ce que t'en penses de ce 2? Bah moi tout ce que j'ai à dire c'est que je rêvais de voir le 2 et le 3. Dès que j'ai vu le 1 en remake, je rêvais de voir le 2 et le 3 en remake. Ouais. J'attendais que ça. Je suis très très déçue de la tronche qu'ils ont fait à Claire. Ouais. J'en étais sûre. Toutes les belles matières qu'ils ont eues ces dernières années, notamment sur les films d'animation. Ouais. En 3D, donc... Elle n'a pas du tout le même visage. En plus, Révélation 2, elle est plus vieille. Ils auraient pu se baser sur ça, mais là, ils ont fait un truc, je ne sais pas. Non, c'est raté. Je l'ai commencé, mais j'ai peur de le continuer parce que Monsieur X, il me fait peur. En fait, je ne l'ai pas encore vu, mais je vous jure, il me fait peur. Je sais qu'il va arriver parce qu'à l'époque où il est sorti, moi, je n'ai pas voulu le faire tout de suite parce que j'ai du mal à jouer à quelque chose auquel tout le monde joue. Ouais, ça m'agace. Je comprends. Parce que t'es dans un jeu, tu vas sur les réseaux, tu vois le jeu, tu vas sur machin, tu vois le jeu, t'es en train de dire que tu le fais, tout le monde a son avis. Ça me saoule. J'aime bien le faire dans ma bulle. Je comprends. Sauf que je sais qu'il va venir. Je sais qu'il va venir me rendre des comptes. Et j'ai absolument pas envie, il me fait peur en fait. Donc là, je l'ai commencé et à chaque petit couloir où je me dis peut-être que là il va venir et du coup j'y vais tout doucement parce que j'ai peur et j'ai vieilli et j'ai plus peur qu'avant alors qu'avant j'avais pas peur. Ok, voilà. Et du coup Jakov, t'es le seul aussi à avoir touché au 3 de nous 4, si je ne dis pas de bêtises. Déjà alors, je sais que t'as adoré le 2 remake. Ça, ouais, tu nous le contras à travers tes speedruns. J'aimerais avoir ton avis sur le 3 parce que on entend quand même partout que c'est quand même a priori pas ouf. Qu'est-ce que toi t'as eu en ressenti sur ce Resident Evil 3 rapidement, évidemment, je fais que de le dire en ce moment, mais rapidement, sur Resident Evil 3, qu'est-ce que t'en as pensé en tant que, que remake de ce 3 en fait? Déjà, ils respectent la structure même de Resident Evil 3 Nemesis de l'époque, c'est-à-dire la structure qu'on connaît en fait de Resident Evil 3 Nemesis, c'est-à-dire en gros, à l'époque, enfin, ou plutôt avec du recul, on se dit que Resident Evil 3 Nemesis était en quelque sorte une sorte de gros DLC de RE2. De l'époque, puisque les deux jeux, effectivement parlant, se déroulent en même temps. C'est ça. Donc, on avait l'impression de jouer à une espèce de gros DLC C'est pour ça d'ailleurs peut-être aussi que le jeu était redevenu linéaire. Et pour faire une transition avec RE2 Remake et RE3 Remake, j'ai l'impression qu'on revit exactement la même chose en fait. Ok. J'ai l'impression que malgré les deux époques complètement différentes, fin des années 90, début 2000 et là, fin des années 2010, début 2020, on vit la même chose. C'est-à-dire que les plaintes que je peux voir aujourd'hui de Resident Evil 3 Remake sont finalement les mêmes, plus ou moins les mêmes que ceux de leur grand frère, en fait, ouais, de l'époque. Et donc tout ça pour dire que d'un point de vue remake, bah, ils ont finalement totalement respecté en fait, bah, ce qu'étaient les jeux originaux de l'époque. Maintenant, mon ressenti à moi, personnellement donc, c'est que je l'ai apprécié. Je l'ai vraiment apprécié. J'ai passé plus de 70 heures dessus. J'ai tout fait dessus. Je l'ai platiné. J'ai fait tous les défis. J'ai acheté tous les items. J'ai tout fait. Je l'ai un peu speedrunné. Ouais, je l'ai beaucoup moins speedrunné que RE2 Remake. Ouais, parce que RE2, c'est vraiment le jeu que tu as le plus speedrunné entre les deux. Et tu me donnes une transition. C'est. Alors, je vais le redire. Et c'est bien pour un speedrun. Rapidement. Parce que tu faisais très peu de speedrun avant. De connaissances, voire pas du tout. Ouais, je faisais un petit peu sur Remaster en 2015. C'est ça, ouais. Sinon très peu, globalement très peu. Qu'est-ce qui t'a un peu fait le déclic sur Resident Evil 2? Pourquoi ce jeu-là, tu t'es mis à la speedrunner, finalement? Qu'est-ce qui a été le déclic dedans? Alors, je pense que là-dedans, la fibre nostalgique a énormément joué. Ok. Je pense qu'elle a eu une très grande importance dans le fait de jouer énormément d'heures Resident Evil 2 Remake. Maintenant, pour le côté speedrun, là où c'est très, très paradoxal par rapport à ce que proposent même Resident Evil 2 et Resident Evil 2 Remake, c'est-à-dire survivre dans un monde d'horreur, survivre dans un monde d'épouvante, comme le disent quelques personnages dans d'autres jeux, c'est que je trouve que ce côté puzzle, pour moi, et le fait qu'il y ait un timer... Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a un timer après tout? Pourquoi avoir un timer directement en plein jeu, juste pour te dire, bah oui, bah voilà, ça fait 10 minutes que tu joues, bah voilà, ça fait 1 heure que tu joues, ça fait 3 heures que tu joues, enfin bref, peu importe. J'ai longtemps vu ça comme, et si j'essayais d'aller le plus vite possible, en fait. Pourquoi pas après tout? Après tout, j'ai une première expérience de jeu qui me permettait simplement de découvrir, passer des heures et des heures à comprendre... où tel objet doit être placé, ou pourquoi, par exemple, où se trouvent les items d'armes que je dois assembler avec notre arme principale. Enfin voilà, tout ça, je me suis dit, maintenant, cette fois-ci, je vais aller le plus vite possible. Je vais me donner un challenge. Ouais. Mais des challenges, je ne me les donne que, même si ça paraît logique quelque part, je ne me les donne que sur des jeux que j'ai énormément appréciés, en fait, de ouf. Ça se comprend. Et surtout, que j'ai l'impression qu'ils s'y prêtent. C'est ça qui fait que c'est paradoxal dans ces jeux-là. Normalement, on n'est pas censé, de base aller le plus vite possible dans l'aventure. On est censé le découvrir tranquillement, on est censé avancer tranquillement, profiter de l'ambiance, profiter du bruitage, profiter de l'OST, profiter de plein de choses, en fait. Mais je sais pas, je trouve que Resident Evil rentre parfaitement dans la catégorie des speedruns pour le fait de devoir récupérer des objets, devoir tuer des boss le plus rapidement possible, devoir esquiver des ennemis le plus rapidement possible. Tout ça, je me dis, putain, mais c'est en termes de challenge, mais c'est juste génial. Alors, ouais, j'entends. C'est peut-être l'espèce d'hardcore gamer qui est au fond de moi, peut-être qui parle. C'est possible aussi, tu vois. Non, mais dans le sens où j'aime bien mettre des défis. Ouais. Pour moi, le speedrun, c'est ça, c'est se mettre un défi, en fait. C'est tous les jeux ne devraient pas en premier lieu être faits en speedrun. De base, il y en a très peu. Évidemment, déjà. Donc je serais évidemment d'accord sur ce fait. Mais le fait de transformer les Resident Evil, qui à la base sont des jeux de survie, comme ça, très grossièrement, évidemment, je trouve qu'ils s'apprêtent parfaitement bien à ce côté puzzle, en fait. Reconstituer un puzzle le plus vite possible. Ok, parce que moi c'est rigolo parce que du coup moi je speedrunnais, j'ai moins le temps maintenant, pas mal de jeux, et moi c'est rigolo parce que c'est tout le côté inverse, c'est le speedrun c'était dans le côté, j'aime les jeux inspeedrunnables comme on disait, par exemple j'ai énormément speedrunné Harvest Moon, personne s'est dit, ah bah Spoon c'est trop cool à speedrunner. Et ils ont raison, parce que c'est chiant comme la pluie. Mais moi je m'emmerde en le faisant. Mais c'est trop bien. Ouais. J'ai speedrunné Stardew Valley, pareil, même principe. J'ai speedrunné Animal Crossing GameCube. J'ai speedrunné, que ça s'appelle Ace Attorney Trilogy. Donc c'est des choses. Ace Attorney Trilogy, c'est que du texte. Quel intérêt? Bah, habillé le plus vite possible. Ah là là. Mais j'adore ce côté. Enfin, ouais, dans le speedrun, là, du coup, on s'éloigne un peu de Resident Evil. C'est vraiment le côté. Comme pareil, j'ai fait énormément de speedrun de Pokémon Rouge Feu et j'avais aidé à la sortie de Pokémon X sur les routes. Pareil, c'est tout ce qui est RPG occidentaux très linéaires comme ça, orientaux comme ça très linéaires. C'est des jeux. Bah déjà, c'est en speedrun, c'est long, c'est chiant, aussi bien pour le joueur que pour les viewers. Et en plus, tout ce qui est JRPG, c'est plein de juste de chat quoi. Ça tout se joue sur la RNG. Mais c'est moi c'est ce côté-là dans le speedrun, c'est que je suis pas forcément un excellent joueur à proprement parler. J'ai des genres où je pas déjà j'excelle, mais je suis meilleur que d'autres. Mais du coup, c'est vrai que ces jeux qui sont pas dans l'exé, mais dans la patience et dans la compréhension de certaines choses dans le jeu, même s'il y a beaucoup de ça aussi dans Resident Evil, hein, ça se voit clairement. Je sais pas, moi c'est ce côté-là dans les speedruns qui m'intrigue, c'est vraiment pourquoi je finirais le jeu rapidement alors que c'est pas le but, et en plus c'est vraiment, en plus on s'emmerde, et ben moi c'est ça qui me fait plaisir quoi. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. On a fait un bon tour de cette licence quand même. On est à beaucoup de temps, on est à 3h30 de podcast, hein. Oh là là, c'est long. On a battu encore un record. À chaque fois ils seront plus longs, hein, évidemment. C'était vraiment hyper intéressant, vraiment. Donc déjà je vous dis merci à tous les trois d'avoir été là, c'est vraiment un bonheur de vous avoir eu, c'était trop intéressant. Donc encore merci. Merci à tous. Et dans tous les cas, vous revenez quand vous voulez. Ce sera un grand plaisir. La prochaine fois, on peut même essayer de se faire ça en physique. Ce sera le top. Avant de clôturer, je vais, comme toujours, vous demander vos actus à chacun. Donc toi, Caro, c'est quoi tes actus en ce moment? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je m'attendais pas à cette question. En ce moment, on peut me retrouver confinée chez moi. Mais sinon, non, j'essaye de. Là, j'ai reçu une nouvelle caméra pour essayer de reprendre le stream. Ouais. Donc, ma chaîne, c'est Player, tout simplement. Tout sera en description, comme toujours. Voilà, et sinon je suis très active sur Twitter pour raconter quand je nique mes cheveux ou quand j'ai du coup mon chat, voilà, des trucs comme ça par exemple. Parfait. Et toi, Jakov, du coup on te retrouve où en ce moment? Donc sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, tout ça, Instagram. En vidéo c'est YouTube, Dailymotion aussi. Voilà, bref, YouTube. Le dernier pilier de Dailymotion. Voilà, ouais, mais on rigole, mais c'est vrai. Non, c'est vrai en plus. Je continue à poster dessus juste par acte symbolique, bref. Et du coup, en ce moment, je suis sur le WT de RE3 Remake, du coup. Ouais. Donc la soluce vidéo. Du jeu et sinon en gros ouais, c'est à peu près tout en termes de c'est de déjà vidéo, pas mal d'actualité et de réseaux sociaux donc voilà pour ma part. Et toi Yannick, en ce moment c'est quoi un peu tes actus? Moi un peu mes actus, en ce moment je suis toujours sur Twitch, Indie avec 4 i, grande originalité, incroyable. Et sinon je suis aussi pas mal sur Twitter, Indiana_60. Et parfait. Pour préciser les underscores. Et toi, Ninja, en ce moment, moi, c'est le podcast. Hein, en ce moment, c'est surtout Annie Minute. Hein. Et autour de ça, pas grand chose. Hein. Je suis également confiné en ce moment, donc pas de stream avant reprise un jour. Donc voilà, pour l'instant, voilà. Mes actus, c'est le podcast. Si toutes les semaines, je fais une critique de l'épisode de Digimon Reboot qui vient de sortir sur Twitter. Sauf qu'il y a tu sûrement du coup à rater. Voilà, donc je donne mon avis. Ça, j'en parle pas encore en podcast parce que c'est trop frais et encore trop de choses qui me divisent dedans. Donc j'attendrai que ce soit fini, puis on prépare un gros épisode Digimon entier, donc ça va être bien. Non, voilà. Pour l'instant, mes actus, vous l'avez en direct, c'est le podcast. Donc encore une fois, mille merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Je vous fais des gros bisous à tous et on se dit à une prochaine fois et à dans 6 semaines pour le prochain épisode d'AnimutiX. Encore merci et des zoubis, à bientôt. Salut. Des zoubis. Ciao. Des zoubis à toutes et à tous. Salut. A prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. She's done. He'll be torn.